Le plan de cette semaine à Assemblage Rookie. Tania Baudin est de retour de vacances et nous racontera ses aventures dans Tania is Gonna Entertain Ya. Et on passera les ponts sur le trapétis de notre segment gastronomique Une Grosse Pointe en Grèce. Une toute nouvelle édition d'Assemblage Rookie commence tout de suite. Assemblage Rookie pour toi. Aujourd'hui. Assemblage Rookie pour toi. Aujourd'hui. Assemblage Rookie pour la semaine du 11 juillet 2016. Je m'appelle Mathieu Plante. Et moi, Tania Baudin. Hey, Tania Baudin qui est de retour après 3 semaines d'absence. 3 semaines, c'est oui, pas gros. T'as raté 2 émissions, donc ça fait 3 semaines qu'on s'est parlé. Oui, c'est vrai. Ah. Mais il y en a une où j'étais là, mais j'avais pas de voix, donc je parlais pas vraiment. Ouais, c'est ça. Mais t'étais oui, pas là pour exact. La. Ouais, c'est ça, t'as raison. Mais en même temps, t'étais là pour la moitié de l'émission, donc ça fait quand même 3 semaines moins 1h30. Ouais, c'était quand même relativement proche. T'as arrondi, mettons, à 3 semaines. Bref, hey, salut, ça va bien? Ben, ça va très bien, merci. Ouais, est-ce que tu voudrais raconter ton histoire tantôt ou maintenant? Ouais, je peux bien faire ça tantôt. Là. Ok, cool. Donc aujourd'hui, l'émission, Tania, on va avoir nos chroniques habituelles. Alors, on va faire du sexisme, ça ne devrait pas, on l'a. On va faire une grosse pointe en dresse. On va aussi débuter l'émission dans quelques instants avec son foutu palmarès parce que on a manqué le début du mois, mais il nous reste oui. encore quelques fêtes à célébrer. C'est vrai. On va faire ça tantôt. À la mi-chemin de l'émission, environ ta chronique à toi, Tania is Gonna Entertain Ya. Qu'est-ce que tu nous as préparé pour aujourd'hui? Bien, je vais vous présenter en fait des endroits au Québec et ailleurs au Québec où qui serait peut-être bon de visiter durant l'été. Voyage. Oh, ouais. Hey, ça me rappelle, oui. C'est pas une toune, ça? Oui, c'est une toune de Vanessa Paradis. Mais quand je passe devant le Salade, OK? Oui. Nouveau restaurant de salade. Ouais, j'ai vu tes jokes vraiment pas bonnes. Ouais, non. Ouais, OK. La blague que j'ai faite sur Facebook, c'est on devrait faire commanditer quelque chose par Salade au Baseball des Aigles. Fait que j'ai marqué qu'à chaque fois que c'est une balle, que selon la liberté dit, il faudrait qu'on dise c'est une balle ball présentée par Salade. Exactement. C'est ça. Ça, c'était ma blague. Et l'autre blague, c'est à Stéphanie Paradis avec qui j'ai joué hier à Pokémon Go. Oui. On est passé devant Salade et je lui ai dit à chaque fois que je passe devant Salade, j'ai toujours voyage dans la tête, mais à la place, ça dit Salade. OK. Et là, elle a dit merci de m'avoir fait ça. Parce que dorénavant, ça va être ça pour elle aussi. Et c'est maintenant, sûr. À toi, à et maintenant, aussi, à toute clair. La population. Voilà. C'est fait, c'est lancé. Vous êtes tous pris avec ça. Si je dois couler, vous allez tous couler avec moi. Voilà. C'est ça, voyage dans ta chronique tantôt. Oui. Sauf du palmarès dans quelques instants, mais avant ça, on va quand même s'entendre une nouvelle entrée du palmarès francophone, Tania. Ah oui. C'est le Peter. Oui, exactement. C'est Eden Noir. Ooh, Eden Noir, tu dis? Eden, pas Beden. Je pense que c'est pas tes fantasmes à la radio encore. Non, ça n'arrive pas. Pas de Beden noir. Nope. Si devant rien je réfléchis, j'invoque l'esprit, celui qui depuis lors me possède. Désormais fantôme, il ne m'écoute plus, je le comprends, je m'écoute trop et ça ne mène jamais ailleurs. AM seul avec moi dans un diner ouvert 24 heures où les gens prennent pour emporter. La soupe est chaude, les toilettes propres, la dame est gentille et quand elle parle défile les sous-titres comme au cinéma. C'est un film noir, oui je pensais, j'espère au moins que quelqu'un regarde et connaît la fin. J'ai des questions, des myriades de questions, une de plus à chaque seconde. C'est un film noir, oui j'en suis sûr, j'espère au moins que quelqu'un regarde et connaît la fin. J'ai des questions, des myriades de questions, une de plus à chaque seconde. C'est un film noir. C'est un film noir, c'est un film noir, noir, la terre. soudain qu'un corps entre, j'ai cru c'était toi, c'était personne. Ils mettent de l'eau entre et dévorent tout, je crois qu'ils sont ivres, ils ont l'air heureux, ça me le rend un peu, je les espionne. J'ai le souvenir d'avoir fait bien pire il y a quelques années. Je m'en suis sorti, où n'en serais-je jamais rentré? J'écris mes aveux dans le bloc-notes de mon téléphone. Soudain quelqu'un entre, j'ai cru c'était toi, c'était personne. C'est un film noir, oui je pense. J'espère au moins que quelqu'un regarde. Il connaît la fin, j'ai des questions, des milliards de questions. Une de plus à chaque seconde. C'est un film noir, oui j'en suis sûr. J'espère au moins que quelqu'un regarde. Il connaît la fin, j'ai des questions, des milliards de questions. Une de plus à chaque seconde. C'était Noir Eden de Peter Peter à Assemblage Rocky. La jeune chanteuse qu'on entend dessus, c'est Alice Vanor qui pose des cœurs sur les refrains. Voilà. Parce que tantôt, je me suis demandé si c'était la bronze, mais non, c'est une autre chanson qui a la bronze dessus. Mm-hmm. Et on va l'entendre plus tard. Et voilà. Faut rester à l'écoute pour ça. Maintenant, vous êtes toujours à Assemblage Rocky, l'émission estivale en pièces détachées. Et la première chronique qu'on se fait aujourd'hui, c'est son foutu palmarès. Mm-hmm. C'est la chronique dans laquelle on établit un sujet, une liste sur un sujet plus ou moins précis. Depuis le nombre d'années que je fais cette chronique-là, je devrais savoir le slogan par cœur. Mm-hmm. Aujourd'hui, cette semaine, en fait, on va revenir en arrière un petit peu parce qu'on a sauté quelques fêtes au début du mois. Oui, quelques-unes. On est déjà rendu à presque la mi-chemin du mois, donc on va célébrer 15 fêtes par le mois de juillet. OK. Pourquoi pas? Seulement 15. Oui, je pense que c'est le mot qui en a le moins. Je pense que oui, t'as raison. Je pense très bien. Et évidemment, on ne compte pas les fêtes officielles là-dedans. On parle de fêtes hétéroclites que vous n'avez nécessairement envie de célébrer. Donc, le mois de l'indépendance américaine, le mois de la Confédération canadienne, mais c'est aussi le mois où contient, qui contient en fait, la journée où on doit complimenter son miroir le 3 juillet. Oh boy! Okay. Ah oui. Donc, c'est ça. On y est, pas avec le pot. Complimenter votre miroir. Mais en fait, si tu complimentes ton miroir, c'est comme si tu t'auto-complimentais. Je pense que c'est pas mal ça, en fait. C'est pas mal l'idée de la chose. OK. Le 7 juillet, c'est la journée où on dit la vérité. Ah! Ah, pas de mensonge. Il y a un quiz télé qui s'appelle To Tell the Truth en ce moment, genre à vrai dire. Oui. Donc, il y a des vedettes qui doivent trouver parmi trois personnes lequel dit la vérité, lequel dit des mensonges. Juste une personne qui est la vraie personne avec la vraie personnalité. OK. Hein? C'est vraiment cool. C'est un jeu des années, je sais pas, 50, 60 qu'ils ont ramené. C'est bien ça. Ah, je savais pas. Donc, Tell the Truth Day. Le 9 juillet, c'est la journée Être chauve, c'est cool. Ah. Bald is in day. OK. Le gars, sa photo a l'air sceptique. Ouais, c'est ça. 10 juillet, c'est la journée de pas piler sur une abeille. Ah. Piler sur une abeille, c'est mauvais pour bien des raisons. Pour les deux, en fait, un va mourir. Devinez lequel. Ensuite, 13 juillet, c'est la journée Soyez fiers d'être geek. Tu sais, quand je dis dans le slogan du Mathieu Planchot que c'est l'émission de la fierté geek, oui. Ben c'est pas mal le 13 juillet qu'on va devoir célébrer ça. Et étrangement, ça tombe demain, le 13 juillet, et c'est le Mathieu Planchot le mercredi. Oh là là! Fait que demain, on met tous des lunettes. Party time! Ouh. Ça va être le moment de mettre tes fenêtres. Mes fenêtres? Tes lunettes. Oui, qui ont l'air de des fenêtres. Qui ont l'air de fenêtres parce qu'elles sont très grandes, mais t'es portes moins souvent qu'avant. C'est vrai. Bon. Bref, c'est ça. 16 juillet. C'est la journée nationale du Woolly Wagon. Tu sais, des fois, les station wagons, les voitures avec du contreplaqué ou du bois sur les côtés, c'est la journée nationale de ça. Sûrement la journée préférée des... C'est quoi? C'est les Griswold dans National Lampoon's Christmas Vacation, Vegas Vacation, le sapin à des boules, truc. Oui, oui, oui, oui. C'est ça. 17 juillet, National Ice Cream Day, la journée nationale de la crème glacée. Aha! Peu importe comment vous la mangez, à quelle fréquence vous la mangez, il faut quand même savourer cette crème glacée-là le 17 juillet. 20 juillet prochain, c'est la journée Take Your Poet to Work Day. Tu sais, t'as la journée Amener vos enfants au travail. Oui. Peut-être que amener votre animal de compagnie au travail, je sais mais pas. Mais là, c'est votre poète. Votre poète, voilà. Donc, cette fête est supposée être une raison d'amener votre personne qui écrit des livres préférés ou parolier de chansons, peu importe, et les amener à votre travail. Tweet Speak Poetry a même créé des illustrations pour vous aider que vous pouvez aller voir sur assemblagerequis.com. Si vous avez quelqu'un dans votre entourage qui écrit. Le 22 juillet, c'est la journée Rat Catcher. Donc, c'est l'anniversaire de Pied Peeper of Hamelin, une journée qui va honorer les exterminateurs de toutes les grandeurs, toutes les grosseurs, toutes les espèces, entre autres les chats qui chassent les souris. Donc, c'est la journée où on attrape des rats, la journée qui célèbre ces gens-là. 23 juillet, bizarre celle-là, c'est la Hot Enough for You Day. La journée, il fait ça assez chaud pour toi? Eh, hein? On n'a pas ça au Québec. Ben, cette semaine, en temps normal, ça devrait être la semaine la plus chaude, là, c'est ce qu'ils disent. Peut-être, mais à chaque fois qu'ils ont annoncé de la pluie, il n'y en a pas eu, presque, à part samedi. Et là, ils n'annoncent pas de pluie, mais on a l'impression, c'est ça, en ce mardi 12 juillet, qu'il va pleuvoir. J'ai un feeling. Il y a l'air à faire frisquer aussi, un peu, présentement. Puis, tu sais, quand les feuilles font des petits ballottements dans la forêt. À l'envers. Ouais. Ma grand-mère disait ça. Ah oui? Quand les feuilles virent d'abord, il va mouiller. Je le savais même pas, puis je l'ai dit. Puis c'est un signe. Pis c'est drôle aussi. C'est vrai, le pire. Ça arrive tout le temps. As-tu aussi... Moi, en tout cas, j'ai mal aux genoux les jours avant la pluie. Et puis, une de mes amies m'a dit, ben, c'est normal, c'est parce qu'il va pleuvoir. Oui, c'est ça. C'est normal, tu vas mourir, Mathieu. T'as mal aux articulations quand il va mouiller, c'est à cause de l'humidité. Mais ça m'a surpris, je ne savais pas que l'humidité causait ça. Ben oui. Et que j'ai aucune éducation. Donc, 23 juillet, la journée, il va falloir assez chaud pour toi. Qu'est-ce qui se passe? Ben non, mais je regarderai la prochaine. Ah, OK, la prochaine, le 23. Ça me parle. 23 juillet, ah, toi et les sportifs, toi et les cowboys aussi. Exactement. 23 juillet, la journée nationale du cowboy. C'est l'heure de faire un petit hold on. Hein, de se ramasser des vaches avec un lacet. Un lacet, lasso. Un lacet, oui. Tu portes des fenêtres. Oui, c'est ça. Tu attrapes des vaches avec un lacet. Ça va être ça. Salutations à mon ami Cynthia, qui sait pas faire la différence entre une vache pis une brebis dans un champ. Quoi? Une vache et une brebis? Mais oui, mais que veux-tu? un bœuf et un taureau peut-être, mais une vache et une brebis. C'est quand même une histoire très drôle. Raconte. C'est parce qu'elle s'en est ici, on avait quelque chose, puis elle s'est perdue dans des champs, puis elle m'a texté qu'elle était pas capable de faire la différence entre des moutons pis les vaches, mais apparemment que c'était des bébés vaches, donc il n'y avait pas encore de taches. D'accord. C'est pour ça, apparemment. Ça a du sens. Ouais. Ça a du sens. Je donne le bénéfice du doute. Ouais. Une fois expliqué, ça peut être correct. 24 juillet, Tania, c'est la journée nationale du service au volant. Ah, OK. Oui, donc c'est une autre fête par rapport au breuvage, à la nourriture. Vous avez probablement profité à tous les jours de l'année, ou en tout cas une fois de temps en temps. Probablement. Du service à l'auto, mais le 24 juillet, c'est la journée pour ça. Je sais pas s'il va y avoir des spéciaux sur le service à l'auto. Oh, je sais pas. Toujours le 24 juillet, une fête qui est vraiment parfaite pour moi, c'est la journée nationale de raconter une vieille joke. Oh boy. Ça veut pas dire que ça va être bon. Ça va être un petit peu mononcle. Je vais devoir sortir mon émoji de monsieur avec une moustache. Il y en a beaucoup comme ça qui comptent des jokes qui sont tout le temps. Mais c'est quand même... Moi, j'aime bien l'humour facile des fois. Ouais, OK, ouais. C'est pas aussi facile que, mettons, genre, juste pour rire les gags. Ouais. C'est un niveau en haut de ça. Au-dessus de ça. 24 juillet, toujours, il y a beaucoup de fêtes le 24 juillet. C'est la journée des cousins. Ça dit pas si c'est au niveau national ou international, mais la journée des cousins. C'est aussi la journée de la tante. OK. Donc, la personne, la tante. Donc, rassemblez votre famille et faites une petite fête. Prenez-vous en selfie, peu importe. J'aime comment, sur la photo dans l'article, le gars a un selfie stick. Ouais. Mais il est juste dirigé vers lui et non pas vers le reste de la famille. Il y a des gens qui ont un ego, là. Un ego fantastique. C'est vraiment, en plus, tu sais, comme tout le monde a l'air de regarder le téléphone, ouais. Mais le téléphone est vraiment juste vers le gars. Tu vois qu'ils ont quand même, tu sais, ils ont pas une famille inclusive, dans le sens que c'est une famille, fait qu'ils sont tous blancs, mais ils ont quand même inclus une fille qui a probablement eu un cancer, genre à pas de cheveux. T'sais. Où ça? Dans le milieu, la fille aux cheveux roses a pas l'air d'avoir de cheveux. La fille aux cheveux roses? Au chandail rose, mauve. Ah, tu trouves? Non, c'est clair qu'elle a une couette. Tu penses? Je crois. Pas sûr. OK. Moi, je trouve que j'admire l'inclusivité. D'accord. 27 juillet. C'est la journée, d'amener la journée d'amener vos plantes se promener. Oui, rien de moins. Tu sais, les gens, des fois, traînent leur chat dans un petit carrosse là, pour bébé avec un petit screen. Là, ça, là, ah, ouais. Ils font ça? Il y a des gens qui font mes ça? Mes voisins faisaient ça dans le temps. Eh hey boy. Trop, trop, ce monde drôle de place. Mais ça, donc, oui, ils amenaient leur chat. Faites la même chose avec des plantes. Ensuite, évidemment, si votre bébé est dans ma famille, c'est un bébé plante. C'est un bébé plante. Toudoum, toudoum. Tu vois, joke facile. Joke facile. On a terminé la liste des fêtes à célébrer au mois de juillet. Sniff sniff, allons-y donc avec des anniversaires à célébrer en juillet maintenant. Des anniversaires de gens que vous connaissez peut-être, des figures historiques, des animaux, peut-être comme le 4 juillet 1971, c'est la fête de Coco le gorille. Oui, Coco le gorille. Oui, celui qui parlait en langage des signes. Ah, c'est lui ça? Ah, ben, je savais pas qu'il s'appelait Coco. Il me semble que c'est lui. Donc, oui, c'est ça, il connaît 1000 mots de la langue des signes américaine, le ASL, American Sign Language, mm-hmm. et aime les chats. En 1984, c'est une fille, excuse-moi. Elle a eu ça, il me semblait aussi que Coco, c'était une fille. Ben, c'est parce que moi, je veux dire, en espagnol, Coco, tu te dis, ça va être la fille, ça va être caca. Ou coca, on sait pas. T'sais. Moi, je suis trop hispanophone. C'est peut-être ça. Hispanophone. Donc, en 1984, elle a eu le droit de choisir un chat d'une famille de chats, ce qu'on appelle en anglais une litière, donc la famille de bébés de bébé chat. Hein? Donc, pour son 12e anniversaire, elle a sélectionné un chat gris et blanc qu'elle a nommé All Ball, en langage des signes, bien sûr. Le chat était un manx, il ressemblait à une balle. Donc, quand même, l'intelligence de Kéké Coco était quand même là, parce qu'elle l'a nommé comme une balle, et le chat avait l'air d'une balle. Ah! Quand même. Ron Cohn, biologiste au Gorilla Sanctuary, a dit au Los Angeles Times en 85 que Coco aime faire rimer des mots en langage des signes. Imagine, elle est capable de faire... Elle était capable, c'est ça? De faire des signes qui rimaient. Oh, ouais. Coco était aussi propriétaire d'un chat rouge nommé Lips Lipstick, donc lèvres rouges à lèvres, et un chat gris nommé Smokey. Les deux animaux étaient ses compagnons pendant presque 20 ans jusqu'à ce que Smokey meure de cause naturelle. On va aller voir juste pour le plaisir, parce qu'il me semble que ça vit longtemps, un gorille. Oui, un gorille, me semble, c'est long. Là. Elle est probablement encore en vie, on va aller voir ça à l'instant. Coco, le gorille, né le 4 juillet 1971. Ben, il n'y a pas de date de mort, donc apparemment qu'il est encore en vie. Ah, Coco est encore en vie? Tant mieux, coco.org si vous voulez en savoir plus sur Coco le gorille. Oui, hey, crime, 45e anniversaire le 4 juillet. Wow. Elle vient de célébrer ça, 45e anniversaire. Félicitations, Coco. Ensuite, on va y aller avec... Ah oui, le 4 juillet 1918, c'était la naissance de Esther Lederer et de Pauline Phillips. C'est des sœurs jumelles nées Friedman qui ont ensuite commencé à écrire, c'est très populaire aux États-Unis, les lettres « Dear Abby ». Oui. Donc, c'était des columnistes, donc des chroniqueuses de questions-réponses. Les gens leur envoyaient des questions, elles répondaient à ces questions-là. Donc, c'était pas du tout Abby. C'était ni l'une ni l'autre Abby. Mais bon, donc Esther Lederer et Pauline Phillips. On dit que c'est... Phillips écrivait Dear Abby sous le nom de Abigail Van Buren. Et... ce que ça dit ici, c'est que les deux avaient une relation plutôt difficile. Elles se sont réconciliées brièvement pendant les années 60, mais... qu'est-ce que ça dit ici? Attends, les sœurs jumelles qui ont écrit Dear Abby et Ann Landers Advice Columns respectivement. Les deux écrivaient chacune leur colonne. Mm-hmm. Phillips écrivait Dear Abby. L'autre, ça dit pas. Et puis, elles se faisaient compétition. Elles se sont réconciliées dans les années 60. Puis finalement, quand il y en a une qui est décédée, ben, ils se parlaient plus. Ah, c'est juste ça que ça dit. Ah, c'est ça. Je comprends. Not speaking when Esther died. Ouais, comprends. C'est ça. J'avais entendu que je pensais qu'elle n'avait pas parlé à Esther. Je cherchais c'était qui Esther. C'est la première des deux filles. 6 juillet 1907, fondatrice du Café Frida, Frida Kahlo, évidemment. Peintre, né et décédé dans la même maison, une bâtisse nommée La Casa Azul pour son extérieur bleu, donc azul voulant dire bleu. Kahlo a été élevée là, et quelques années plus tard, elle et son mari, le muraliste mexicain, quelqu'un qui faisait des murales. Des murales, des peintes. Murales, c'est des murs, non? Oui, c'est ça. Okay. Diego Rivera. Ensuite, le 13 juillet 1954, elle est morte dans la même maison à l'âge de 47 ans. Ensuite, l'auteur de Charles Webb est né le 11 juillet 1889, c'est E.B. White, qui n'aimait pas beaucoup les lettres envoyées par leurs fans. En 1959, il a reçu une lettre d'un homme nommé Mike. qui a demandé ce qu'il devait faire pour faire publier un de ses livres à ce gars-là, Mike. White lui a répondu avec un conseil qui n'était pas très aidant. Il a dit la chose la plus importante en tant qu'auteur est d'écrire un bon livre. Ensuite, il doit envoyer son manuscrit à un éditeur après l'autre, donc sans cesse, jusqu'à ce qu'il en trouve un qui voudrait l'éditer, le publier. Je suis content que tu aies aimé Stuart Little et Charles Webb et merci de m'avoir écrit. C'est tout ce qu'il a répondu, un père. Bon, au moins, il a répondu. Au moins, il a répondu. Je trouve ça quand même sympathique. Ensuite, aujourd'hui. Oui, le 12 juillet 1817, Henry David Thoreau est né. C'est un auteur naturaliste qui était un yogi. Yogi, c'est ceux qui enseignent le yoga, n'est-ce pas? Il me semble. Ah, peut-être. Donc, on lui a présenté la pratique via un ami et un écrivain qui s'appelle Ralph Waldo Emerson. Une de ses pratiques, c'était de s'asseoir avec les jambes croisées à la porte de son chalet du lever du soleil jusqu'à midi. Wow! C'est quand même intense. Mais avoue qu'il n'a pas l'air d'un gars qui fait du yoga sur sa photo. Il a l'air d'un président américain. Exactement. Je trouve. Yogi, donc, du point de vue hindou, nous dit-on, c'est un ascète pratiquant le yoga. Ah ben voilà. Voilà, absolument. Le 18 juillet 1918, Nelson Mandela. On dit qu'il a souvent... qu'il utilisait la phrase suivante. Notre plus grande peur est de ne... n'est pas... que nous sommes inadéquats, notre plus grande peur est que nous sommes puissants plus que nous le croyons. Voilà. J'imagine qu'il y a une meilleure traduction que ça. Donc, c'est un homme spirituel. En fait, ça dit que c'est les mots d'une enseignante et auteure, Marianne Williamson, de son livre de 1992, A Return to Love. Donc, on ne sait pas comment on a commencé à attribuer cette citation-là à Nelson Mandela, mais ce n'est pas lui qui l'a inventée. 21 juillet 1899, la naissance de Ernest Hemingway, qui est connu comme un maître de la compression budgétaire du langage, si on veut. Donc, il a écrit, ça dit ici, l'auteur a écrit 47 fins de son roman classique de la Première Guerre mondiale, A Farewell to Arms. Ah, ouais. Donc, bravo. 24 juillet 1897, la naissance de Amelia Earhart, donc son vol d'avion. Avec l'avion qui s'appelle le Lockheed Electra. Elle a fait un caméo dans le film de 1936 nommé Love on the Run, mettant en vedette Clark Gable et Joan Crawford. Ça a été filmé 8 mois avant le dernier vol de l'avion au-dessus de l'océan Pacifique, mais n'a seulement été découvert sur l'écran. Plutôt cette année, nous dit-on. Plutôt cette année. Ah oui, wow! Ensuite, le 26 juillet 1928, la naissance de Stanley Kubrick. Stephen King apparemment aurait écrit un brouillon complet du film The Shining que le réalisateur n'a jamais lu. À la place, Kubrick a travaillé avec Dian Johnson sur le script. Apparemment, il a appelé King pour lui demander « Je crois que les histoires surnaturelles sont fondamentalement optimistes, pas toi. S'il y a des fantômes, ça veut dire que nous survivons à la mort. » Lorsque King a demandé à Kubrick comment il pourrait intégrer ça dans le film, il a dit « Je ne crois pas en l'enfer. » Ah! Eh bien... Un peu spécial, le monsieur. 28 juillet 1866, c'est la naissance de Beatrix Potter, l'auteur de The Tale of Peter Rabbit. Elle était experte en champignons. Elle étudiait et dessinait des champignons en grand détail. OK. Elle a même fait une découverte par rapport à comment ils se reproduisaient, je sais pas trop quoi. Peu importe les détails, je connais absolument pas les champignons. Elle a essayé d'envoyer ses découvertes à la Linnean Society of London en 1897. Ils l'ont refusé parce que les femmes n'avaient pas le droit de devenir membres. Ah bon, c'est comme tu sais, gentil. C'est ça. Elle dessinait à la peinture à l'eau. OK. En fait, elle en a fait plusieurs tableaux, plus de 450. On peut toujours les voir au Armit Museum au Royaume-Uni aujourd'hui. Ah ben. Intéressant. Évidemment, cet article-là de mentalfast.com nous disait plus des détails qu'on ne connaissait pas sur les personnes au lieu de détails qui seraient importants pour se rappeler c'était qui ces personnes-là. Évidemment, page Wikipédia, premier paragraphe, j'aurais pu le faire, mais je ne l'ai pas fait. Arrangez-vous, bâtard, c'est l'été. C'est ça. Cette parade du mois de juillet, des parades bizarres qu'on peut célébrer. Ah ouais. Donc, un peu pour aller avec les fêtes de tantôt, que ce soit de manger des hot dogs, porter des vêtements patriotiques ou regarder des feux d'artifice, il y a plein de choses à faire pour le mois de juillet. On commence par la Willy Boombox Parade de Willimantic au Connecticut. Ça fait 30 ans que Willimantic au Connecticut héberge donc cette parade annuelle qui s'appelle la Boombox Parade le 4 juillet. Pourquoi Boombox? Eh bien, c'est une question de nécessité. En 1986, on nous dit qu'il n'y avait pas de marching band qui était disponible pour performer dans une parade du jour du souvenir. Donc, la ville a dû trouver une autre solution. Une résidente, Kathleen Clark, a suggéré que la station de radio locale Willie, joue de la musique de marching band pendant que les participants à la parade transportaient des boombox synthonisés au Willie. Hein? Depuis cette première parade de boombox qui a lieu le 4 juillet au lieu du jour du souvenir, le Memorial Day américain, des milliers de personnes ont célébré le jour de l'indépendance en portant du rouge, du blanc et du bleu et en transportant sur leur personne une radio qui s'intonise Wiley. C'est une très bonne chose, imagine. Ça, ça te met sur la map en tant que station de radio. Une petite bonne idée comme ça d'une auditrice en plus, même pas de la station. C'est vrai. Ensuite, c'est la Peachtree Road Race de Atlanta en Géorgie. À la place de regarder les participants de la parade marcher ou se mettre debout sur un véhicule, peu importe, il y a des gens de l'Atlanta qui vont passer leur 4 juillet, leur matin du 4 juillet, à regarder 60 000 personnes courir un 10 km. Une 10K race. Ça a débuté en 1970. La Peachtree Road Race est la plus grande course de 10 km dans le monde. 150 000 spectateurs campent autour de la course pour regarder et encourager les coureurs. Et tout le monde célèbre le 4 juillet et la fin de la course au Atlanta Piedmont Park. Ensuite, le troisième, c'est la Murrells Inlet Boat Parade de Murrells Inlet en Caroline du Sud. Il y a des vidéos en passant pour chacun de ces événements-là que je mentionne. Depuis 1984, les résidents de Murrells Inlet en Caroline du Sud célèbrent le jour de l'indépendance avec une parade de bateaux. Il y a des milliers de gens qui se rassemblent pour regarder les bateaux qui sont décorés de couleurs patriotiques. Ils mangent de la nourriture, ils attendent les feux d'artifice, évidemment. Ça coûte seulement 5$ pour participer avec votre bateau dans la parade. Et les bateaux les mieux décorés vont recevoir un prix. Étant donné des questions de sécurité, cette année, la 4th of July Boat Parade a eu lieu pour la première fois le samedi 2 juillet à la place du 4 juillet. Ça change un petit peu. C'est plat, je trouve. Tu fêtes pas le jour de l'indépendance américaine le 2 juillet, voyons. Non, c'est vrai, hein? C'est un peu bizarre. Ensuite, la Pet Parade de Bend en Oregon. Si vous aimez les animaux, vous allez probablement adorer Bend avec sa parade d'animaux du 4 juillet. Depuis les années 30, les enfants et leurs animaux de compagnie participent à la parade qui inclut entre autres des chevaux, des chiens, des chèvres, des poulets, des bébés coyotes, des badgers. Oui. C'est quoi les badgers, donc? Je ne pourrais te dire. Bonne question. Les enfants portent des costumes et amènent des animaux en peluche à la place de vrais animaux. Il y a aussi des petits bassins d'eau et des endroits plus ombragés là, pour s'assurer que les animaux n'aient pas trop chaud. Plus de 8000 personnes regardent et participent à cette Pet Parade à chaque année. Badger, en français. Je l'avais sur le bout de la langue, là. Évidemment, c'est un... un blaireau. Ah. C'est rare qu'on parle de blaireau. C'est vrai. C'est rare. Ensuite, la Midnight Parade de Gatlinburg au Tennessee. Ça a l'air cool. Oui, vraiment. Juste en regardant la petite capture d'écran de la vidéo, ça a l'air vraiment bien. Donc, tout le monde est habillé en genre de comment dire, pas des tutus, mais... aux couleurs du drapeau américain. C'est ça, on dirait Uncle Sam, tout le monde. Oui. Donc, leur parade débute à minuit. Gatlinburg au Tennessee dit être la première parade du jour de l'indépendance au pays. Oh! Quand même pas rien. Donc, la parade de minuit, la Midnight Parade, a eu lieu depuis 40 ans. Et malgré son heure de début, ça attire, on parle de minuit ici, ça attire quand même 80 000 spectateurs. Eh, quand même! Ouais. La parade elle-même a des marching bands, encore des groupes de... comment t'appelles ça, un marching band? C'est comme un orchestre... Un orchestre de rue. Oui. J'imagine. Il y a sûrement un mot en français que j'ai aussi sur le bout de la langue. Un marching band, c'est comme dans des... si jamais vous êtes... très amateur de films de sport, ben bien souvent, si c'est un film de football, il va y avoir ça dedans. On appelle ça une fanfare. Une fanfare, voilà. Une fanfare. Bref, la parade a des fanfares et des véhicules, des floats, ce qu'on appelle, donc des véhicules décorés. Et les spectateurs sont sérieusement enthousiasmés. Il y a des gens qui vont camper sur le trottoir le matin du 3 juillet pour avoir un bon endroit, oui. C'est pire qu'un iPhone. Oui, c'est ça. Ensuite, la Kids Parade à West Seattle, Washington. Donc, le West Seattle 4th of July Kids Parade. Vous n'allez pas voir de flotte. Vous n'allez pas voir de grosses fanfares. À la place, les enfants vont marcher. Ils vont se promener en petit scooter, en petite trottinette. Ou vont faire du vélo sur le bord de la route. Alors que les parents vont pousser leurs plus petits enfants sur des petits wagons, des petits trains, des poussettes, etc. Des centaines de familles dans le quartier North Admiral de West Seattle participent et certains enfants vont décorer leur vélo et leur petit wagon avec du rouge, du blanc et du bleu. Après la parade, les familles peuvent pique-niquer et participer à un concours de barouettes. Ah, OK. Ou même de course à trois pattes, tu sais, quand tu t'attaches les deux pattes du milieu. C'est quand t'es deux personnes, mais que les deux pattes du milieu, les deux jambes du milieu sont attachées. Donc, c'est au Hamilton Viewpoint Park. Et finalement, ça c'est quand même spécial. C'est très bizarre. La plus courte parade au monde, la World Shortest Parade de Aptos en Californie. Donc c'est une ville environ 40 miles au sud de San Jose. C'est donc la World Shortest Parade qui fait vraiment la longueur de deux pâtés de maison. Ah d'accord. Deux blocs, deux coins de rue. Hein. Ben en fait, ça fait comme trois coins de rue. C'était le coin de rue d'extrémité puis le milieu. Ça fait deux blocs, ça fait trois coins de rue. Mm-hmm. On se comprend. Bref, il y a un petit déjeuner aux crêpes. Déjà là, tu me convaincs. La parade de 0,6 miles débute à 10 heures du matin. Met en vedette des voitures antiques, des flottes de moins de 13 pieds de haut, des cyclistes, des piétons, de la musique et des camions décorés. Après la parade, les personnes qui célèbrent vont à un party qui s'appelle Party in the Park. Pour manger, jouer à des jeux et célébrer la journée de l'indépendance à Aptos Village Park. Ouh! Ça a l'air amusant quand même, ces festivals-là. Ces parades, voilà, du 4 juillet. Un petit peu bizarre, quand même. Est-ce que j'en fais un autre? Parce que j'en ai quand même des intéressants, ça fait longtemps qu'on n'a pas fait son petit palmarès. Je vais aller avec... ça, c'est vraiment intriguant pour moi. Ça a plus rapport avec le mois de juillet, là, mais quand même, le mois de l'année où je préfère manger du chocolat bien évaché dans le salon quand il fait chaud, avec un petit verre de quelque chose de froid, là. Mm-hmm. Peu de chocolat. On va parler de 15 produits qu'on peut habituellement seulement acheter au Canada. Ah ouais? Oui. Donc le Canada est connu pour plein de choses qui sont disponibles ici surtout. Bon, que ce soit le hockey, sirop d'érable, des hivers beaucoup trop froids. Hein? On parle aussi des fois de Canadian bacon, qui est juste jambon en tranches. Hein? Donc, pour célébrer entre autres la fête du Canada et le mois de la fête du Canada, allons-y avec des produits qui sont disponibles seulement ici. On commence par le chocolat au lait canadien. Les Crispy Crunch, les Smarties canadiens, parce qu'on sait que, ben en fait, on sait, je sais, que les Smarties aux États-Unis, c'est les roquettes qu'on appelle ici. Ah, ouais? Petits bonbons, là, c'est des roquettes. Eux autres, ils appellent ça des Smarties. Ah, ils n'ont pas les Smarties qu'on a ici. Mais oui, voyons, ils ont des Smarties. Ils n'appellent pas ça des Smarties. Ils appellent ça comment? On va aller voir. T'as un peu. Smarties, Wiki, on va aller voir ça. USA. Non. OK. J'ai la version canadienne. Ouais. Blablabla, disponible surtout au Royaume-Uni. Irlande, Canada, Australie, blablabla. Les Smarties ne sont pas distribués aux États-Unis, excepté par des importateurs. Ouais, des gens importateurs. Qui c'est parce que les droits américains de la marque appartiennent à Smarties Candy Company qui fabrique sa propre tablette sucrée sous la marque enregistrée de Smarties, alors que c'est au Canada. C'est Nestlé. Ça s'appelle les Rockets, c'est ce que okay. Ça dit tantôt. Ce que ça disait tantôt. Donc, ça veut dire que c'est pas fabriqué aux États-Unis et ils en ont pas. Ils n'ont pas d'équivalent sous un autre nom non plus. Ah, au moins! Putain, j'avais toujours pensé que des Smarties, ça existait aux États-Unis. J'avais aussi pensé que le Kraft Dinner existait aux États-Unis. Ça s'appelle Kraft Macaroni and Cheese là-bas. Fait que tu sais, des choses qu'on pense, c'est pas nécessairement vrai. Surtout qu'on écoute des chaînes américaines à la télé et les publicités canadiennes vont des fois piler par-dessus. T'écoutes une émission en prime time sur ABC. Ça va être dans le fond CTV qui joue. Fait que t'as des publicités canadiennes. Ouais, fait que tu penses que c'est américain. Mais non, t'écoutes pas vraiment ABC. Donc, on disait Crispy Crunch, la version canadienne des Smarties, la barre aéro, Wunderbar, Caramilk. Mm-hmm. Donc, le nom et la texture de ces barres de chocolat pourraient différer, mais elles contiennent tous le même chocolat canadien. Ah, apparemment, ouais. Le Canada a une préférence pour du chocolat plus sucré et crémeux, comparé au goût un petit peu plus amer et rugueux du chocolat américain. En 2013, la compagnie Hershey Company a changé sa formule pour développer un chocolat plus crémeux et plus laiteux qui était unique au chocolat canadien. Même les versions canadiennes de barres de chocolat populaires aux États-Unis comme la Kit Kat et la Reese's Peanut Butter Cups goûtent complètement différent au Canada des États-Unis. On l'a même mentionné dans un sondage de Food Network en 2009. Donc allez vous renseigner dans l'article, c'est vraiment très très intéressant. Je ne savais pas qu'on goûtait pas les mêmes Reese's et Kit Kat au Canada. C'est vrai, ça moi non plus. Ça m'intrigue, j'en veux de la version américaine aussi. Je vais y goûter. Ensuite, tiens, on en parlait il y a deux secondes, je n'avais même pas vu la liste, je n'ai même pas regardé l'article, je m'en sac, tu sais, je fais juste le lien. On en avait déjà parlé. On a déjà parlé Kraft Dinner, qui est seulement, c'est exclusif dans le fond au Canada, le Katie, comme on l'appelle maintenant au Canada, même qu'avant on l'appelait DK des fois, mais maintenant c'est codé, même Kraft Dinner, ça s'appelle, même Dîner Kraft, ça s'appelle un codé au Canada. Bref, c'est rendu leur signature, c'est la nourriture presque officielle du Canada. On dit donc que les Canadiens consomment 1,7 million de boîtes de ces tubes de pâte couleur néon. Sur les 7 millions vendus dans le monde, il y a 1,7 million de vendus au Canada. On peut acheter le même genre de produit qui goûte similaire aux États-Unis, mais ça s'appellera pas Katie, c'est pas le même emballage tout joli. C'est la place Kraft Macaroni and Cheese. La boîte ne se ressemble pas du tout. Ensuite, les tartelettes au beurre. Butter j'ai jamais tarts. Mangé ça. Ah, oh, c'est bon ça. Oh, j'ai déjà mangé ça. Oh, oui, c'est bon. Donc, c'est des desserts délicieux. Une petite pâtisserie remplie de sirop d'érable ou de sirop de maïs, de sucre, de beurre et de raisin sec. C'est très canadien. Certains articles tracent leur origine dans un livre de cuisine, des pionniers, édité dans les années 1900, au début des années 1900. Par contre, un article de 2007 du Toronto Star nous suggère que ça date de du milieu des années 1600. Avec l'arrivée des filles à marier, c'est pas les filles de roi, ça? Filles de roi. Exactement, de la France. Quand même, on dit que ces desserts-là sont saisonniers, surtout dans le coin de Noël. Et même si certaines pâtisseries américaines offrent, évidemment, il y a toujours des façons d'avoir des produits canadiens aux États-Unis, parce qu'il y a des Canadiens qui vont habiter aux États-Unis puis ils veulent avoir leur truc préféré. Mais c'est souvent processé, emballé. Ce qu'on trouve dans, un peu comme ce qu'on trouve dans les dépanneurs, c'est les tartes au sucre qu'on trouve dans les dépanneurs. Oui. C'est pas la même chose qu'une vraie tarte au sucre normale ou tarte non, au beurre. C'est vrai. Ensuite, mais c'est pas ce qui est un petit peu l'ancêtre du pudding au chômeur, ça? Ça ressemble un peu, mais je pense que le pudding au chômeur a un jus dans le fond. Oui, puis il y a pas de raisin, gâteau. Mais je pense que ça allait changer avec les années. Je pense que c'était ça au départ. Je pense qu'il y a pas de croûte non plus dans un pudding au chômeur. C'est comme back in the days. Back in the days! Quelque chose que j'ai appris hier en lisant cet article-là, c'est pas vrai que j'y lis pas, là, j'ai lu en dégagant. Ah ouais? Hey, je savais pas si c'était juste canadien, ça. C'est juste canadien, il les lait en sac. Mais voyons donc. Il y a une raison pour ça. Ah ouais, pourquoi? Ah oui. On pourrait penser que le lait en sac défie les lois de la physique lorsqu'on le verse. C'est ce que les Américains pensent. Les Américains, quand ils voient ça dans des films canadiens, ou genre ils écoutent Degrassi, mettons, je sais pas trop quoi, puis il y a un sac de lait, ça arrive. Oui. Ils pensent que la gravité va faire que le sac va tomber dans ta tasse. Ça arrive, je suis désolée. C'est déjà arrivé. Mais en ça arrivait tout le temps à mon père quand j'étais jeune. Ça, ben, tu sais, donner 2-3 coups là, en dessous de la pinte pour être sûr que le sac est bien dans le bas de la pinte pour pas que ça tombe, justement, puis là, pouf! Le conseil est quand même de faire un plus petit trou. Faut pas que tu coupes de bord en bord de ton sac. Mais non, là. Je sais ça. Non, tu sais, quand tu mettais le sac dans la pinte de lait. Bon, tu sais, la fameuse pinte de lait en plastique. T'avais peut-être une pinte cheap. Tu donnais comme 2-3 coups en dessous pour être sûr que le sac tombe bien dans le fond. Moi, mais des fois, ça fendait dans le fond. C'est la faute de tes parents qui ont acheté une chose cheap de plastique. C'est ça, ça doit être ça. Bref, les sacs sont intelligemment placés dans un contenant de plastique et le coin est coupé à un angle. On avait tous le petit instrument sympathique. Oh mon Dieu! Ça me rappelle les souvenirs, ça, dans le temps que le laitier passait. Puis tu le collais sur le frigidaire. Ben, mais hein, il y avait un aimant dessus. Donc, les sacs de lait sont toujours populaires en Ontario, au Québec et dans l'Est du Canada, mais c'est pas mal tout. OK. Surprenant, c'est vraiment très, très localisé. Ontario, Québec et l'Est du Canada. Dans le reste du pays, c'est vraiment comme tout à fait disparu. C'est rendu des bouteilles de carton plastique et les autres. Même que j'ai vu un reportage cette semaine qui parle du retour des bouteilles en vitre. Ah, oui. C'était à Radio-Canada ou TVA que j'ai vu ça récemment? Oui, sur Internet. Moi aussi, ça l'a passé sur Facebook, je crois. Moi aussi, il n'y a personne qui regarde les vraies nouvelles. C'est sur Facebook. Tout le temps sur Facebook. Donc, certains États américains ont flirté avec l'idée de ramener les sacs de lait, mais la pratique n'a pas l'air de faire fureur. Ensuite, Mountain Equipment Co-op. C'est le genre de choses que je savais même pas qu'il existait. Mais Mountain Equipment Co-op, ça ressemble à un magasin américain qui s'appelle REI. Donc Mountain Equipment Co-op a été fondé en 1971 par des gens qui voulaient offrir aux Canadiens une façon d'acheter des équipements pour l'extérieur sans avoir à aller aux États-Unis. Aujourd'hui, MEC est toujours une co-op offrant une carte de membre pour 5$. Il faut en acheter une pendant que tu fais un achat. Non, t'as un besoin d'une Costco. Carte. C'est comme Costco, t'as besoin d'une carte pour acheter. On trouve ça dans 18 villes dans le monde. Il y a 4,5 millions de membres au Canada et partout dans le monde. Ah, OK. Ensuite, les bâtons de noyer, je crois, Hickory Sticks. Mm-hmm. Bon, je mangeais ça quand j'étais jeune, un peu avec les bâtons de cannelle et des bâtons de Hickory. Donc, imaginez des patates chips en julienne avec une saveur de fumée dedans. Oui. J'en mangeais tout le temps quand j'étais jeune. J'en ai pas mangé depuis probablement 10 ans. Puis le sac était brun. Et c'est brun. Un petit, je pense. Hein? Oui. Ça existe encore, je l'ai vu. Oui, moi aussi, j'ai vu. Ça fait vraiment longtemps que j'ai pas acheté ça. Ah, ça fait vraiment longtemps. Je pense que je l'ai vu dans une machine à l'UQTR il y a quelques années, je l'avais mangé. Ça se peut, d'après moi, les chips qui sont ici, ça fait longtemps. Oh boy! Burn! Motherfucker burn! c'est des Hickory Sticks. C'est je m'excuse. C'est écrit dans l'article, je pourrais à la place de parler de n'importe quoi, juste me virer à la tête puis lire l'article. Donc, c'est un des seuls produits vendus sous le nom de la marque Hostess au Canada. Hostess a été acheté par Lay's dans les années 90. Pourquoi ça ne me surprend pas, ça? Oui, et ça nous dit dans l'article que la marque de chips canadienne est complètement pas reliée aux Twinkies, à ceux qui vendent les Twinkies aux États-Unis. C'est pas le même Hostess. Ah! Donc, ces produits-là ont survécu au, certains, le test du temps. Oui. Même si je pense que ça se dit pas en français. Avec leur emballage, quoi. Voilà, ils disent unglamorous brown packaging. Aucunement glamour. C'est vrai, t'as jamais le goût de manger ces chips-là à cause du paquet. S'ils refaisaient l'emballage, là. C'est sûr, ça pognerait. Ce serait peut-être même la prochaine mode. Peut-être. Tout le monde mangerait ça. Ah, tellement. Peut-être. Le brun est tellement à mode, de toute façon. J'ai peinturé ma chambre brune. Ah, ouais. quand même beau. Ouais, ça doit. Ça s'appelle Chocolate Swirl. Chocolate Swirl. Chocolate Swirl. Swirl, pas Twirl. Tu lèches tes murs en passant, c'est du chocolat. Ben, il y a comme la peinture qui a coulé sur le bord du rebord en bas. Ça me tente. Ensuite, on va passer vraiment une heure sur cette chronique-là parce que je trouve ça intéressant. Chez la Suisse. Oui, oui, oui. Est exclusif. Il n'y en a pas ici à Trois-Rivières, mais il y en a un peu partout. Oui, il y a même des chalets suisses express qui sont combinés avec des, je crois que c'est des Harveys. Si peux-tu dans certains centres d'achat? En tout cas, bref. Je sais qu'en Ontario, c'est fort, là. Très fort, oui. Donc, chez Suisse, le restaurant est reconnu pour son poulet, ses côtes levées, sa sauce brune à tremper. Et il y a des publicités télé très connues aussi des années 80 avec des images de poulet qui tournent sur leur petit bâton là, de shish kebab. Le mot, t'as dit que c'est bon. Ensuite, toujours dans la liste des produits qu'on peut seulement acheter au Canada, les Caesars. Les Américains les Américains ont leur Bloody Marys, mais les Canadiens ont une cure au lendemain de veille qui s'appelle le Caesar. Mais le Bloody Caesar. C'est ça, donc similaire à un Bloody Mary, mais avec un petit kick. La recette typiquement demande... Non, en fait, c'est pas comme... Non. C'est pas comme les Virgin Caesar. Virgin Caesar n'aurait pas d'alcool. Exactement. Ici, on a de l'alcool dans un Caesar, donc c'est 1 à 2 onces de vodka, 2 petits filaments de sauce piquante comme du Tabasco, 4 portions de sauce Worcestershire et 4 à 6 onces de jus Clamato. On rajoute un petit peu de céleri, sel et poivre sur le rebord du verre. Et puis, il peut y avoir d'autres choses comme des olives, des limes, des trucs verts. On sert ça sur glace. C'est quoi la différence entre un Bloody Mary et ça? Je pense que la différence, c'est qu'un Bloody Caesar, c'est fait avec de la vodka. Un Bloody Mary, c'est fait avec de la tequila. Oh shit. Oh shit! La si réponse. Je me souviens bien. Et je te fais confiance sur l'alcool. On va se le dire? Voyons, toi. Non, mais on va se le dire. Tu connais ça plus que moi. Je bois une bière par 2 mois. Là. Ouais. Ensuite, Red River Cereal. La photo me lève le cœur. Mais non, sur pourtant, un Bloody Mary aussi, c'est à base de vodka. Oh boy! Ah ben, je peux te faire confiance. Attention, attention! Sur quoi est-ce que je peux te faire confiance? On dit qu'il y a du jus de citron. Ah, je sais c'est quoi la différence. Okay. Ben non, dans un Caesar aussi, il y a de la sauce Worcestershire. Ça pourrait être long, hein? Je comprends pas de base c'est quoi la différence. C'est vraiment la même chose. Est-ce que c'est on juste fait le juste nom? L'appeler différemment. Est-ce qu'on appelle ça le Bloody Mary parce qu'on s'inspire des Américains alors qu'au Canada, ça s'appelle un Bloody Caesar? J'en ai aucune idée. Ça, j'avoue que là, celui-là, je pensais pas avoir de problème avec. Je pensais vraiment pas avoir de problème, mais le v'là le problème. Si vous avez des informations sur Facebook, assemblagerequis.com. Je pense que je vais taper sur Google « différence ». Oui, fais ça pendant qu'on parle de vomi presque, parce que pour vrai, la prochaine photo me lève énormément le cœur. Les Red River Cereal, un mélange d'avoine... Attends un peu. Là, j'ai de la misère avec le mot « rye ». Toujours de la misère avec le mot « rye ». Il y a un auditeur en particulier que je sais qui me corrige à chaque affaire que je dis. Et il a bien raison de le faire. Le « rye » est du seigle. OK. Le « wheat ». C'est de l'avoine, il me semble. Mm-hmm. Flax seed. Est-ce que tu te rappelles ce que c'est? Non. Flax seed, c'est du flax. Ça se peut-tu? Ah, peut-être. C'est un petit peu en français. Je vais avoir tellement de la misère avec celui-là. C'est du lin. On voit souvent flax sur l'emballage, puis on se comprend. Donc, c'est fait avec du lin. Donc, c'est mélangé avec de l'eau bouillante. C'est un grand succès au Canada, apparemment nommé en l'honneur de la Red River, qui est une rivière qui part qui va vers le nord dans Winnipeg à partir des États-Unis. C'est une céréale chaude. Qu'est-ce qu'il y a? Attends, tu me diras après, j'ai fini cela. Différent. Je vais finir ça après ça. OK, vas-y. Donc, ça part, c'est une rivière qui part des États-Unis jusqu'à Winnipeg. Céréale chaude qui est connue dans plusieurs maisons depuis 1924. Mm-hmm. La céréale, donc les céréales Red River, ont déjà été importées aux États-Unis par Smucker's Food of Canada. Mais ça a été discontinué. Apparemment qu'il y a des Canadiens qui mangent ça, mais pour vrai, on dirait vraiment que tu manges ton propre vomi. Ouais, sérieusement, ça a même pas l'air d'être du griot. Je pense que du griot a l'air plus plaisant à manger que ça. Avec une confiture composée de différents restants de plaies, je crois. Donc, c'est quoi la différence entre un Bloody Caesar et un Bloody Mary, s'il te plaît? OK, on parle surtout du fait qu'un Bloody Mary, c'est le classique, OK? Okay. C'est lui qui a été créé en premier. Oui. Et c'est du jus de tomate. Oh, la différence. Et voilà, le Bloody Caesar est du jus de Clamato. Donc, parce que on Clamato, a changé il y a des fruits de mer dedans, puis un paquet de légumes, puis un paquet d'autres trucs. C'est pas du jus de tomate, c'est du jus c'est avec des tomates entre autres. C'est vraiment la différence. Wow. Ben, c'est parfait. Merci, Tantan. Ça fait plaisir. Ensuite, toujours dans le palmarès, des produits qu'on peut seulement acheter au Canada. Moi, ça m'intrigue bien gros, fait que j'en parle pendant beaucoup trop longtemps. Le Deep and Delicious de McCain. Oui. C'est exclusif ici, ça. Ah, t'es-tu sérieux? Très connu, très populaire dans les congélateurs partout ben oui. Au pays. Un petit gâteau qui est au congélateur, mais qui reste quand même super moelleux. Ah ouais, c'est malade dans la bouche. Disponible en vanille, marbré, chocolat, d'autres saveurs, avec un petit glaçage sucré dessus. Ça vient dans sucré, un... tu dis, tu prends une bouchée, là, t'as comme les yeux qui sortent de la tête. C'est tellement bon. Et j'ai pas mangé ça depuis, je pense, l'âge de 10 ans. Et la dernière fois que j'ai mangé ça, j'étais aux courses et c'est quelqu'un qui avait amené ça parce qu'elle avait trouvé ça à l'épicerie puis elle était comme, check ça! Wow, comme c'est vraiment cool. C'est vraiment très, très cool. C'était très bon. Avant, ça venait quand tu commandais un repas dans certains restaurants, ils te donnaient des Déjà. Ils font plus ça. C'est pas chez Pizza Hut. Je pense qu'ils faisaient oui. ça dans le temps. Ils font plus ça. Moi, j'en ai pas vu en fait. Ah. Je commande Pizza Hut comme. Régulièrement, dont ça ne se passe. C'est tellement bon. Ça vient dans un emballage d'aluminium, pas besoin de vous l'expliquer, qui se resserre pour le fermer, un peu comme une poutine. Mm-hmm. On comprend ça. Ensuite, les. C'est évidemment. C'est un peu évident, ça, là, mais bon. C'est les produits du choix du président. La meilleure marque maison, point final, aucune façon de nous contredire là-dessus, c'est la meilleure marque maison au Canada, facilement. C'est vrai. Ils font. Tout ce qu'ils font est bon. C'est lui hein, qui fait les annonces même en français avec oui, son accent. Oui, c'est lui qui fait. President to us. Il me fait tellement rire. Le Donc, choix du président. Le produit de qualité. C'est celui qui a des lunettes, hein? Oui. Ah, pendant... Faut que je le dise, là. Vas-y. Pendant le temps des fêtes, là, souvent, ils vont sortir des nouvelles annonces President Choice. Et moi, produits. J'ai toujours rêvé de le rencontrer, lui. Ouais. Tout en l'air heureux. Avoue qu'il a l'air du gars que tu veux inviter à ton party. Déjà, à party, il t'amène de la bouffe. C'est ça. T'as envie de l'inviter à ton party pour qu'il te donne genre un certificat cadeau, genre pendant un an, produit gratuit de choix du président. Le choix du président. Ah, mince, c'est malade. Bon. Bref, beaucoup trop de pubs pour cette marque disponible chez Provigo et Metro. C'est ça, Metro? Il me semble que oui. Donc, marque générique de produits, mais qui est tellement autre que générique. Je trouve que c'est un générique de qualité qui existe depuis les années 80. C'est maintenant un empire au niveau national. La ligne President's Choice, démarrée par un homme décédé maintenant qui s'appelle Dave Nichol pour la chaîne Loblaw, sans le S, en 1984. C'est une façon d'amener des produits luxueux mais génériques aux clients. Certaines des premières choses que PC a fait, il y avait de la bière PC. Il y avait le décadent, le chocolat décadent, le biscuit au bousier de chocolat que tout le monde adore, arrivé en 88, toujours un des produits les plus vendus en passant chez le choix du président. La compagnie a évidemment commencé à faire des produits dans à peu près chaque catégorie et maintenant c'est vendu dans certains magasins des États-Unis. La marque PC a principalement été discontinuée aux États-Unis, sauf pour quelques magasins près de Chicago, apparemment. Ensuite, ça, j'aurais jamais deviné que c'était local. J'aurais pensé vraiment que c'était, je sais pas si j'allais dire suisse ou quelque chose comme ça. Mais les chocolats Laura Secor sont exclusivement canadiens. Ah, je savais pas ça. Ouais, donc c'est le nom d'une héroïne de guerre canadienne. Donc Laura Secor est née aux États-Unis, une pionnière qui était dans le fond, elle est née aux États-Unis, à l'intérieur de ce qu'on appelait le Haut du Canada. Okay, donc oui. L'ancêtre de l'Ontario. Qui a averti les forces britanniques et canadiennes de l'attaque des Yankees pendant la guerre de 1812. Oh. J'espère bien traduire tout ça. C'est un paragraphe comme assez complexe. Donc, pour les Canadiens qui ont la dent sucrée, ça n'a pas arrêté là. En 1913, Frank P. O'Connor a ouvert le premier magasin de bonbons Laura Secor sur la rue Yonge Street à Toronto. La plus longue rue en Amérique du Nord. Absolument. Aujourd'hui, plus de 100 magasins sont trouvés partout au Canada. Plus de 400 produits, dont le Père Noël en guimauve, qui est un des favoris pour les bas de Noël. La chaîne livre aux États-Unis, mais il n'y a pas de boutique physique aux États-Unis. Ah ouais? Je savais pas tout ça à cause qu'elle, elle a averti. C'est vraiment facile, cette chronique-là. J'aime bien ça. Vous devez la faire plus souvent. Et hot, Laura. Très, très intéressant. Ensuite, les Dunkaroos. J'ai jamais mangé une fois de ma vie les Dunkaroos. J'ai jamais mangé ça. T'as jamais mangé ça? Non. C'est des biscuits que tu peux tremper dans du chocolat en trempette ou de la vanille. Oui, c'est des petits kangourous. C'est un produit de Betty Crocker, à saveur de cannelle, en forme de kangourou, trempé dans un glaçage sucré. Oh boy, j'en veux. T'as jamais mangé ça? Ben, je comprends pas comment ça fait. J'ai jamais vu ça. Il y a eu des oursons aussi à un moment donné. Ben, voyons donc, toi. T'as jamais mangé ça? Jamais mangé ça, de ma connaissance. Est-ce que quand t'étais jeune, t'avais les petits les emballages au beurre de peanuts, par exemple, qui étaient faits par... Oui. Je pense que c'était fait par... cheese? Oui, la compagnie fromage. Non, mais il y avait une compagnie... Kraft. Et ris de moi, là. Ben, mais là, oui, c'est Kraft qui faisait ça, oui, je pense. Oui, parce qu'ils en faisaient une au Cheese Whiz. Oui, exactement. Puis un au beurre de peanut. Moi, le beurre de peanut, j'aimais pas ça dans ça. Ben, c'est parce que ça goûtait pas la vraie affaire, puis c'est rempli de gens de conservation, puis ça donnait mal au ventre. Mais c'est dans le même temps, ça, là, Dunkaroos. Oui. Dunkaroos, donc ça existe toujours. Ça dit que c'est toujours vendu dans les épiceries du Canada. Ça a été discontinué aux États-Unis. Les Américains vont devoir traverser la frontière pour en commander ou, sinon, payer 5 fois le prix pour les acheter sur Amazon.com. Ben, voyons, non. Wow! Ensuite, je ne connais pas ça non plus. Peut-être que vous connaissez ça, mais les crottes de fromage Hawkins Cheesies. Connais pas. On a peut-être pas ça au Québec. Ben, je pense qu'on a pas ça. On va le sauter, en fait. Le château est exclusif au Canada. Ça, je pense que c'est comme assez évident. Bien avant les chaînes américaines comme H&M et Forever 21 au Canada, le château était le magasin où aller pour des vêtements euro-chic et des accessoires. Le magasin canadien a démarré en 1959. C'était un magasin familial au centre-ville de Montréal. Aujourd'hui, il y a plus de 200 Le Château au Canada. À la fin des années 80, Le Château a ouvert plus de 20 magasins aux États-Unis. Le Château, ça fait toujours plus chic quand tu dis en français. Le Château. Avec un accent anglais. Donc, ils ont fermé après une décennie après avoir eu des pertes sur le marché financier. Oui, je me souviens de ça. Ah oui? Non, pas moi. Ben, c'est dans les années 80, mais je n'étais pas née, mais je me souviens que ça l'avait fermé. Ah oui. La compagnie a une présence à l'international dans des pays comme Dubaï et l'Arabie Saoudite. Ben, le nom, la reconnaissance du nom Le Château au Canada est aussi canadien que la poutine, nous dit l'article de Mental Floss. Le fondateur de Le Château, Herschel Siegel, est aussi cofondateur d'une autre entreprise canadienne, David's Tea. Ah oh, ouais, pour vrai, je ne savais pas. Ouais, mais maintenant, on... On la trouve pas mal aux États-Unis, David's Tea, donc bon. Mais je me souviens, par exemple, que quand ils ont fermé, c'est après ce moment-là qu'ils ont décidé de réouvrir, de faire simplement un magasin pour femmes, contrairement à un magasin de famille. Et c'est là aussi qu'ils ont décidé de monter leur prix. Oh! Hé hé! Et voilà. Ouais, ben c'est ça. C'est le château, hein? Ils sont là pour faire du cash. OK, oui. Nous voilà à la fin de ce 40... 3 minutes. Ouais, sur Foutu Palmarès, ouais. 40 quelques minutes. Tu sais, quand on fait une chronique une fois par mois... Rendu là, on veut comme tout faire ce qu'on peut. Ben oui, puis sauf que tu peux le marrer, c'est tout à plaisant. C'est tout le temps plaisant parce que c'est rempli d'informations sur différents trucs. T'as l'impression d'apprendre quelque chose, contrairement à d'autres chroniques où tu fais juste dire « Ouais, OK, ben ouais, ça existe, ça devrait pas, mais on l'a, tu sais. » Insertion de... C'est comme... Non, mais quel jeu de mots! C'est comme dans les bandes-annonces de films quand ils disent le nom du film. Oui. Ça fait toujours un petit peu croche. Pas sûr d'aimer ça. Je sais, hein. C'est un peu bizarre. Bref. Voilà, on va prendre une pause. Pour une fois qu'on prend une pause, une fois de temps en temps. On s'écoute une pièce de Louis-Philippe Gingras. Featuring... Ouh! El Bronza! La Bronza! Et on parle de Parc à Chien. Tout de suite à Assemblage Requis. 89 FM, c'est fou. Pong, ma main. On s'en va au Parc à Chien. Comptez les cacatoès, fumer des botches d'aloès, riant des polices, à se taper sur leur pas de cuisse. Je crie, c'est rien au parc à chien. Prendre la bière, on s'en va au parc à soir. Comptez les moutons dans le ciel, m'a chanté des tonnes de Noël. On rira aux éclats, les obus sur Gaza, nous crisseriez au parc à chien. Dormira à belle étoile, dans cabane du terrain de balle, en cuillère ou en couteau sale. Direct en fontaine, les beats de drum, snow beden. Enlève donc ta petite laine, fais de toi une fémène. Oui, juillet sera tienne et mienne. Des histoires de peur au bon et au quai de liqueur. On rira plus pantoute. L'hiver arrivera goutte à goutte. Y'a rien à crisser au parc enneigé. Pogne ton jacket, on s'en va pis il fait fret. Check donc ça un spot de verre. L'été met le feu à l'hiver. En riant des bancs de neige, ma peau redevient un peu beige. Enfin. Crie, c'est rien. étoiles ou d'un cabal, terrain de balle, à cuillère ou un couteau sale. On boit direct dans fontaine, des bits de drum sur nos bédaines. Enlève donc ta petite laine, fais de toi une fémène. Oui, juillet sera tienne et mienne. Philippe Gingras et La Bronze avec Parc à chiens à assemblage requis. Au retour de la pause, on va s'acheter des gadgets. Là, c'est la portion de l'émission où vous n'avez pas besoin d'écouter parce que c'est pas important, mais c'est divertissant quand même. Mm-hmm. Ça existe, ça devrait pas, on l'a au retour. Aujourd'hui. Vous êtes assez fou pour l'écouter. Pour l'écouter. 89 ans. Assemblage requis. Pour toi aujourd'hui. Assemblage requis. Oui, oui, oui, oui, oui. Assemblage requis. Pour toi aujourd'hui. Assemblage requis. Toujours à Assemblage Rocky pour la semaine du 11 juillet 2016. Elle est Tania Baudin. Avec Mathieu Blanc. On l'a dit tantôt, c'est le moment de sortir la carte de crédit. La passer sur votre... Il y en a qui la passent dans les cheveux ou sur tes jeans. Ouais. Des fois, quand ça passe pas dans le petit crack du truc. Ça sinon, faites juste jouer avec la chip. Souvent, c'est ça. J'aime ça jouer avec des chips. C'est le fun. Ça rend les doigts un petit peu gras. Mais c'est ça. Non, c'est le moment de s'acheter des choses. Dans ça existe, mais ça ne devrait pas. On l'a... Assemblage de qui? Non, non, non, non. Non, non, non. Je voulais fader la toune de fond, garder les oiseaux, mais j'ai fait le contraire. J'ai fader les oiseaux, puis j'ai enlevé la trame de fond. C'est beau, c'est beau, c'est beau. Donc, c'est, ça existe, mais ça ne devrait pas. On l'a! Ça existe, mais ça ne devrait pas. On l'a, la chronique où on achète des choses sur Internet et on le regrette instantanément. Commençons par quelque chose que je trouve quand même cool, une façon de s'exprimer au bureau, à la maison, peu importe. Tu sais, des marquis comme il y a, mettons, là, au Maquisard, là, le satire, tu sais. Oui, t'as oui. Tout le temps, genre, le texte qui dit les spectacles qui s'en viennent avec les dates, tout oui, ça. Oui, c'est vrai. C'est super cool comme ça et tu voudrais peut-être en avoir un pour toi dans ta vie personnelle. Donc, c'est un Personal Marquee Lightbox. Ça s'appelle le My Cinema Lightbox. Donc, ça ressemble à ceux qu'il y a dans les cinémas ou dans les vieux cinéparcs dans le temps. Ça vient en trois grandeurs, mini, original et XL. Chacun vient avec des lettres, des nombres, des caractères, des tuiles blanches vides aussi pour faire des espaces. Vraiment le fun comme idée, je trouve. $30 américains, pas cher. C'est pas. Moi, j'aurais préféré s'il avait fait avec la même police de caractères. Ouais. C'est un petit peu trop. Les traits sont un petit peu trop légers. Ça devrait être plus gras, comme j'suis sur d'accord. Les vrais pancartes. Tout à fait d'accord. Tant qu'à imiter quelque chose, imite-le comme il faut. Hein? Peut-être qu'il y a un droit de. Peut-être qu'il y a un copyright sur le design de la police de l'autre. Ouh, peut-être, on sait pas. Est-ce que tu savais d'ailleurs, tu parlais du satire, mais là, ça a l'air que ça va pas super bien. Et je pense que. Est-ce que ça surprend même une personne? Mais à chaque fois qu'ils ont essayé d'ouvrir quelque chose à l'ancienne place où il y avait le Maquisard, ouais. Ça fonctionne. Parce que quand ça a été annoncé, tout le monde disait c'est cool, mais ça marchera jamais. C'est ça, tout le monde le savait déjà. C'est pas mal, en tout cas, c'est le consensus, mais on leur souhaite que du bonheur. Oui, définitivement. Il y en a qui ont quitté leur job pour aller travailler là. Ah oui? Quelqu'un en radio que tu connais sûrement. Oh. C'est bon. Tu connais les trolls? Les trolls, oui. Tu connais les chiapets? Tu te rappelles ces petits animaux qui poussent du gazon sur leur tête quand tu mettais des graines dedans? Ah mon Dieu, c'est pas les nains de jardin, ça, là, qui non, avaient ça? C'est comme, mettons, un champ en céramique, tu mettais de la terre, oui, des graines, oui, ça oui. sortait des cheveux. Mon Dieu, oui. Bon. Donc, c'est un mélange de ça et de trolls. Donc, ça s'appelle les plant trolls. Mm-hmm. C'est un troll avec une plante à la place de ses cheveux. OK. Ça sort par sa tête. Taille comme un chiopette, quoi. Donc, c'est Witchy qui vend le plant troll. Un design par Chris Troll. C'est des trolls adultes qui coûtent 35$. Attends un peu. Troll, oui, c'est ça, avec des plantes comme cheveux. Oui, 35$ ou bébé troll pour 30$. Donc, c'est les plus petits et les plus grands. Tu vois, les bébés trolls sont des minuscules bébés avec les fesses à l'air et une petite plante qui leur sort de la tête. Ça ressemble à un troll parce qu'en tant que tel, les cheveux des trolls, ça sortait pas mal comme des feuilles de plantes. Mm-hmm. Donc, ça a du sens. 35 pour le gros, 30 pour le petit. Étant donné la différence de grandeur, j'aurais mis le bébé beaucoup moins cher que ça. 5$ de différence pour un petit ou un grand. C'est comme dans les crèmes glacées. La ouais. différence entre un moyen et un grand, c'est genre 25 cents. Genre, je vais tout le temps prendre le plus grand. Ça dépend où tu vas. Oui. En effet. Ça dépend quand où le tu prix vas. Commence à 8$, mettons pour le petit moyen. Tu sais. Va prendre le mini, s'il te plaît. C'est ça. Tu connais l'expression sur Internet, le meme « Deal with it » avec les fenêtres et les ben fenêtres. Oui. Pourquoi est-ce que ça fait deux fois que j'appelle des lunettes des fenêtres? J'en ai aucune idée, peut-être. Mon cerveau parce est que bizarre. C'est. Je sais pas, Mathieu, je sais pas. Ah, en tout cas. Donc, le Deal with it, c'est les lunettes de soleil qui descendent en face, alors que Deal with it en gros caractère, c'est un meme populaire sur Internet. Bon, donc peut-être vous rappelez-vous aussi de l'enthousiaste, si on veut, la fan de robotique professionnelle sur YouTube qui s'appelle Simone Gertz. On a parlé d'elle quelques fois. Elle avait fait un casque avec une machine à popcorn intégrée. Elle fait un robot rouge à lèvres, une alarme, un cadran, Slap Happy Alarm Clock. Donc, elle fait des robots qui servent à rien, mais qui sont drôles. Hein? Elle a fait un robot, Deal With It, okay. qui va faire descendre des lunettes de soleil sur ta face. C'est quand même le fun. Ça sert à rien. Ça s'achète pas. Mais c'est drôle. C'est cool. Ah! Ouais. Simone Gertz. C'est. Puis ça a été vu combien de fois ça sur YouTube, juste ah ben comme ça, c'est ça une là. C'est une bonne question par contre, ça c'est une maudite bonne question. Attends un peu, j'avais fermé la page. YouTube. Allez. Est-ce que tu l'as devant toi, non? Non. Attends, YouTube. Ah ouais, ouvre-moi ça. 165 000 fois jusqu'à maintenant. Ouais, exactement. C'est ça que je disais. Mais le ça nombre sert à rien, tu peux pas le lâcher, mais elle a fait du cash. Ben, divertissante, c'est ça le fun. Tu sais, c'est le fun, les YouTubers en tant que tel, j'avoue que la plupart du temps, c'est vraiment, vraiment poche. J'ai vu une YouTuber, j'ai regardé quelques-unes de ses vidéos, puis c'était genre, littéralement, elle était en train de se faire des croissants. Là. Ouais, ouais, ouais. C'est plate en cibolac. C'est à suivre. Mais celles qui font des efforts, ceux qui font des efforts, oui. méritent un petit peu d'argent. Et Simone Gertz a 229 000 abonnés sur sa chaîne YouTube. Elle le mérite pas mal plus que l'autre qui faisait des croissants dans le faux. Eh bien, Finn, son histoire était bien touchante à la fin. C'est la fille qui s'est faite suivre par une mère et sa fille. C'est une YouTubeuse professionnelle, genre, qui s'est faite suivre par une fan après une soirée dans une pharmacie, je sais pas trop quoi, bref. D'accord. Puis ça lui a fait peur, puis elle a voulu abandonner tous ses vlogs parce qu'elle s'est fait suivre. T'sais, la vidéo, en tant que telle, était cool, mais le début, c'était vraiment, littéralement, elle se coiffait, elle se maquillait et elle se faisait des croissants. Bref. Hein? C'est l'histoire de YouTube. De tout pour tous les goûts. Ensuite, le Clever Cutter est une combinaison de couteaux et de ciseaux et de planches à découper. Ça, c'est malade. C'est vraiment génial, pour vrai. Donc, une combinaison de différents gadgets de cuisine. Ça coûte seulement 15$, c'est le Clever Cutter. Donc, littéralement, c'est comme une paire de ciseaux. Imaginez-vous une paire de ciseaux qui ressemble plus à une paire de pinces, je trouve, pour le manche. Mm-hmm. Ça descend un petit peu. Après ça, t'as comme, à la place d'avoir le ciseau, c'est deux couteaux. Et les couteaux vont chopper la patate et sur la lame du bas, t'as une planche à découper minuscule. Donc, les patates vont tomber sur la planche à découper. Donc, tu vas découper tes affaires et ça va tout tomber sur la planche. Et quand t'es prêt à aller le mettre dans le poêle, tu dompes tu vires la planche. C'est bien expliqué, ça? Et c'est malade. C'est génial. Le et clever, puis, ça coupe vite? Oui, ça coupe vite. Je suis en train de regarder la petite vidéo, là. Ouais. Parfait pour les légumes, les fruits, les viandes, les fromages et plus encore. Des lames de stainless steel qui coupent facilement même les viandes les plus dures à couper. Et ça va trancher parfaitement vos nourritures le plus mince possible. On peut trancher, on peut couper, on peut, peu importe, faire des salades, des shish kebabs, des sautés et plein d'autres choses, nous disent-ils. C'est évidemment un produit as seen on TV. Uh-huh. Donc la publicité commence par... Est-ce que ça vous est déjà arrivé? Là, tout le monde fait des dégâts, puis ils ont une planche à découper en bois, plein de bactéries. Hein. Mais ça coupe vraiment super vite. Pour vrai. Pour faire une carotte ou un concombre, ça y prend genre 4 secondes. C'est un pro du cutter. Ça peut quasiment pas être une mauvaise idée. Ils sont vraiment en stainless steel. C'est vraiment parfait. Le Clever Cutter. Ensuite, tu peux les mettre dans le lave-vaisselle. Oh, wow! Est-ce que t'en as un deuxième si tu commandes maintenant? Probablement. Attends, je vais te dire à la fin du vidéo. Continue de regarder ça pendant que je parle d'une brosse qui se nettoie tout seul. Ça le dit pas. Ah. Je te rappelle tristesse. Qu'on vit dans le futur. Selon IncredibleThings.com, c'est le self-cleaning brush vendu sur Amazon pour 20$. Donc, un système de rétraction des pics de la brosse. Mm-hmm. Donc, les pics de la brosse rentrent dans la brosse. Ce que ça fait que tu peux facilement enlever les poils, les cheveux qu'il y a dessus. Au lieu de prendre un autre peigne, de le faire, puis là, d'être pogné avec le... Tu as tout compris, tu l'as dit, Bouffy. C'est merveilleux. Génial. Ensuite, le Snappy Screen. Pour Est-ce que tu viens de m'appeler Bouffy? Bouffy contre les vampires. Oh, je rêvais d'être elle quand j'étais jeune. Hey, ben Sarah Michelle Gellar, hein? Elle est où, hein? Elle est où? Est-ce que tu es bronzée? Beaucoup moins maintenant que je suis adulte et que je mets de la crème solaire. Est-ce que tu faisais bronzer dans un salon de bronzage ou à l'extérieur? À l'extérieur. Ah, est-ce que tu travaillais aux courses dans ce temps-là? Oui. T'as pas besoin de faire grand-chose pour te faire bronzer. Ah non, t'as un gros habit de bonhomme Michelin quand tu exactement. Fais ça, présentement, ça sert plus à grand-chose de le faire parce que j'ai un gros soupe sur moi. Peut-être aurais-tu besoin de t'acheter le Snappy Screen. Ça serait malade. C'est, dans le fond, c'est comme une douche de sunscreen, d'écran solaire. En fait, c'est pour se faire bronzer naturellement. C'est pas comme un auto-bronzant, une douche auto-bronzante d'un salon de bronzage. Non. Tu fais bronzer avec du spray. C'est pas ça. C'est un spray d'écran solaire pour dans la nature, au soleil, te faire bronzer pour vrai. C'est une très très bonne idée. Mais c'est pas bon, ça a l'air de se faire bronzer dehors comme ça. Ben voyons donc. Hey, y a rien de bon dans vie. Non, je sais. Qu'est-ce tout qu'on va donne faire? Le cancer. Hey boy. En tout cas, donc, on utilise un écran, pas l'écran solaire, un écran tactile pour sélectionner votre niveau d'FPS, indiquer si vous êtes grand, petit, en haut ou en bas de 5 pieds, peu importe. Vous entrez dans le cubicule et vous préparez à vous faire envoyer du spray. C'est pas mal tout ce que ça dit. Une petite vidéo pour démonstration en bas. Ça dit « The world's first touchless sunscreen application system ». Le premier système d'application d'écran solaire sans toucher du monde. Ah! Génial. Okay. Le Snappy Screen. Ensuite... Le prochain, là. Quand tu t'en vas te faire bronzer, justement, tu te sens comme si t'étais dans un restaurant libanais. Parce que tu tournes autour d'un bâton de métal, puis après ça... Puis je me fais couper! Tu te fais couper! Avec le Clever Cutter, tu finis en rondelle, c'est incroyable. Ouais. Non, c'est une serviette qui ressemble à un burrito pour te faire entourer d'une tranche de pain moelleuse, tiens. Wow. Ça coûte 35$, c'est le Tortilla Towel. Chaque côté a une photo différente d'un tortillard réaliste. Hein? Donc, tu peux te coucher sur la plage et faire semblant d'être des ingrédients de burrito. Est-ce que tu te sens fromage? Hein? Est-ce que tu te sens tomate, salade, petite sauce à l'ail? Non, c'est ça. Ça dépend de ce que tu veux dedans. Ça dépend de ce que tu veux. Et après ça, tu pourrais même t'acheter peut-être un oreiller en forme de quelque chose comme, je sais pas, du cucombe ou du, les petits radis, là. Comment on appelle ça? Les radis roses. Mais des radis. non, ceux qui... C'est comme mariné. Il y a ça des restaurants libanais. Oh, navet, non, je m'en souviens plus. Navet quelque chose? C'est des navets marinés, ça semble. Navets marinés, hein. C'est des radis marinés, non? Quelque chose du genre. Bref. Ça pour dire que ça coûte 35$ et c'est la Tortilla Tower. Ensuite, c'est la scène des requins. On a parlé la semaine passée, il me semble, ou il y a deux semaines, que c'était bien populaire sur Discovery Channel. L'été, il y a toute une semaine où on parle que de requins. Maintenant, la compagnie Daisho Fishery Company vient de sortir une idée intéressante pour faire tremper votre thé dans une théière, mais ça ressemble à un requin, puis quand tu prends du thé rouge, ben ça t'as l'impression que le requin a mangé un humain. Ah, c'est dégueulasse. C'est qu'un humain. En plus, après, le sac de thé est en forme de requin, puis et il y a une ficelle, et au bout, t'as un humain. C'est terrible. C'est super drôle. Donc, le rouge est évidemment fourni par le mélange, parce que le thé est intégré à la pochette, tu peux pas mettre ton propre thé. Ah, OK. C'est un mélange de hibiscus et de rose hip, j'ai aucune idée ce que c'est. Le produit est présentement en sociofinancement sur macquaquin.com. Ça s'appelle le Same Tea Bag. Ça coûte 1 million de yens. Oh! Et si ça se rend jusqu'à la production, ça va être évidemment parfait pour votre marathon de la semaine des requins sur Discovery Channel. Wow! Démonstration vidéo encore sur assemblagerequis.com. Ensuite de ça, est-ce que la page fonctionne? Non, la page ne fonctionne pas. Malheureusement, on va passer au suivant. C'était un fusil spray sel et poivre. Donc, c'est comme en forme de fusil, mais ça tire du sel et du poivre. Wow. On a compris déjà juste avec cette phrase. C'est ça, voilà. Ensuite, la Barbecue Toolbox, c'est le prochain gadget que je vous propose. C'est une boîte à outils qui sert aussi de barbecue, vous l'aurez compris. Ah, ça, c'est cool. Ah, non. Donc, c'est pour faire un barbecue impromptu à peu près à n'importe quel endroit en amenant cette boîte à outils au pique-nique. C'est une boîte d'outils, donc tout ce qui est plus classique à l'extérieur, donc en métal. C'est remarquablement portatif avec une poignée sur le dessus. Et quand on l'ouvre, il y a un grill principal, un grill réchaud et un endroit pour mettre tes morceaux, peu importe que ce soit les pinces ou les... La petite brosse pour brosser la grille. Oui. Des trucs comme ça. Donc, ça s'appelle Barbecue Toolbox pour 119$ sur Amazon.com. Son nom de produit, j'imagine, doit pas être le même que sur l'article. Souvent, c'est pas le même. On va aller voir sur Amazon. Non. Non. Suck UK Toolbox Barbecue. Eh boy. Red. Ça, j'aime mieux Barbecue Tool. Moi aussi. Ensuite, deuxième partie de la chronique avec un autre bloc. Commençons avec des orthèses qui sont personnalisées. Tu sais, les orthèses, est-ce que tu as des problèmes de pieds? Non. J'ai des problèmes de pieds, j'ai les pieds trop arqués, trop archés, trop... OK, bon. Oui. Fait qu'il me faut des orthèses pour soutenir mon pied pour qu'il tienne dans les airs et non pas s'affaisser, sinon ça fait bobo. Oui. Fascite plantaire que j'ai. Oui. Bref. Ici, dans ce cas-ci, si vous avez le même genre de problème ou peu importe lequel, c'est supposé être des orthèses que vous allez faire vous-même par une application sur votre téléphone cellulaire. Ah, oh, des orthèses intelligentes. Ben, des orthèses fabriquées sur mesure avec une application intelligente. OK. Les orthèses elles-mêmes n'ont pas de puce à l'intérieur. Donc, ça s'appelle les ExoSoles. C'est des orthèses personnalisées qu'on commande par téléphone. Donc, le principe, c'est que vous téléchargez l'application iOS de ExoSoles, seulement sur iOS pour l'instant, Android plus tard. T'as sur ton écran une zone de pied. Donc, t'as un pied avec des zones, OK? Zone 1, j'ai mal en dessous des orteils. Zone 2, j'ai mal au milieu du pied, ce qui est mon cas. Et zone 3, j'ai mal au talon, c'était mon cas aussi. Donc, j'aurais coché 2 et 3. Bon. Ensuite, l'application te pose une série de questions par rapport à l'inconfort que tu vis, aux activités que tu fais et si tes souliers se défont rapidement, donc s'ils deviennent plus portables comme les miens, mettons que le derrière est tout coupé. Là. Ouais. C'est bon, ça te demande ces affaires-là. Donc, par exemple, il y a une question qui pourrait être « Pendant quelles activités est-ce que t'as mal? » En marchant, en faisant des sports, en courant ou pas sûr? Pas sûr. Je sais pas comment tu peux ne pas être sûr de Je ça. Je sais pas non plus, hein. Mais bon. Ensuite, quand est-ce que tes souliers sont le plus portés? À l'intérieur, à l'extérieur ou... Non, attends. Most worn, est-ce qu'il veut dire le plus porté ou most worn comme le plus usé? Oh! Bonne question, hein? On va dire que c'est porté. Donc, t'as intérieur à l'extérieur et égal. Non, attends un peu. Les dessins me disent le contraire. As-tu vu les dessins? Ouais. Ça dessine les petits ronds sur l'intérieur du soulier. Donc, fait que c'est usé, je pense. C'est usé, mais c'est vraiment pas clair. Parce que worn peut vouloir dire porté à l'extérieur, porté à l'intérieur. Ça peut vouloir dire usé à l'intérieur de la... En tout cas... Puis encore une fois, tu peux répondre pas sûr. Pas sûr. Mais tu sais, je me dis, quelque chose comme ça, là. Ouais. Tu sais, l'application. Tu sais, va voir un pot d'hier. Est-ce que tu sais combien ça coûte? Parce que je sais que c'est cher. Ça m'a coûté au-dessus de 1000$ me faire les orthèses. Ouais, mais sais-tu combien ça va te coûter si tu fais pas la bonne application? 100$ à la fois, ouais. C'est ça. Mais si, mettons, tu tombes sur la bonne, puis peut-être qu'il y a peut-être une garantie. Oh, peut-être. J'ai pas regardé s'il y avait une garantie. Bref, 99$, c'est le prix. Ils vont en fait vous dire le prix de votre semelle. Peut-être que ça diffère dépendant de la personne. Ça veut dire des informations comme alignement, bon, support de l'arche, stabilisation du talon pour vous garder bien droit, soulagement, donc t'as la couverture qui distribue la pression et qui vous garde confortable, et t'as la mousse environnementalement friendly qui va absorber les chocs pour vous faire avancer. Bon, ça vous dit des trucs comme ça, et vous pouvez même choisir votre recouvrement. Tu peux choisir entre un recouvrement confortable, ce qui serait mon cas clairement, ou un recouvrement renforcé pour qu'il va durer plus longtemps, mettons. Donc c'est rugged, heavy duty. Donc, c'est ça. On peut choisir entre ça. Tu prends des photos de ton pied à côté d'une feuille 8,5 par 11. Ils vont faire un rendu 3D. Donc, tu as besoin que tes pieds soient nus, que tu sois sur un plancher qui n'est pas reflétant. Une feuille de papier 8,5 par 11 et de l'éclairage fort. Tu vas donc prendre ton selfie de pied, la longueur, la largeur, etc., etc. Et après quelques temps, ils vont t'envoyer ton exemplaire d'orthèse par la poste. Avec ton nom, Elisabeth Rodriguez, dans ce cas-ci, 330 Barolic 9L, si j'imagine le modèle, que tu puisses en recommander un autre pareil. Donc c'est super bien fait. En tout cas, l'article est vraiment long, j'ai pas l'occasion de le lire au complet, mais c'est sur souls.com, S-O-L-S.com. Ça vous tente de l'essayer? Il y a une période de test de 30 jours avec remboursement gratuit. En fait, retour gratuit, vous n'avez pas à payer le shipping pour autant. C'est tentant quand c'est gratuit et achète 30 jours. Moi, je me rappelle par contre que mes orthèses payées au-dessus de plusieurs centaines de dollars, presque 1000, plus les rendez-vous, ça avait pris plus que 30 jours à m'habituer. Ouais. Fait que, mais tu sais, en même temps, c'est mieux de pas être sûr et se faire rembourser que de penser être sûr et qu'après 30 jours, ça devienne moins bon. Ouais, tout à fait. C'est pas la même chose. Bref, j'ai passé vraiment beaucoup de temps sur celui-là. Allons-y, quelque chose de plus simple pour tout le monde. Tout à fait. Le Corn Cob Stripper, une façon facile d'enlever de votre maïs tout son maïs et voilà. Ne garder que le centre pour le jeter. Hein? Oui. C'est 8$, pas cher. Sur Amazon.com, le Chef In Cob Corn Stripper. C'est comme une effeuilleuse de maïs. C'est très drôle. Très bien fait en plus. Compact, facile à utiliser, nous dit-on. Et c'est jaune en plus, comme un blé d'ail. Comme un blé d'ail. Ensuite, si vous êtes du genre à faire des pique-niques, mais que vous oubliez votre couverture. Oui. Tu sais, vous pouvez vous asseoir sur votre cooler, peut-être. Mais si vous aviez le Elite. Light. Metal Pack, le sac lui-même et sa propre couverture. Oh my God! De 41 pouces par 34 pouces, parfait pour manger sur le gazon. Et donc, c'est refermable comme une petite construction de carton presque. On dirait un cube qui a été fait en carton, mais en tissu. Donc, tu vois la forme du sac, tout ça. Mm-hmm. Ça se repoinçonne l'un dans l'autre dans des snaps. OK. C'est super pratique. Donc, pour le déplier, on enlève les quatre clips à l'intérieur, on renverse le tout pour faire sa couverture. Et quand on a besoin de refaire le sac, on retape les snaps. C'est fait super moelleux et ça fait un doublage aussi à l'intérieur du sac. Ça reste propre, même si tu mets la serviette par terre parce qu'il y a un recouvrement de plastique. Alight Metal Pack sur Amazon pour 90$, quand même cher. Ouais, quand même. Et les couleurs sont un petit peu laides, je trouve. C'est un petit peu armé, je trouve, militaire. Et il n'y a pas l'air d'avoir d'autres couleurs sur Amazon, donc malheureusement. 23 litres de volume et ça se transporte même comme sac à dos. Ensuite de ça, une casquette. Tiens, si t'as chaud l'été, Tania, toi, je sais que tu portes des casquettes. Oui. Je t'ai vu avec une casquette des aigles à un moment donné. Moi? Ouais? Non? Non. Non? C'était Alain, j'avoue que la confusion t'allait les la Blue faire. Les Blue Jays, peut-être? Peut-être les Blue Jays. Ouais. Peut-être. Je porte pas de casquette des aigles. Non? OK. Donc, qu'est-ce que je suis en train de dire? Oui, une casquette qui va te garder la tête au froid, même pendant les chaudes chaleurs d'été. Ah, pas vrai? Ça s'appelle l'Evaporative Cooling Cap, qui va garder votre tête à 20 degrés plus froid que l'air environnante. Comment est-ce que ça fait? Ah oui. Donc, le liner de la casquette et son brim. Brim, c'est la palette. Mm-hmm. Liner, c'est le contour de plus épais. C'est fait d'un matériau spécial qui va permettre à l'humidité de s'évaporer pendant plusieurs heures après seulement 2 minutes de chargement dans l'eau froide. Ah, oh, c'est malade. C'est génial. Donc, la casquette qui est parfaite pour les golfeurs, entre autres les jardiniers peut-être, ou ceux qui passent du temps au soleil à animer des émissions de courses de chars à TV. Ça serait pas pire. Donc, l'Evaporative Cooling Cap disponible chez nos classiques. On les aime donc. Hammaker Schlemmer pour $29.95 US. Ouh. Ensuite, c'est le Step Dive. C'est un, tu sais là, les scuba gear, tu sais les, comment on appelle ça, tu mets ça dans ta bouche puis tu respires l'air qui est en haut de l'eau là. Un tuba. J'avoue, tu m'as eu là-dessus. Ah. Donc, le step dive, c'est un tuba, ou ce qu'on appelle en anglais un snorkel, c'est pour ça que j'étais pas capable de trouver l'équivalent parce que ça se ressemble tellement pas, qui ressemble un petit peu à, en fait, à, c'est comme un long tuyau qui va permettre d'aller plus bas dans l'eau tout en respirant l'air qui est en haut de l'eau. Parce que tu connais la différence entre un snorkel et un scuba. Scuba, c'est sur ton dos et tu vas dans l'eau puis tu respires quand même sans avoir de contact avec l'extérieur. Mm-hmm. Alors qu'un snorkel ou un tuba, c'est il faut que tu restes au niveau de l'eau pour que ton tuba sorte de l'eau. Exact. Est-ce que je l'explique correctement? C'est pas mal ça. Oui. Bon. Donc, c'est pas la même chose. Hein? Scuba, ça demande des équipements chers, ça demande un entraînement formel, ça demande un certain degré de capacité physique pour respirer correctement ton oxygène, j'imagine, qui est dans ton appareil. Quand même, le système Step Dive espère améliorer un petit peu ça pour dans la plongée un petit peu plus profonde avec la facilité du tuba. Le système est quand même simple, c'est un tuba attaché à une hose de 5 mètres de long dont le bout reste à la surface grâce à une bouée. Donc 5 mètres, c'est pas ultra profond, mais c'est quand même assez pour explorer quand même un petit peu le fond du lac, peut-être proche du fond, sans avoir à acheter du matériel super cher. Mais ça reste que c'est cher. C'est moins cher que du scuba gear, mais ça coûte quand même $450 US. Pour l'instant, ça va monter à $678 US plus tard. Et 774 en magasin. Dollars américains, c'est ultra, ultra cher. Mais les équipements de scuba, je vais pas été voir, mais c'est sûrement plusieurs milliers de dollars, j'imagine. Mm-hmm. La campagne ramasse de l'argent en ce moment. Un très bon produit, qui a l'air cool, c'est sur Kickstarter. C'est le Step Dive, S-T-E-P-D-I-V-E. Scuba Gear Buy, sur Google, voir combien ça coûte. Les Scuba Store.com. El Scuba Store. On va aller dans nous. Non, faut pas juste le mettre sur la page d'accueil. Ah! Hein? Trop tard! Trop compliqué, laisse faire! Point, point, point. Non, mais j'imagine que si l'autre coûtait ça à quelque chose, ça doit être parce que ça coûte plusieurs milliers de dollars. Ensuite, tiens, quand tu trouves que ça sent mauvais dans ton char, est-ce que des fois tu fais pas le ménage dans ton char et ça pue un peu, des fois? Ouais. Ça arrive. Est-ce que t'aimes ça te regarder toi-même? Ça me trouble un peu, ça. Est-ce que t'aimes ça te regarder toi-même, des fois, Tania? Ben, si je me maquille, oui, là, j'aime ça savoir ce que. Fait que, prends une photo de ta face et sens-toi ça comme ça en bon dans ton char. C'est Dieu! C'est les Custom Face Air Fresheners. Gardez votre voiture tout à fait fraîche en hommage de 3. Ça peut être personnalisé avec la face que vous voulez. Et ça offre des odeurs, des senteurs, des parfums comme bacon et café. 15$ sur Firebox.com. Café! Café! Oh ta face qui sent le café, tu t'aurais ton nez dans ton nez en permanence. C'est malade. Génial. Tassez les petits arbres, là, vraiment plus à mode. Là, puis, mettez votre face et celle de vos amis sur votre miroir. Ensuite, tiens, si tu veux t'identifier toi-même, des fois, tu t'es tanné de dire tout le temps, genre, ah, je m'appelle Tania, ouais. Avec un Y. Tania, oui. Un Y. Là, tu voulais t'acheter sûrement des petits autocollants. Bonjour, hi, je suis. Hi, my name is. Et voilà. À la place, tu pourrais t'acheter le Bluetooth Smart Badge. Ah oui? C'est un badge qui va à la même place que ton Hi I'm, okay? Mm-hmm. Sauf qu'à la place, ça fonctionne par Bluetooth et c'est connecté à ton téléphone cellulaire et tu mets le message que tu veux. Ha? Tu pourrais mettre genre, ne me parlez pas, je suis mauvaise humeur. Ça serait malade. J'aimerais ça avoir ça, s'il vous plaît. Qu'est-ce que c'est? Si jamais quelqu'un aimerait ça m'en donner un pour ma fête, j'apprécierais. Je vais prendre un café de lait de sucre. Et voilà. Non, même pas, café noir. Oui, elle serait t'es noire, toi aussi. Oui. Toi et les ventes noires aussi, que t'aimes. On a terminé ça tantôt. Des benons noirs. Les benons noirs. Ça s'appelle mal à ça. C'était plus tôt dans l'émission. Faut suivre du début à la fin pour comprendre et les gags ici. C'est des callbacks qu'on appelle. Donc, exprimez vos pensées intérieures avec votre Bluetooth Smart Badge, fait pour être utilisé comme étiquette de nom électronique. Il y a 3 niveaux de luminosité et on peut mettre jusqu'à 8 messages en même temps. 8 messages qu'on peut scroller. Ça serait malade. Et c'est vraiment pas j'en cher. Veux un. 30$ US seulement. Hmm. Sur le site anunderzer. Non, thinggeek.com. Thinggeek. Oh, c'est Thinggeek. Les meilleurs. Génial. 8 messages en même temps. 30$. En stock en plus. Ensuite de ça. Wow. On parle souvent de spa. On parle souvent de hamac. On parle souvent de tout ce qui est se reposer, se rafraîchir ou se réchauffer. Peu importe. C'est des trucs confortables. Ici, on parle d'un spa, mais bougeable, mou, et je dirais quasiment, est-ce que c'est gonflable? Oui, quasiment. Donc, ajouter un spa à votre maison, ça peut être quelque chose de vraiment cool. Par contre, c'est vraiment cher et ça reste tout le temps au même endroit quand c'est installé. Une fois que c'est installé, ça bouge plus. Donc, le Soft Tub Movable Hot Tub contourne ce problème-là avec un design léger qui peut facilement être roulé d'une place à l'autre. Donc, ça se branche dans une prise tout à fait standard. On n'a pas besoin de filage spécial. Il y a une je me fais rire parce que quand je traduis des trucs des fois dans ma tête, je veux parler d'une croustille intelligente pour une chip intelligente. C'est une puce intelligente. Donc, il garde votre température stable. Il y a une pompe intelligente aussi, un moteur et un système de réchauffement qui utilise la chaleur du moteur pour aider à garder l'eau au chaud. C'est disponible en plusieurs grandeurs, donc un modèle 140 gallons pour 2 personnes et un modèle qui va jusqu'à 5 personnes, 300 gallons. Tout ça a des jets placés de façon précise et il y a même un couvercle isolé pour garder la chaleur. Vraiment génial. Par contre, même si un spa c'est cher et que ça c'est supposé être moins cher, ça reste que c'est quand même 3600$ US. Quand même, oui. Et plus, ça c'est pour le modèle petit. Ensuite... on va aller manger, boire un petit peu, en fait, boire dans ce cas-ci. Le café glacé, tu sais peut-être que c'est la seule chose que je bois quand je viens à l'université. Oui. Ces temps-ci. Je vends toujours un café glacé, lait de soya, grand, sur glace, double espresso. Et voilà. Mais par raccourci, j'ai dit café glacé, lait de soya, puis ça a tout quoi. Ouais, je suis un habitué de la place. Donc, du café glacé, l'idée, il y a des gens qui vont essayer de faire du café glacé, qui vont penser qu'ils vont juste se faire un café normal. Mm-hmm. Qui vont le verser sur de la glace. Comme Tom Tom. Qui vont mettre du lait. Qui vont à peine shaker avec une cuillère. Ils vont goûter à ça. Quand ça goûte dans ben l'eau. Ouais, mais tu ta glace, ça dit le goût. C'est ça, mettons. Faut que tu te fasses du café ben ben fort. Oui. Ou encore de l'espresso. Mm-hmm. Hein? Si tu vas dans un café qui fait pas souvent des cafés glacés, demande-le avec un double espresso dans un grand café. Ça fait la job, OK? Donc, Grady's Cold Brew Pouch rend votre vie un petit peu plus simple en vous fournissant tout ce qu'il vous faut pour faire votre propre café glacé à partir de concentré. C'est comme une canne de jus d'orange. On aime ça. Donc, le kit contient 12 sacs remplis de grains de café déjà parfaits en bonne situation pour être utilisés. Du chicory, ça, c'est l'alternative au café. Qu'on retrouve dans des pots des fois là. Tu sais, c'est du caflib, okay. Mettons, t'as peut-être déjà vu du caflib. Ouais, ouais. Marqué sans caféine. C'est du chicory. Je me rappelle pas c'est quoi le mot en français par contre. De la chicorée, excusez-moi. Même pas besoin de chercher finalement. Pas loin, hein. Ça contient aussi des épices et ça vient dans une poche pour and store, donc versé et ensuite serré. Serré comme dans une armoire. Tu dompes de l'eau sur le sac et tu laisses ça tremper pendant la nuit dans la poche. OK. Quand tu te lèves le matin, t'as un petit pick-me-up glacé qui t'attend dans le réfrigérateur. 30$ pour 12 pochettes. Pas pire. C'est quoi, c'est genre 50 cents par pochette? Genre, si je compte bien. Ouais, à peu près. US, bien sûr. Ensuite, ceux qui ont des jouets pour enfants, mais qui trouvent que les mettre dans un petit coffre en bois, c'est donc cheap. Mm-hmm. On est passé à autre chose, là. On veut une boîte en or. Oui. Ah. C'est le Circo Magical Furniture pour les enfants riches. Gold Toy Box, une boîte à jouets en or. rien de plus à dire. C'est de l'or pur à 999,9 carats, je crois. Poids net 1000 grammes. Et l'intérieur est en velours bleu. Ah, d'accord. C'est chic, hein? Très. Très chic. Parfait pour mettre votre Apple Watch aussi que vous avez acheté pour votre enfant. Modèle doré. À 10 000 ensuite, ceux qui aiment le jeu Pong, c'était un des premiers jeux vidéo Pong, tu sais, avec les plaquettes sur le côté puis une balle. Ping, oui. Pong. Bon, c'est super basique comme jeu. Maintenant, il y a une version dans la réalité réelle. OK. Donc, un des premiers jeux vidéo qui est maintenant dans votre vraie réalité, c'est une table mécanique de Pong avec... Et là, c'est vraiment ça qui rend ça cool. Parce qu'en tant que tel, tu pourrais prendre n'importe quelle table et puis jouer au ping-pong dessus puis dire, appeler ça Pong. Mais ce n'est pas pareil. On veut de la gravité, on veut de l'attraction. C'est ça l'important dans Pong. Il y a des aimants et des moteurs qui empêchent les palettes de toucher au cube pour simuler le vrai jeu. Donc, dans le fond, ça va... Quand tu vas... Ça va faire que quand ta palette passe proche de la balle, la balle va être repoussée vers l'autre. Oh my God! Pour que ça fasse pareil comme dans Pong. C'est merveilleux. C'est un peu dur à expliquer, là, et honnêtement, je n'ai pas la vidéo pour expliquer plus en détail ce que je viens de dire là. Est-ce qu'il y en a un sur le site? Non, pas de vidéo. Plus. D'après moi, ça ressemble à un concept qui n'a pas encore été créé. Une vraie pièce. Peut-être. Mais bon, donc Table Pong Project sur tablepongproject.com. Celui-là, là, j'en ai entendu parler plusieurs fois. J'ai souvent douté, mais je me suis renseigné. Et c'est vraiment une excellente idée. Bon, on va commencer par le commencement. Quand tu te laves les dents, quand tu prends ton verre d'eau pour te gargariser le matin après t'être lavé les dents, qu'est-ce que tu peux faire avec de l'eau? T'enlever les poils à la face quand tu t'es rasé. Qu'est-ce que tu te sers de l'eau dans le robinet? Te laver les mains? Ben, tu le mets dans ta face. Mets dans ta face. Bon, déjà, à la guerre des clans, on aurait 5 réponses sur 8. On n'est pas pire, Jean-François. Hein? Oui, on n'est pas pire. Sondage d'un. Qu'est-ce que tu peux faire avec de l'eau? Ben, tu peux faire du café. Oui, tu peux faire du café, mais attends un peu. Ouais, mais là... J'ai pas encore parlé du gadget. Je penserais pas que tu fasses du café là avec ça. OK, c'est bon. Ben, vas-y, parle du gadget froide. D'abord. Le gadget, c'est une affaire que tu utilises pour, en fait, économiser de l'eau. D'accord. Parce que quand tu prends de l'eau dans le robinet, tu gaspilles de l'eau parce que l'eau, elle s'en va puis elle est pas réutilisée. OK? Genre. Alors que dans l'eau de ta cuvette, l'eau de ta toilette, la cuve, pas la cuvette, mais où tu fais pipi, mais la cuve en arrière où t'as l'eau. Là. Bref, OK. L'eau là-dedans est super naturelle, OK? C'est super propre. OK? Et quand tu mets de l'eau dans ta face, tu peux réutiliser cette eau-là. OK. Tu sais? Ou c'est pour te laver les mains, elle va passer par un processus, puis elle va revenir dans les tuyaux. Je sais pas trop comment ça fonctionne. Je suis pas plombier pantoute, je dis sûrement n'importe quoi, je vais me faire dire des bêtises. Mais en gros, c'est que ça va sauver de l'eau. OK? Parce que tu vas prendre. Dans le fond, c'est un gadget que tu vas enlever ton couvercle de ta cuvette. OK? Oui. Et tu vas le remplacer par ce gadget-là qui s'appelle le Think Twice. Think Twice. C'est comme un jeu de mots avec Think Twice, pense-y deux fois. Oui. Puis Think Twice comme un lavabo, on se comprend ça. Et ça va par-dessus ta toilette et il y a un petit tuyau, pas un tuyau, mais un robinet qui sort de là. Et t'as une petite place pour mettre ton savon et t'as une place pour que l'eau vienne couler. Donc quand tu vas te laver les mains après avoir fait ton besoin, à la place d'aller gaspiller de l'eau dans le robinet, tu vas prendre l'eau de la flush, tu comprends? Quand tu flushes ta toilette, c'est ça qui va te donner de l'eau. OK. Parce que quand tu flushes ta toilette, l'eau qui revient est tout le temps de l'eau propre. Ah, okay? Je vois. Donc quand tu flushes, il va avoir juste assez d'eau, il n'y a pas de bouton pour allumer l'eau et l'éteindre. Ouais, c'est ça. Parce que je pense pas, il faut que tu flushes vraiment. Pas, ouais. Et quand tu flushes, l'eau sort du tuyau, tu te laves les mains ben vite et soudainement tu as gaspillé 0 ml d'eau parce que c'est l'eau que tu aurais pris de toute façon pour remplir ta toilette. C'est malade. C'est vraiment une super bonne idée, je prends beaucoup de temps pour l'expliquer mais ça vaut la peine. Donc et en plus ça donne un espace qui est à la bonne hauteur pour votre enfant pour se laver les mains entre autres et ça peut lui montrer justement une pratique environnementale de réutiliser son eau pour se laver les mains et comme j'ai dit c'est de l'eau totalement. Elle est totalement saine. Voilà, pour se laver les mains entre autres. Peut-être pas pour la boire, je sais pas. Mais au moins pour gargariser ou pour se laver. Peut-être pas pour la boire, ouais. Peut-être pas pour la boire, mais pour vrai mettons tu vas te laver les dents là. Après avoir fait tes besoins, tu laisses ta toilette comme ça, tu te laves les dents en prenant juste un petit peu d'eau dans le robinet, tu gargarises, puis là tu reflushes ta toilette, là tu la flushes une première fois, puis tu craches. Ouais. Sauf de l'eau, 100$. C'est vrai. 100$ pour économiser de l'eau. Think Twice. Plus d'informations sur Amazon, là. C'est cool, vraiment cool. Ensuite, tiens, des suçons avec ingrédients naturels. Ah! Intéressant, donc donner à votre collation un petit kick entre guillemets santé en essayant ces suçons avec ingrédients naturels. Chaque suçon est fait à la main d'ingrédients complètement naturels, des tranches de fruits biologiques, d'autres fruits et des noix pour 15$ l'emballage. Ça a l'air super bon, ça en a l'air vraiment bon. À la fin d'avoir... T'as fini de licher, t'as un bout de fraise là, à manger. Là. C'est sûr. Moi, en tout cas, tu me convaincs. C'est sûr, ça vient en paquet de 3 pour 20$ canadiens. C'est super cher. Mais c'est cool. Et c'est envoyé partout dans le monde depuis les États-Unis. C'est fait de sucre, eau, sirop de maïs léger, extrait de parfum naturel, mandarine bio, amandes effilées crues. Ça, c'est pour la, pour une des versions, ouais, qui est celle aux mandarines et amandes effilées. Ça a l'air vraiment bon. Vraiment. Ensuite, tu veux coller ton chat. Mmh. Hein? Mais tu veux pas que ça en aille. Ouais. Tu veux le garder sur toi. Donc, il te faut le Mugaroo. C'est comme un hoodie, mais avec une poche de kangourou en avant, mais qui est faite assez grande pour votre chat. No boy. Hein? Donc, c'est un magasin japonais, Uni Habitat, qui offre donc cette chance à votre chat de ressentir une connexion parentale, un peu comme un kangourou le ressentirait avec son bébé kangourou. Le Summer Mugaroo Hoodie est parfait pour, donc, pour à peu près tout le monde, pour tous les animaux de 15 livres ou moins. Voilà. Il n'y a pas de manche. Ce hoodie-là, c'est un peu bizarre. Ça fait douche-bag un peu. Ouais. Ça fait camisole, mais... Ah, oui. Ça... Ah, d'accord, c'est ça. Avec moi. C'est ça. Donc, intérieur de coton, en fait extérieur aussi, j'imagine, de coton. Ah non, l'intérieur en coton est enlevable pour pouvoir le laver à part. Sûrement, si votre animal de compagnie a perdu des poils, tu veux le laver à part. Bref, et garder ton hoodie en tant que tel. Ouais. Pour le sécher et pour enlever les poils, ça suggère aussi qu'un un tapis de gel froid peut être inséré dans la poche pour baisser la température lorsqu'il fait chaud pour que votre chat soit plus confortable. Hmm. Et même, je pense que c'est pour votre Mugaroo au complet, vous-même allez vous sentir plus confortable. Donc, le Summer Mugaroo Hoodie, prix suggéré de 6000 yens, environ 60$ américains sur Amazon ou sur le site web de Uni Habitat. Le gel a l'air d'être seulement dans la poche, mais j'imagine que ça va empêcher d'avoir chaud au ventre, peut-être aussi. Peut-être. Je sais pas, faudrait l'essayer. C'est écrit en japonais, donc je peux pas vraiment vous en dire plus. Voilà. C'est tout pour la première partie de Ça existe, mais ça ne devrait pas, on l'a. On prend une pause. Au retour, Tania. Oui. Va nous divertir. Oh. Mais avant ça, étant donné qu'on a parlé d'avoir vraiment chaud et que j'ai fait mon traditionnel jeu de mots de chaud chaleur, ouais, on n'a pas choisi d'entendre du Hot Hot Heat. On va l'entendre. 21 at Midnight. Mes chansons préférées de Hot Hot Heat. Tout de suite à Sondage Rocky. Puis restez là, on vient après la pause avec Tania Baudin. ça fait des années que j'ai pas joué du Hot Hot Heat et j'aime toujours tellement ça. L'album Future Breeds date de 2010, c'était la pièce 21 at Midnight. J'ai hâte d'entendre du nouveau stock. Je sais qu'ils sont venus en spectacle au Québec bientôt et je pense que je vais aller les voir avec notre chroniqueuse Justine Renaud qui tripe autant que moi sur Hot Hot Heat. Ça va être la fun. Mais pour l'instant, ici à Assemblage Rocky, c'est le moment d'aller prendre une pause. Au retour, Tania va nous divertir pendant une bonne demi-heure. Mm-hmm. Hey, c'est Tania S. Gallant. C'est Tania, restez là. Assemblage Rocky. Vous êtes assez pour l'écouter. Pour l'écouter. 89. Écoutez, Assemblage Rocky, émission estivale en pièces détachées. On est là pour la semaine du 11 juillet 2016. Elle est Tania Baudin. Avec Mathieu Plante. Mathieu Plante qui vient de passer vraiment beaucoup, beaucoup de temps à expliquer des choses en long et en large comme ça se peut pas. Il laissait pas de place à personne d'autre que lui-même, maudit égocentrique. Ben correct. Ben correct. Et je trouve tellement intéressant. Il aime ça s'entendre parler, ce gars-là. Ben oui. Mais maintenant, tu peux prendre sa place, en fait. OK, OK, OK, cool, merci. C'est ça, je ferai pas comme d'habitude en disant que tu pourrais prendre le bâton. Non, s'il te plaît. Tu relais, je vais me retenir là-dessus. Merci. Dit-il. Voici Tania is gonna have to thing. Ça dit pas de quelle façon qu'elle va vous verser, par contre? Ah, c'est pas encore dit. C'était une petite Tania qui voulait être pro des médias. Fait qu'elle est allée à l'école et puis maintenant, ça décolle, c'est Tania. And she's got 90 And she's got 90 On peut continuer tout le long de la tombe. Et voilà, Mathieu est parti. Oui, je pourrais vraiment encore. Je l'aime tellement, cette chanson-là, Tania. Tu peux pas savoir. Ouais. C'est correct, merci, merci. J'aime sa réaction. OK. Ben, ses goûts sont dans. Non, mais là, t'as fait des variantes, là-dedans. Oui, j'aime ça, faire des variantes, c'est le fun. C'était une fire. Je suis comme mon propre duo musical. Voilà. Je suis comme les jumelles Barabé, mais... Les jumelles Barabé. Beaucoup moins sexy, on va se dire. Oui. Sauf la coiffeur, je trouve qu'elle est pas malade. Je suis même plus... Et t'écoutes pas la voix, toi. Non. T'es donc bien snob. Ah, c'est deux blondes. Ouais. Oh, boy. C'est les Annie et Suzy Villeneuve des années 2006. C'est ça. Il y en a une qui va finir par vendre des maisons, c'est clair. Probablement. Ou marier un joueur de hockey. Oh, hey, chacun sa référence. Hein? Moi, je connais celle qui est agent immobilier. Je connais la femme de joueuse de joueur de hockey. Il y en a pas une qui était Tupperware, là. Oui, je pense que c'est la même qui est agent immobilier. C'est ça. On voit que ça mène loin des Star Academy des Lames. Et l'autre, le mari Guillaume Latendresse. Aïe, aïe. Aïe, aïe. On en apprend des choses aujourd'hui. C'est fou, hein. On voit qu'on n'a pas les mêmes références. Des choses que tu sais pas, des choses que je sais pas, c'est un fait. Voilà. Donc, c'est pas cette chronique-là, c'est Tania. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? On parle de voyage. Ben, on parle de voyage, on parle surtout de spots qui sont pas nécessairement à notre endroit normal. Okay. Parce qu'il y a des choses qui arrivent durant l'été. Tu sais, comme exemple, t'as le goût d'aller à la plage. Mais là, t'es en Mauricie. Oui. T'es à Trois-Rivières. Pis, la belle à côté. C'est ça. Ouais. Tu sais, l'agence touristique, c'est fermé en ce moment, je pense. C'est ça. En plus, t'as pas le droit d'aller te baigner. Mais il y a un camp de jour en ce moment, mais tu peux pas te baigner. À l'île Saint-Quentin? T'es carré. Ah! Hey, j'allais là quand j'étais petite, puis on chantait, tu sais, la petite mandarine, c'est l'histoire de la petite... Tu connais pas l'histoire de la mandarine? Non, je trouve qu'on a déjà beaucoup trop chanté. C'est le citron pis la clémentine qui... pour la mandarine. Eh ben. En tout cas, tout ça pour dire que je vais vous présenter des plages du Québec auxquelles tu dois absolument aller cet été. Oh. Et certaines îles près de Montréal qui coûtent pas nécessairement super cher. Parce que tu sais, des fois, tu as le goût de faire comme une espèce de road trip avec tes amis, d'aller quelque part. Tu veux pas nécessairement payer super cher pour un chalet ou tu veux pas nécessairement payer un hôtel qui vaut comme vraiment beaucoup trop cher. Et tu peux avoir l'opportunité d'avoir une île juste à vous, puis comme « Ha! » à ta boy. Ah! Attention, elles étaient cinq. On fait attention. Mais, tu sais, il y a des endroits comme ça où que t'as le goût d'aller. Puis, il y en a d'autres aussi qui ont tout simplement le goût de partir du Québec. Oui. Get the fuck out of Dodge. Et voilà. qui n'ont pas nécessairement beaucoup d'argent pour voyager, mais qui veulent voyager pareil. Donc, je vais vous présenter des endroits un peu partout, que ce soit au Québec, que ce soit aux alentours de Montréal, ou que ce soit à l'extérieur du Canada, pour pouvoir voyager avec de petits budgets. Wow! C'est quand même aussi bien rappeler l'émission à 100 plages, Ricky, à la place. Hey, à 100 plages. À 100 plages. À 100 plages. Ça serait malade. Ouais. Ça serait malade. Déjà en partant. Bon, on va commencer par les plages. Déjà en partant, oubliez le Beach Club. Je vous parle pas du Beach Club. Beach Day Everyday, là. Non. OK? Je vous parle vraiment des vraies plages qui font rêver. Tu sais, si vous regardez des photos sur Google, peut-être que vous allez trouver les plages les plus belles des États-Unis. Vous allez faire comme... Ah. Oui, ils sont pas toujours de même dans la vraie vie non plus. Exactement. Ouais. Par contre, sachez qu'il y en a qui sont aussi belles que ça au Québec, près de chez vous. Ça veut pas nécessairement dire qu'elles sont près de Montréal ou de Québec. Vous devez peut-être, là, déjà dans l'idée, vous dire que vous allez faire un road trip. Mais souvent, parfois, vous pouvez aller camper sur ces plages-là. Donc, dites-vous que si jamais vous avez une tente ou quoi que ce soit... Pas votre tante, ouais, la soeur de votre mère, ouais, là, mais la tante, tu sais, pour dormir. J'ai fait ces gags-là tellement souvent que je suis comme du tanné des fers. Ah, tu vois, c'est à mon tour de faire des jokes plates. Donc, vous pouvez quand même amener votre tante sur certaines plages que je vais vous présenter, puis vous pouvez rester là avec vos amis, faire un feu de camp, tu sais, un bonfire, là, OK? C'est ça. Bon. Wow, merci. J'y vais. Oui. Donc, du côté du Saguenay-Lac-Saint-Jean, il y a la plage de Vauvert qui est vraiment super belle. Et là, je vous disais, si vous tapez sur Google Beaches, là, par exemple, là, ou Google Images, puis tout ça, vous voyez des plages. Mais c'est le genre de plage que vous pourriez voir sur Google parce que c'est vraiment super beau. T'as l'impression d'être aux États-Unis sur la côte ouest. C'est clairement pas une plage vers laquelle tu peux aller faire du road trip, là, par exemple. Si tu habites à Montréal ou dans la grande région métropolitaine, t'auras pas vraiment le choix de faire ça, là, mais on sait que la destination, quand on va à quelque part, c'est souvent pas la destination qui est importante. C'est le voyage. Le voyage. Et voilà. C'est Gandhi qui a dit ça. Donc, je sais pas si Gandhi qui a dit ça. Mais dites-vous que c'est vraiment beau comme plage. C'est à Vauvert. Hey, Vauvert, là, ton ami, est-ce qu'il mélange entre Vauvert et Vache Verte? Oh boy. Call back à tantôt. Ouais. Ouais, c'est ça. Fallait écouter le début de l'émission. Faut tout le temps écouter du début à la fin. Salutations à Cynthia. Féliciter ces gens-là qui écoutent tout le long. C'est ça, exact. Il y a une autre plage qui est du côté de Lanaudière. Ça, c'est pas super loin d'ici. Hein. Ça me semble c'est à Saint-Gabriel-de-Brandon. Mais ça me semble c'est pas loin. Ah. Je vais te chercher ça. Merci beaucoup. Donc, de ce côté-là, là, c'est vraiment super beau. On peut pas, malheureusement, aller faire du camping là-bas. Là. Tu peux pas amener ta tente, puis planter tes pieux, puis tout ça. Mais si jamais vous êtes du genre à vouloir, avec des amis, vous rendre sur une plage, vraiment, tu sais, vous partez tôt, là, vous vous dites comme, OK, go, 4h30, tu sais, vous êtes mindé. C'est à une heure de route, c'est vraiment ça. C'est ça, exact. Tu sais, vous êtes mindé, vous voulez passer la journée sur une plage, vous voulez avoir une plage où que ça sera pas super gros familial. Tu sais, tantôt, je parlais Beach Club, là. C'est parce qu'il y a vraiment beaucoup familial, de gens. Pas familial, ça, non plus. Ben, il y a une plage, oui, familiale juste l'autre côté de ça. Ah, ouais. Mais, tu sais, il y a beaucoup, beaucoup de gens qui y vont. Si vous êtes du style à vouloir faire un road trip entre amis, ben, à Saint-Gabriel-de-Brandon, c'est rare qu'il va y avoir vraiment beaucoup de gens. C'est une plage qui est super belle et ce qui est le fun, surtout quand vous allez à la plage, c'est de rester jusqu'à temps que le soleil se couche. Oui. Alors là, vous avez, si vous tapez Saint-Gabriel-de-Brandon, plage Lanaudière, sur Google, vous allez voir qu'il y a des super belles images du coucher de soleil et c'est vraiment une place où que vous pouvez faire un feu le soir, mais encore un une fois... Un bonfire. Et voilà, vous ne pouvez pas camper. Donc, peut-être, si jamais vous voulez, vous prendre un petit motel dans le coin. OK. Puis faire un party après, mais ça, c'est à votre goût. C'est juste si vous voulez relaxer, okay, ou si vous, ouais, voulez virer la ville de Lanaudière à l'envers. Mais c'est votre choix. C'est votre choix. Vous êtes consentant. Adulte consentant. Exactement. Il y a la pointe aux outardes. C'est à Manicouagan. Oui. C'est dans un tout petit village québécois. Il y a quand même juste un peu plus de 1000 habitants, donc ça mérite... Ça mérite cette belle vue-là. Là. Si jamais vous y allez, là, dites-vous que vous êtes peut-être les seuls touristes en ce moment. Oui, mieux vous tarde que jamais, qu'on dit. Oh mon Dieu, qu'elle était bonne. Mais il y a vraiment une... Selon l'article sur lequel j'ai trouvé les plages, ça dit une des plages les plus sur la coche de toute la province du Québec. Ah, c'est un article journalistique. Tout à fait. C'est dans tes sources, bro? Non. OK, c'est bon. Alors, de ce côté-là, c'est si tu veux pas trop de monde, mais tu veux quand même te reconnecter avec la nature, tu peux y aller, tu peux t'isoler durant l'été, tu peux faire un... je parlais tout à l'heure là, des tantes, là, pas ta tante, la soeur de ta mère, mais la tante, en tout cas, c'est là. Je me souviens de ça, oui. Donc, si jamais vous voulez, vous pouvez l'amener. Je le répète, c'est Pointe aux Outardes à Manicouagan. C'est vraiment super beau. Puis toutes les photos de l'article ont été trouvées sur des gens qui ont été et qui ont Instagrammé la chose. Ah oui, oui, oui. C'est un de ces sites-là qui ne montre que des photos Instagram. C'est un... ouais. Grand, là! La grande attitude! On s'entend que c'est pas du grand journalisme, point, que je fais en ce moment, là. Divertissement. Je parle des plages les plus belles du Québec, man. Tu fais des jokes sur le Beach Club. Puis je fais des jokes poche sur le Beach Club. Fait que, hein, c'est ça. Il y a le lac Saint-Joseph dans le coin de Québec. C'est une ville avec seulement 237 habitants. Wow. Encore une fois, là, c'est, vous allez probablement être les seuls touristes du moment, mais... Et un seul tueur en série, puis il n'y en a plus personne! Attention, je vous le disais tantôt, elles étaient cinq, c'est de même que ça s'est passé. Mais c'est vraiment beau. Là, je vous parle d'une plage quasiment avec cailloux et beaucoup plus de cailloux que de sable. Non, pas ce caillou-là. Je parle des pierres. Pas ce caillou, c'est dans la passe-partout. Oui, c'est ça, exact. Je parle d'une plage. C'est celui qui a des pierres au rein sans cesse. Il s'appelle passe-caillou. Hey, c'est terrible. On n'a pas bu de café, hein, je pense, aujourd'hui. Mais bon. L'eau, apparemment, qui est quand même assez froide, mais vous allez pouvoir quand même profiter de certains. Du sable. Il y a du sable. C'est pas juste des pierres, mais vous allez voir, c'est pas une immense plage à sable. C'est vraiment plus... j'ai goût de qualifier ça ici comme peut-être un peu l'île Saint-Quentin, okay, ouais. Avec un petit peu moins de sable encore. Oui. Mais c'est vraiment... C'est à perte de vue. Là. Vous voyez même pas de l'autre côté. C'est super beau. C'est au lac Saint-Joseph à Québec. Une autre, c'est au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Encore? Comme numéro un, ils ont vraiment des belles plages là-bas. Okay, oui, plage. Mais... L'article, on a déjà parlé dans un autre article, qui était les 10 endroits incognito que tu dois absolument voir du Québec. Okay. Donc, cette place-là, c'est Saint-Gédéon, au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Et la personne qui a écrit l'article tenait absolument à inclure parce qu'elle est persuadée que c'est clairement une des plus belles plages qui se retrouve au Québec. Je pense que, tu sais, non, l'île Saint-Quentin, là, ça se qualifie pas dans ça, je tiens à le dire. C'est vraiment des super de belles plages. Tu sais, comme je le disais tout à l'heure, ce qu'on aime la plupart du temps, c'est de pouvoir regarder un coucher de soleil, c'est de pouvoir faire un feu avec ses amis. Parfois, on va peut-être même pas rester dans le coin, on va revenir le soir même. Donc, de ce côté-là, c'est vraiment une plage qui donne des moments à couper le souffle, disons-le comme ça, pour justement le coucher de soleil. Et si durant la journée, vous voulez rester, bien, c'est comme... Vous allez voir, il y a beaucoup de vagues dans ce coin-là, apparemment. Si vous êtes du genre à vouloir vous baigner sans trop vouloir vous faire bronzer, parce qu'il n'y a pas nécessairement de place pour se faire bronzer, mais c'est vraiment une plage qui vaut la peine d'être vue. Mm-hmm. Dans l'Outaouais, au parc des Cèdres, eh bien, vous pouvez vous baigner, là, sachez-le, vous ne pouvez pas faire de camping. Par contre, si vous êtes du genre à justement vouloir aller sur une plage avec des amis, simplement pendant une journée de temps, en profiter, allez vous faire bronzer un peu, bien, c'est une plage où vous pourriez peut-être vraiment en avoir pour votre argent. Ça ne coûte rien. Mais sachez-le, il y a beaucoup de nageurs, il va y avoir des familles aussi, il y a des sauveteurs. Vous pouvez vous baigner là, ça ouvre le 7 juin. Donc, si jamais l'année prochaine, vous voulez y aller. Sachez-le, vous pouvez vous baigner à partir du 7 juin sur cette plage-là. C'est pas vraiment une plage familiale, qu'ils disent, mais c'est sûr que vous allez retrouver des familles parce que ça a vraiment l'air d'une plage style californienne. Là. Vous allez... je sais pas, il doit pas avoir de monde qui fait du surf, mais vous allez peut-être même pouvoir voir des gens qui vont jouer de la musique sur le bord de la plage parce que c'est une place où que justement, parfois, durant l'été, il y a des gens, des bands, tout simplement de la place qui vont aller jouer sur le bord de l'eau. Puis vous allez pouvoir vous faire bronzer avec peut-être un petit ukulélé à côté de vous. Voilà. Donc, c'était pour certaines plages du Québec qui sont à voir durant l'été. Je vous parlais tout à l'heure de certaines îles près de Montréal que vous pouvez louer avec des amis pour pas super cher si vous n'avez pas nécessairement les immenses budgets que certains ont. Oh, tu peux faire une liaison, honte à faire une liaison. Ouais. Là. OK, good. Bon, mais que certains ont. bien, sachez qu'il y a des îles privées, là je le dis avec guillemets, caméra 3, il y a des îles privées qui sont pas super chères à louer, okay, avec un nombre X de personnes. Ok, c'est à la place de prendre une chambre ou plusieurs chambres, exactement, une île, tout le monde peut y aller. Une île, un chalet, bien souvent ça va ressembler à un chalet. Vous allez être plusieurs, vous allez avoir vraiment le lac pour vous parce que vous êtes sur une île. Vous allez pouvoir vous y rendre avec parfois un avion et c'est compris dans le prix. Donc, on va partir par la baie Georgienne. J'ai aucune idée c'est où, Mathieu, si jamais tu veux chercher en même temps que moi. J'imagine que c'est près de la... Ça dit baie au Canada? C'est en Ontario. Et voilà, en Ontario. Merci beaucoup. C'est pas super loin de Montréal, à ce qui paraît. Vous pouvez être à partir de 6 personnes. Donc, le maximum de personnes à être dans le chalet, c'est 6. Et le prix par personne, par nuit, sachez que c'est simplement... entre les mois de juillet et août. Après ça, l'île ne fait pas la louer, malheureusement, mais c'est 60 $ par personne par nuit. Wow. C'est pas... vous louez quand même un chalet. Oui, là, oui. C'est, à 6, ça se fait super bien. Ça comprend 3 chambres, une salle de bain, un immense toit cathédrale. Vous avez bien évidemment un barbecue, des grandes terrasses et vous avez des canots-kayaks sur cette île-là. Donc, vous pouvez partir avec vos amis, faire une journée canot-kayak, revenir le soir... puis tout simplement rester le nombre de nuits que vous voulez. Très bonne idée. Je regardais la distance, c'est quand même loin, donc ça va peut-être vous coûter cher de gaz, mais c'est à 7 heures environ. Ah, ouais. Quand même loin. En Ontario, ouais. Puis c'est... Il y a d'autres façons de s'y rendre, pas obligé d'aller là en char non plus. Ouais, non, c'est ça. Ben, oui, j'imagine. Pas sûrement prendre l'avion, j'imagine, non, mais pour vrai. Je sais pas, hein? Sûrement. Sûrement. Montréal est proche de... Oui, sûrement. Oui, sûrement. Ouais. Il y a le lac Reese ou Rice aussi qui est en Ontario. Je sais, ça doit prendre approximativement le même temps. Mais là, on joue vraiment dans les prix super pas chers. C'est 36 $ par nuit par personne. C'est sûr qu'il demande un deux nuits minimum, mais vous pouvez être jusqu'à 8 personnes dans cette place-là. Wow. Donc, si vous êtes vraiment une grosse gang, vous dites « OK, go, nous, on part », bien, il y a 6 lits, un futon, une table de pique-nique, foyer extérieur, vous pouvez faire un gros feu, barbecue, même chose. Et attention, une douche de pluie extérieure. Ah, c'est hot, hein? Fun, oui. Il y a même un terrain de volleyball sur l'île. Vous avez encore une fois canot, kayak, pédalo. Donc, de ce côté-là, j'ai comme l'impression que ce sont des gens qui prêtent leur île. Je sais vraiment pas comment ça fonctionne de ce côté-là, mais c'est vraiment cool comme idée. Et je mettrai les liens de chaque endroit sur la page Facebook d'Assemblage Requis parce que ça a l'air vraiment, vraiment cool. Là, je suis en train de parler en même temps que de chercher sur Google parce que je veux savoir c'est où Parry Sound. Parry Sound. C'est encore une fois en Ontario. Mon Dieu, tout se passe en Ontario pour les îles, sachez-le. Mais ça s'appelle l'île du lac... Attention, je vais essayer de vous dire ça de façon... je vais sortir mon... Je pense que c'est de l'indien. L'île du lac Wawashkesh. Wawashkesh. Wawashkesh. C'est un peu moins loin que l'autre, c'est 6h45. OK, 6h45. Là, sachez que vous faites jusqu'à 16 personnes et c'est un prix par personne par nuit de 47 $. Donc, encore une fois, on joue dans les prix qui sont bas, raisonnables, puis vous faites être vraiment une immense gang. Là, 16 personnes, ça fait du monde dans le chalet puis ça fait des hot dogs à pelleter. Ça va copuler là! Exactement. Donc, il y a plusieurs pavillons sur cette île-là. Okay. Il y a le pavillon principal, il y a le pavillon d'invités, il y a le pavillon des bateaux, il y a une grosse terrasse, un barbecue, foyer extérieur, encore une fois, canot, kayak, pédalo. C'est sûr que quand tu es sur une île, bien évidemment, j'espère qu'ils ne te dompent pas là puis ils te donnent pas de canot, kayak, rien pour pas sortir. Mais c'est sûr qu'en étant sur une île, si vous êtes des mordus de la je m'en vais dire de la noyade... Au moins une fois par année, oui. Oui, c'est ça. Au moins. De la nage, bien, c'est sûr que vous en avez pour votre argent parce que déjà en partant, l'île est à vous. Vous pouvez faire le tour du lac au moins 1000 fois. Puis c'est vraiment beau. Les photos sont à couper le souffle quand même. C'est sûr qu'il y a des chalets qui sont un petit peu plus haut de gamme que d'autres, dont le prochain que je vais vous présenter, qui est un prix par personne par nuit de 118 $. Ouais, ouais. Là, on monte un petit peu. Par contre, vous devez communiquer avec l'endroit pour connaître vraiment le nombre exact de personnes que vous pouvez recevoir en même temps. Par contre, ce que ça comprend, c'est la possibilité de louer aussi des petits chalets sur d'autres îles aux côtés. Donc, il y a une grosse île qui, elle, a comme le pavillon principal, disons-le comme ça. Puis, vous pouvez louer aussi des petits chalets sur les autres îles. Donc, vous pouvez vous promener d'île en île si vous êtes une gang. C'est sûr que c'est un petit peu plus dispendieux, mais pour ceux qui ont plus de budget, on ne sait jamais. Et il y a un chalet dont je veux vous parler en particulier. Lui, c'est un prix par nuit à une gang, OK? Ça, je tiens à vous le dire, là, si vous avez 70 amis, vous avez de l'ami en Moses, là, mais le pavillon peut comprendre jusqu'à 70 personnes et c'est un prix de chalet par nuit de 500 $. OK. Ouais, mais peut-être pour une genre de retraite en groupe ou, tu sais, mettons, genre, je sais pas, la gang d'une organisation qui veut aller faire sa réunion annuelle, là. Ça pourrait pas être cher, 500. Mais on s'entend que si on fait la division, là, 500 $ par 70 personnes, c'est genre 7,5$ par personne. Je vais juste le refaire pour être certaine, là. Mais, OK, 70, excusez. C'est 70. Sûr? Non, c'est vraiment ça. Ah ouais. C'est 7,15$ ouais. par personne pour un immense chalet sur une île qui est comme surélevée. Okay, okay, okay. C'est vraiment beau. Si jamais vous êtes du type à vouloir sauter d'une falaise avec vos amis, ben ça ressemble vraiment à ça parce que le pavillon est comme surélevé sur la montagne. Donc, c'est à l'île Irisin. Ça s'appelle le Whitefish Falls. Je vais essayer de trouver. J'imagine que c'est dans le coin encore de l'Ontario parce que tout semble être dans le coin de l'Ontario de ce côté-là. Mais, attention. Non, c'est près de Montréal, je pense. Non. en tout cas, Whitefish Falls, la ville en Ontario, ouais, est à 8 heures okay d'ici. Mais votre nuit vous coûte 7,5$. C'est ça. Si vous êtes 70. Oui. Si vous êtes 70, donc c'est de par ce l'autoroute transcanadienne numéro 17. Ah! Ontario 17. Merci Mathieu. Et je vous parlais aussi de ceux qui veulent tout simplement pas rester au Québec ou au Canada. Vous préférez sortir du pays? Vous préférez voyager, vous n'avez pas beaucoup d'argent, par exemple, mais vous êtes à la recherche d'aventure, eh bien, sachez qu'il y a... Là, j'ai pas de chiffres pour vous, malheureusement. Je sais pas exactement le budget que ça prend. Par contre, il y a des endroits un petit peu partout dans le monde où ça coûte pas nécessairement extrêmement cher, où vous pouvez voyager. Entre autres, il y a la Thaïlande à Bangkok. C'est un des endroits les moins chers pour voyager présentement, avec un hébergement aussi abordable que 20 $ par nuit. Donc ça se voit pas nécessairement partout. C'est sûr que ce qui va vous coûter plus cher dans ce temps-là, c'est votre billet d'avion, puis surtout si vous changez d'endroit. Mais si vous vous rendez à Bangkok en Thaïlande, ben c'est ça, tu sais, c'est niaiseux. L'alcool, c'est surtout l'alcool qui va vous coûter cher à ce moment-là. Mais c'est vraiment, comme je le disais, la partie la plus coûteuse va être l'avion pour aller et revenir. Mais si vous êtes du genre à avoir un budget pour votre avion, vous arrivez là-bas, vous êtes à la recherche d'aventure, vous êtes du style à vous dire, moi, dormir dans une auberge de jeunesse, j'ai pas de problème, eh bien, il y a plusieurs endroits, entre autres le Mexique, qui est toujours une super bonne destination apparemment pour les voyageurs canadiens. Les bons deals sont super faciles à trouver. Par contre, pour un voyage moins touristique, là, si vous êtes pas du genre à vouloir aller dans un tout inclus avec un bracelet autour du bras, bien, allez faire un tour sur les plages. Apparemment, les plages de surf sont à couper le souffle, et si vous êtes de ce style-là aussi, sinon vous pouvez tout simplement vous promener dans les espèces de petits marchés, découvrir la culture, et c'est vraiment... apparemment que c'est super bon pour votre budget, ça vous coûtera pas une beurrée comme rester par exemple dans un tout inclus à ce moment-là. En Indonésie, sachez-le, les mois les plus favorables pour que ça vous coûte le moins cher, c'est le mois d'avril, le mois de mai et septembre et octobre. Donc, juste avant de recommencer, que ce soit l'université, le cégep, bien, si jamais vous voulez aller faire un tour à Bali, en Indonésie, ça coûterait moins cher dans ces temps-là. Et la bouffe et l'hébergement sont vraiment pas chers, apparemment. Pour 1 $ canadien, vous pouvez vous offrir un buffet. Ouh, là, tu es quand même convaincre. Là, hein? Je parle de bouffe à 1 $ à Mathieu. Mon oreille fait rip. Il est tout inclus. Mais, I'm all in. C'est all in. Mais encore une fois, comme je l'ai dit, ce qui va vous coûter le beaucoup plus cher, c'est le voyagement. Donc, ça va être de prendre l'avion. Ouais. C'est sûr que si vous voulez y aller pour la peine, faites-vous un budget en conséquence. Présentement, il y a aussi la Grèce qui est très, très in pour les voyageurs canadiens, mais c'est pas nécessairement Athènes. C'est Athènes qui devient vraiment une destination de voyage super populaire, mais si vous voulez économiser de l'argent, encore une fois, eh bien là, allez à Crète, qui est, au lieu d'être à Athènes, sur le lieu de Santorini. Là, vous allez vraiment aller à Crète, en Grèce. Ça va vous coûter encore moins cher. Et c'est apparemment, c'est l'endroit idéal pour vraiment y aller culturel puis de voyager et découvrir plusieurs personnes de leur place. Mmh. Il y a aussi les États-Unis qui font beaucoup jaser présentement pour les voyages qui ne coûtent pas super cher. Arizona, aux États-Unis, apparemment, présentement, si vous êtes pas loin de là, là si vous aimez monter des montagnes aussi, bien avec l'état du dollar canadien présentement, les endroits comme l'Arizona sont vraiment des bonnes places où voyager. Puis le prix d'hébergement présentement, là, présentement sont en train de diminuer de 20 à 35 %. Aïe. Donc c'est quand même beaucoup. Et si je ne m'abuse, Mathieu, tu dois être au courant toi aussi, mais j'ai vu passer ça, apparemment que présentement le dollar canadien serait plus haut que le dollar américain. Je sais pas. Attends un peu. Et ça serait comme une... Oui, il vaut 0,76, presque 77 de dollars canadiens. 1 dollar canadien égale 0,77 dollars américains. Et voilà. Ouais. Donc, je pense que c'est comme la première fois en 25 ans que le dollar canadien se retrouve plus haut que le dollar américain. Wow. Donc, si jamais vous êtes du style à vous dire... Ah, ouais. Road trip aux États-Unis. Mmh. Tu sais, tout à l'heure, on parlait de plage, on parlait d'île. Ben, si vous voulez le faire aux États-Unis, c'est comme, c'est le temps parfait, là. Vous allez garder de votre argent. Mais faites attention parce qu'en Arizona, c'est un état open carry. Les gens ont droit de transporter leur arme à la vue de tous sur leur taille. Faites attention. Faites attention. C'est pas un concealed carry, genre d'un bas, là. C'est un non, open c'est carry. Vrai. Tu peux arriver avec ton, tu sais, comme une mitraillette sur l'épaule, puis c'est tout bien galant. Oui. L'Arizona. Puis, apparemment, la destination numéro 1 en 2015, a été Marrakech au Maroc. Oh wow. Donc, si vous êtes du genre à vouloir vous payer justement peut-être quelque chose à plus grand budget, eh bien, c'est une des places où vous pouvez aller passer votre été. La bouffe est excellente et l'hébergement est à un prix super raisonnable apparemment. Ma cousine est là-bas présentement. J'ai vraiment hâte de voir comment est-ce que ça s'est passé pour elle. Puis l'hébergement, puis tout ça, j'ai très hâte de voir si ça a été le fun. Ben, tu vois, moi, tu sais, je suis un gars de running gag. Oui. J'ai pas le choix de faire mon gag. Pour en savoir plus sur son voyage, faut écouter les vendredis à 11h, Maroc classique. Maroc classique. Mais si vous êtes du genre, justement, à vouloir sortir de votre ville... je vous ai présenté beaucoup d'Ontario pour les îles, mais les plages aussi. Le Québec, c'est très grand, mais vous pouvez voir tellement d'autres choses. Arrêtez d'aller au Beach Club. Allez à l'île, à la plage du Manicouagan. Manicouagan! Il n'y a pas une toune qui s'appelait de même. Là. Allez à Manicouagan. Oui, il y a ça. C'est ça. Je suis sûr que ça a été écrit sur la plage. Ayez du fun! Hey, amusez-vous. Merci, Tania Baudin. Ça fait plaisir. Une autre chronique de Tania is gonna entertain ya la semaine prochaine à Assemblage requis. On n'a pas le choix, étant donné qu'on a parlé de plage. Oui. Allons entendre une des pièces qu'on aime bien dans le palmarès en ce moment. C'est celle des Liminianas. Voici El Beach. Ouh. À Assemblage requis sur ses fous. 89 par terre, brûlant comme à la Mauricière. À la surface de l'horizon, je contemple la situation. Je vois le ciel incandescent, le blanc du sable étincelant. Je vois passer le troisième âge, les obèses et les enfants sages. Sur la plage en ébullition, des glacières de compétition. Une profusion de pastèques. Des filles qui ondulent en chanclettes. Vêtue d'un maillot de panthère, j'ai pris mon allure de croisière. Allongé sous un parasol, je mâche des graines de tournesol. C'est l'heure où le long du rivage, les Allemands sont en nage. Voilà que commence le défilé des malabars en bijoutés. Dans l'air flotte un parfum étrange, d'eau de lavande et de beignets. Il est temps d'aller se baigner. d'aller se baigner. Il est temps d'aller se baigner. Il est temps d'aller se baigner. Il est temps d'aller se baigner. Il est temps d'aller se baigner. Il est temps d'aller se baigner. D'aller se baigner. Il est temps d'aller se baigner. Il est temps d'aller se baigner. J'entends dire qu'il est temps d'aller se baigner, hein? Donc on va prendre une pause, puis au retour, on va s'acheter d'autres affaires. Non, en fait, il est quelle heure? Oh, il est déjà rendu tard, là! Oui! L'heure, c'est-à-dire 10 minutes passées l'heure la plus récente, en Tendresse? Exactement, t'as tout compris. Au retour, une grosse pointe Tendresse, restez là. À son âge, qui? Pour toi, aujourd'hui. À son âge, qui? Vous êtes à Cibou? 89.1, Trois-Rivières. Vous êtes à Cibou? À Trois-Rivières, c'est le 89.1. Toujours à Assemblage Rocky pour la semaine du 11 juillet 2016. Et Tania Baudin. Avec Mathieu Pan. Et c'est sur notre chanson thème original de Vespérietar qu'on n'a pas joué depuis le mois de décembre passé qu'on a commencé ça aujourd'hui. Hein? Oui, oui, oui. Je me sentais Throwback Tuesday un peu. La deuxième heure avait compris notre chanson thème par Renard Frac. Non, par les résultats, mais la première par Renard Frac. Donc, c'est la dernière heure de l'émission, ce qui veut dire que c'est le moment de manger un petit peu pour se féliciter d'un travail bien accompli ou presque, en tout cas aux deux tiers. Hein? Donc voici une grosse pointe Aldress. Une grosse pointe d'Aldresse, c'est la chronique dans laquelle on achète un produit du tiroir, on y goûte, on l'achète en épicerie en fait, ou en dépanneur, et après ça on mange une chose à la fois, étape par étape, on mange pas les affaires directement dans l'épicerie, c'est un manque de respect. Tout à fait, puis probablement que vous feriez avertir. Oui, ou expulser. Ou expulser. Ça, puis je pense c'est ne pas porter de souliers, je pense, ou de chandail, je pense. Ah ouais? T'as pas le droit d'amener un animal de compagnie, ouais, je pense. Ouais, pas le droit d'animal de compagnie, t'as pas le droit de rentrer en chess dans une épicerie. Oui, chess, ouais. T'as pas le droit de fumer. Pas le droit de skateboard. Oh, pas le droit de skateboard. Et voilà. Pas le droit de patin à roulier. Non. Oh, voilà. Et boum. Donc, le produit qu'on goûte aujourd'hui, je l'ai justement retrouvé en épicerie. Ça m'a vraiment surpris comme produit. En fait, non. Excuse-moi, je l'ai trouvé sur dépanneur. Encore plus. Ah ouais. Mais c'est le genre de produit que je n'avais jamais vu. En fait, c'est le genre de produit que je connaissais. Mais je ne savais pas qu'il y avait une version alternative de ça. Si je te demande, mettons, avec ton expérience que tu as à mes côtés depuis le mois de septembre passé, ma barre de chocolat préférée, celle que j'ai le plus souvent, que j'aime, c'est laquelle? Oh my God! J'ai dit récemment, en plus. C'est pas la caramel? Non. Parce qu'il y a du caramel dedans? Non. Ah non, mais toi, t'aimes vraiment gros le caramel, là? Oui, mais c'est pas au caramel. Son indice, c'est pas au caramel. Oh, Henry? Non, j'en ai parlé en intro d'émission, j'ai fait un jeu de mots avec ça. Ah, j'ai dit tantôt? Qu'on allait éponger quelque chose. Non? C'est éponge enrobée de chocolat. Ah, oh, ben oui, la crunchy. Voilà. C'est pas très bonne à date. Non, je sais, je suis désolée. Pas très bon. Donc, mais je savais pas qu'il y avait une version alternative, c'est-à-dire fabriquée par une autre compagnie de ces barres de chocolat-là. Et j'ai trouvé la barre par la compagnie Mondou de tir éponge enrobée de chocolat. Sponge Toffee Choc... Oh, et attention, c'est pas chocolate covered, Tania. C'est chocolat covered. Oh, chocolat covered. C'est vraiment est-ce fancy. Est-ce que tu crois que c'est une mauvaise traduction ou ils ont voulu se donner un air français? On va leur donner le bénéfice du doute, là, mais... T'as-tu remarqué qu'il y a ça de plus en plus dans les émissions? Ils lâchent des affaires en français pour avoir l'air fancy. Ouais, c'est ça. Moi, je trouve tellement que ça sonne pas bon. Lingerie, tu vois. The lingerie. Mais Chocolat Covered, c'est bien la première fois que j'entends ça de ma vie. Donc, qu'est-ce qu'il y a comme information? En dessous du rabat, je crois qu'il y a les ingrédients. L'enrobage, ça paraît que c'est pas un enrobage professionnel. Il est très, très trop collé. C'est difficile cheap à défaire. Ben, c'est ça, c'est cheap. Hey, défais-le pas? Non, mais je l'ouvre pas, je veux lire ce qu'il y a en dessous. Tu veux m'aider parce que tu sais que je vais tout le détruire. Hein? C'est comme pour un pot de cornichon, faut que je te le pré c'est ça, faut que tu me le pré-slack. You, dit-elle. Dit-il. Donc, ingrédients. You! Sucre, glucose, bicarbonate de sodium, tricalcium de phosphate, pyrophosphate, acide de sodium, évidemment. Arôme artificiel. Le chocolat au lait est composé de sucre, beurre de cacao, substances laitières, chocolat non sucré, lécithine de soya et arôme naturel. Le reste, c'est des informations sur la nutrition. Ça dit que c'est fabriqué à Laval. Ah, les bonbons ouais. Mondou à Laval, au Canada. H7G 4X7, en passant. C'est une barre de 50 grammes. Ça m'a l'air un petit peu plus volumineux qu'une barre crunchy. Je vais aller voir crunchy s'il y a le nombre de milligrammes. De grammes, excuse. Oh! C'est difficile à trouver, ça, les grammes de barre de chocolat. Je pense pas que ça se trouve-tu? C'est 40 grammes habituellement. Si je comprends bien le site d'Amazon.ca, c'est 40 grammes. Ouh! Habituellement, donc on a 50 grammes. C'est quand même un petit peu plus, pas tant que ça. Et il n'y a vraiment aucune autre information à dire, donc je t'en passe une. Je crois qu'elle est cassée dans le milieu, celle-là. Je peux t'en donner une qui n'est pas cassée. Tu veux la casser dans le micro? Correct. Non, ok. Tiens. Attention, hop, je te lance. Oh! Ah, juste passé loin. Tu t'as vraiment pas donné un assez bon élan. Non, je connais pas ma force, fait que j'essaie de comme m'empêcher un peu de trop. T'as raison, hein, c'est cheap un peu comme emballage. Oh, on entend le cheap, là. Ça sonne pas. Ça sonne pas à grand budget, là. Ils ont pas mis le cash sur l'emballage, on va dire. Oh boy! Il fait perdre la barre de chocolat au complet. Attendez. OK. Ah oh non, Mathieu. Qu'est-ce qu'il y a? Elle est pas détruite. Non. Ce sont deux morceaux distincts. Oh! C'est huge! C'est giga. On dirait un A caramel ou un Joe. Oui! C'est vraiment gros. Puis. Gros, spongieux, collant, c'est ça? Et noir. Alors, est-ce qu'on s'en divise un à deux ou tu veux ton propre morceau? Divise en un à deux, dans le micro, parce que je veux savoir si si l'éponge si va vraiment... Si c'est toffee, pour c'est vrai, ça, ouais. Parce que là, ça dit sponge toffee, mais... Oui. Au sacrifice. Ça ne se détruit pas à la main. Est-ce que ça va être capable... Est-ce que je vais être capable de mordre dedans? Je force, là. Je la vois, elle est rouge, j'ai rouge. ça ne se découpe pas à la main. Bon, on va y aller avec les dents, hein? Ouais, c'est ça. Je croque ou... Ouais? Ouais. OK, j'y vais en premier. Okay. Oh, ouais. OK, merci. Tu m'as mis un poil dessus, mon zi. Ah non, pas moi. Franchement. OK, attention, je goûte moi aussi. C'est beau, en tout cas. L'intérieur est vraiment dégradé un peu. Il y a tout le bas du toffee, l'éponge, et le haut. Le haut est comme plus se défait en... Avec la salive se défait, alors que le gros, faut vraiment que tu croques dedans. Il y a ça, il y a les deux dedans. Okay, ça pogne les dents. Tout le temps. Oh, le chocolat a l'air... au lait. Très au lait. Très au lait. Moi, j'aime bien le chocolat noir dans la vie, là. Ça, c'est sucré. Oh! Il y a un petit... C'est pas le même goût que la crunchy du tout. Je pense que c'est dans le chocolat, la différence. Je pense que oui. Je serais portée à dire la même chose, mais on dirait que la réponse crunchy goûte plus. Ça se peut, hein? Je vais aller voir crunchy se fabriquer par quelle compagnie. Chocolat. C'est dur d'écrire de la main gauche. Hein? C'est très dur de croquer présentement. Crunchy est par Cadbury. Donc, c'est pas du chocolat Hershey. Disponibilité, ouais. Ben, j'aime. C'est une bonne imitation. Ouais, quand même. C'est pas mauvais. Non, c'est quand même bon. Mais tu sais, c'est bien qu'on ait mis deux morceaux. Ouais. Parce qu'après un, t'as ton quota, mettons. Puis le deuxième morceau est assez gros pour en prendre une deuxième portion plus tard. Ouais. C'est pas juste une petite portion comme ta gaffe. Non, c'est deux gros bons morceaux, là. Ouais, c'est bon. C'est bon. Mais comme je dis, trouves-tu que l'éponge goûte rien? Un peu. Tu sais, dans la crunchy, l'éponge, ouais, elle a comme un goût. C'est vrai. C'est comme un substitut qui fait la job. Ouais. Comme tous les produits qui sont des substituts qui font la job, les irrésistibles et autres. Moi, je vais toujours m'acheter une crunchy pareille. Surtout qu'ils sont tout le temps en spécial, là, deux pour quelque chose. C'est vrai. Fait que non, je penserais pas passer à celle de Mondou, mais bel essai. Bel essai, mais je dirais que le chocolat encore plus noir serait meilleur. Oui. Moins au lait. C'est ça, tant qu'à faire un substitut pour une autre barre, faites-la encore meilleure pour qu'on ait envie d'acheter votre Mondou. Exact. Je trouve. Mais bon. Je suis d'accord avec toi. C'est pas mauvais, je vais mettre mon pouce au milieu. Ouais, moi aussi. Pouce au milieu. C'est pas mauvais, mais c'est pas si bon que ça. Donc voilà, c'était la barre de Mondou. Toffee, c'est quoi en français dessus? C'est tire éponge enrobée de chocolat. Oui, chocolat covered. Chocolat covered. Donc, deux pouces sur le côté, c'est pas super gagnant. Allons-y avec les nouvelles de fast-food. Un propriétaire de restaurant ignore un tireur qui veut son argent et continue de servir ses clients jusqu'à ce que le voleur s'en aille. Ah! C'est une vidéo de caméra de sécurité d'un restaurant de souvlaki, donc grec, à Christchurch, en Nouvelle-Zélande. Un voleur armé est entré dans le magasin en demandant de l'argent. Malheureusement pour lui, le propriétaire, qui clairement avait vraiment du cran, hein, a continué de servir ses clients en faisant semblant de ne pas voir le voleur. Retournant à la cuisine, le voleur est parti, présumément parce qu'il comprenait pas ce qui se passait. Donc, les gens viennent chercher leur commande, il y a rien qui arrête. Mais les gens sont pas partis, genre? Apparemment que non, la vidéo en ce moment a été enlevée de YouTube. Là, l'utilisateur a supprimé la vidéo, fait que je vous en parle, je vois seulement la capture d'écran et l'article qui l'accompagne. Mais quand même, c'est des gens qui avaient beaucoup de cran. Je sais pas si c'est parce qu'en Nouvelle-Zélande, les gens sont habitués à se faire voler et qu'ils se sentent plus virils. Je sais pas trop. Plus tough. Plus tough un peu. Mais j'avoue que juste à regarder le gars en arrière du comptoir, je l'écœurerais pas dans une ruelle, non? Regarde le bouncer. Ouais. On dirait qu'il est dans minuit du soir, tu sais. Ouais, exact. Et le voleur a juste l'air d'un petit gars genre collégien. Ouais, vraiment, il a l'air d'un gars secondaire qui... C'est ça. Donne-moi mon âme. En tout cas, donc félicitations à ce restaurant grec. Et là, ça me donne vraiment envie de manger. Avec ton voyage tantôt en Grèce à Athènes. Oui, je sais, hein. Je suis désolée. Hey, Tania, je vais t'apprendre quelque chose. Je l'ai appris moi-même en lisant ça. Est-ce que tu sais à quoi sert le trou dans l'outil que tu utilises pour les spaghettis? C'est pas pour laisser l'eau couler? On pense tous que c'est pour laisser l'eau couler. Attends, t'es en train de dire que c'est pas ça? Mais non! Ce n'est pas pour laisser l'eau couler. Ça sert à ça aussi, on s'entend. Mais le trou sert pour te donner une portion de spaghettis bonne pour, je crois que c'est... Une personne. Ça se peut-tu, ça? Je crois que c'est une single personne. Serving of spaghetti. Absolument. Non, voilà, c'est pour ça. C'est pas pour donner l'eau comme on le pensait. Ça peut être les deux. Ah, oh, ben, Moses, là, je viens d'apprendre de quoi. C'est fantastique. Mais ça, sa portion est grosse. Ah, mais c'est du gros spaghetti, c'est pas du spaghettini, là. OK. Le spaghettini, tu t'en mettrais... Ça serait une portion pour deux, probablement. Mais... Probablement. Ensuite, tiens, quand tu te réveilles le matin, qu'est-ce que tu fais? Tu prends du café? Oui. Il y en a qui vont aussi demander une fellation. Quoi? Hein? Donc, en Suisse, à Genève, le Fellatio Café va ouvrir. Mais non! Plus tard cette année. La prostitution, c'est légal en Suisse, savais-tu ça? Je savais pas ça. C'est même fourni aux travailleurs qui... À Vegas aussi. Et à Vegas. Oui, c'est vrai. C'est surveillé. C'est vrai? Oh oui. Donc, il faut que les personnes qui travaillent dans les maisons de prostitution, peu importe, aient un permis. OK. Le service va coûter 60 francs suisses, donc 61 $ américains. Et les gens vont pouvoir choisir une prostituée à partir d'un iPad. Pareil comme dans les McDo, là. Non. Sur des forges, t'es rendu ça, hein? Oui. Le menu avec un écran, c'est pareil, mais pour les prostituées. C'est dégueulasse. Donc, Bradley Chevet, ou Chavit, de Face Girl, qui est la firme derrière le café, a dit à un journal suisse, Le Matin, que les hommes vont pouvoir commander un verre et ensuite se mettre confortable au bar du café. Donc, ça, ils disent que ça copie des cafés similaires qui sont situés en Thaïlande. En 5 ou 10 minutes, la transaction est terminée. Il y a eu la fellation, il y a eu son café. T'es correct, tu peux même le prendre le reste pour emporter, j'imagine. Mais voyons donc. Qu'est-ce qui se passe au bar? Ça le dit pas, mais j'imagine que la fille vient te chercher ou quelqu'un vient te chercher et t'amène à la fille, quelque chose comme ça. Je pourrais pas dire, mais... Ouais, mais qu'est-ce que tu fais si la personne prend pas de café? C'est, même l'article le dit, là. Peut-être un jus de fruits. Non. Si la personne prend pas de café, pas de smoothie aux fruits ou pas de jus. C'est comme si, mettons, tu vas dans un restaurant, là, puis que tout vient en trio, puis tu demandes pas de frites, là. Ouais. Et tu vas pas payer moins cher. La plupart du temps, tu vas juste pas prendre de frites ou pas prendre de liqueur. Ouais. Fait que tu prends pas de café, mais t'as le même prix. Ou tu y vas, puis tu demandes pas de fellation. Ou tu prends. Ouais. Ça va coûter cher pour juste le gars, il sait pas qu'il rentre là. Ouais, est-ce que je peux-tu prendre un café, puis la fille. Mais tu sais, faites attention à... On se calme, jeune madame. Faites une Chantal Larousse, là, la croix, Chantal. Ouais. De vous-même. Qu'est-ce prenez un café et donnez-le au suivant. Hein? Ou la fellation, c'est vraiment comme vous voulez. Mais donnez, ça dépend. Donnez fellation, pas une fellation à un autre. Mais est-ce que le café est seulement ouvert pour les hommes? Ouh! Oh, bonne question aussi. Je sais pas. C'est pas écrit. J'ai pas fait plus de recherches. Non, c'est parce que c'est pas mon genre de place. Je trouvais que le café était très beau sur l'image, donc ça m'a comblé. Comme ça. Oui. L'article vient du Mirror, qui est un journal un petit peu tabloïd au Royaume-Uni, donc je prendrais ça avec un grain de sel, mais ça a l'air vrai. Ça veut pas dire que tous les détails le sont. Moi, ouais, c'est ça. Ensuite. Tiens, les arcs-en-ciel étaient beaucoup à la mode il y a quelques mois. Oui. On a parlé d'un bagel arc-en-ciel. Maquillage arc-en-ciel. Oui, crème glacée arc-en-ciel, je pense. Crème glacée arc-en-ciel. Il y en avait plein. Il y en avait vraiment beaucoup. Des céréales à l'arc-en-ciel. Oui. Bref, plein de choses. Maintenant, la nouvelle mode est à tout ce qui est noir. Hey, c'est vrai le pire, j'ai vu ça récemment. Hey, ma crème pour la face est faite avec du charbon magnétique. C'est noir. Tu frottes, ça devient du savon blanc. C'est écœurant. C'est à la mode, le noir. C'est à la mode. Donc, crème glacée. All black every day. Once you go black, you never go back. Donc, c'est de la crème glacée couleur charbon. Cold black ice cream. Vendu par Morgenstern's Finest Ice Cream à New York. Les colorants vont colorer vos langues et vos lèvres noires. Non. Ça goûte apparemment la cendre de noix de coco. C'est fait à partir des restes d'une coquille de noix de coco qui est ensuite brûlée et processée, peu importe. Le charred qu'on appelle. Charred, c'est comme un genre de calciné, si on veut. Donc, c'est ça. Ça donne de la crème glacée noire. La saveur, est-ce que ça dit pas la saveur dans l'article? Malheureusement. Ça dit que non, c'est tout. Il y a même pas aucun détail. Je suis en train de lire l'article, puis honnêtement, c'est des jokes. Ça parle zéro de la crème glacée. Ce site-là fait ça tout le temps. Puis c'est vraiment troublant ce qu'ils disent. C'est gizmologie, ça. En tout cas, ils font tout le temps ça. Donc la saveur s'appelle chocolate hash. Ça doit goûter vraiment la noix de coco. Tu dois pas vraiment triper, c'est comme tu t'en vas pas une date puis manger de la crème glacée noire. Là. Non, mais tu sais, un peu comme un burger noir ou quelque chose comme ça, tu le fais pour l'essayer une fois. Ouais. C'est comme l'effet nouveauté, l'effet novelty que chaque client va laisser une fois puis vont se faire un bundle de cash là-dessus puis vont rester. Ça va tomber, voilà. C'est ça. Ensuite, chez Buffalo Wild Wings, intéressant, c'est un restaurant de Del Picante, bien sûr, Buffalo Wild Wings, qui ajoute une garantie 15 minutes à leur menu du midi. Donc c'est leur B-Dubs Fast Break. Break lunch menu avec une garantie, une promesse qu'ils vont livrer votre repas à l'intérieur de 15 minutes, sinon ça va être gratuit. Et ils vont en plus rajouter une boisson fontaine si ça prend plus que 15 minutes. C'est disponible du lundi au vendredi entre 11h et 14h. 11h et 14h. Et ça s'applique seulement aux gens, au groupe pardon, de 6 et moins qui viennent manger au restaurant et qui commandent sur le menu Fast Break Lunch Menu. C'est des trucs qui sont probablement un peu déjà préparé à l'avance, qui font seulement réchauffer. Là. Sachez-le que quand il y a une garantie de temps, il n'y a pas de garantie de qualité. Non, c'est vrai. Quand il y a une garantie de prix pas cher, il n'y a pas de garantie de qualité. Mm. Il faut que tu choisisses. C'est comme la CAF ici. Oh shit! Donc, c'est quoi la phrase qu'on dit? C'est qualité, prix et rapidité, choisis-en deux. Genre. C'est à peu près ça. Donc, les serveurs ont un chronomètre qui vont laisser... Aussitôt qu'ils quittent la table, ils vont partir le chronomètre et vont arrêter le timer quand la nourriture arrive. Le chronomètre, j'imagine, reste sur la table. Les invités qui ne reçoivent pas leur repas en 15 minutes ont droit à leur repas gratuit et comme jus de boisson en fontaine. Selon leur recherche, plusieurs invités ont seulement 30 à 40 minutes pour leur heure de dîner. Donc, quand ils entrent au restaurant, c'est ça, dans le fond, ils ont pris leurs 20 minutes environ, mettons, pour arriver sur place. Il leur reste 30 à 40 minutes pour manger. Donc, le menu est arrivé l'année passée pour ces gens-là. Et puis, la garantie a donné un petit push de plus à leur menu midi. C'est chez Buffalo Wild Wings, B-Dubs. Ensuite, chez Domino's, au Royaume-Uni, on amène un sofa qui ressemble à une pizza. Pour ceux qui rêvent de manger une pointe de pizza assis sur une grosse pointe de pizza, Domino's au Royaume-Uni arrive avec le Pizza Boy Sofa. Donc, c'est un sofa qui va sur le terrain, sur le gazon, dans votre pièce, dans votre maison, peu importe, mais il est au sol, il n'est pas surélevé. Ouais. C'est comme un genre de tapis, si on veut. C'est un demi-cercle avec un pad, là, comme un tapis de gym, si on veut, avec l'apparence d'un fromage fondu, de la sauce, pepperoni. Les pepperonis sont des coussins. Ah, OK. Et la croûte à l'extérieur est faite pour s'accoter dessus. C'est comme un immense coussin, ça aussi. Oui, absolument. Et même que tu vois le fromage à l'intérieur, parce que la pizza, dans le fond, est comme coupée en deux, si on veut. Donc, on voit l'intérieur du fromage. Et il y a des oreillers avec le logo de Domino's UK dessus. Le Pizza Boy Sofa récemment a fait une petite apparition spéciale au Isle of Wight Music Festival au Royaume-Uni. Mais pour l'instant, la chaîne ne le vend pas encore. Ils en ont donné un à un concours, à un fan chanceux lors d'un concours sur leurs réseaux sociaux. Donc, c'est ça. Ah! Très intéressant. Ensuite, intéressant sarcastiquement ici. Le prochain, c'est un... Tu sais, la mode depuis des années, vraiment des années, est au gâteau de fête dans les friandises. Oh mon Dieu, oui. Oreo a célébré son centième anniversaire avec un biscuit au gâteau de fête. Starbucks a célébré son 20e anniversaire du Frappuccino avec une version au gâteau de fête. Les bonbons Airheads pour enfants ont sorti une version au gâteau pour leur 30e anniversaire. Donc, une autre chaîne célèbre son anniversaire, c'est... c'est Slurpee. Des slots. C'est des slots chez 7-Eleven. Donc, qui célèbre son 50e anniversaire avec Birthday Cake Slurpee. C'est le nom, leur marque. Nous, on a slush, S-L-O-C-H-E. Eux autres, c'est une Slurpee. Donc, la saveur est produite par Fanta. Yeah boy. Fanta. C'est une combinaison donc de gâteau de fête traditionnel et de saveur de crème vanille. On peut essayer la nouvelle saveur ou n'importe quelle saveur. On pouvait les essayer gratuitement le 11 juillet. Maintenant, c'est passé. Donc voilà. Ensuite, de toute façon, on n'a pas ça au Québec, malheureusement. Subway aux États-Unis maintenant teste des pains bretzel, un peu comme chez Wendy's. Et c'est quel autre restaurant qui avait des pains bretzel? Il y en avait plusieurs. C'est IW ou... Pizza Hut? Non, Dollar Burger. Pain bretzel avec le petit X dessus, là, qui est comme vraiment plus dur. Ben, il n'y a pas eu McDonald's qui a eu ça, maintenant? Je pense que c'est McDonald's. Donc, c'est Subway qui laissait maintenant des pretzel rolls, ainsi que de la moutarde locale à la Pennsylvanie. Ah, ouais. Oui, donc c'est dans le centre de la Pennsylvanie, un pain bretzel rond avec une sauce à tremper, Hurlockers Dipping Mustard. Donc, la forme du pain est complètement différente par rapport au pain long de chez Subway, absolument. Mm-hmm. En plus, le sandwich contient 50% plus de viande lorsque comparé à un 6 pouces normal. Donc, dans le fond, il y a le contenu de 12 pouces dans un 6 pouces. Ça a l'air tellement bon, pour vrai, là, ça a l'air vraiment bon. Deux variétés, le Artisan Pretzel Roll est le nom de la lignée de sandwich. Donc, il y a le Ham Pretzel Melt et le Turkey Pretzel Melt. On peut choisir, évidemment, le fromage et les légumes qu'on veut. Les nouveaux sandwichs sont offerts pour un temps limité et vont rendre hommage, en fait, aux racines allemandes de la ville... du sort de la Pennsylvanie. Hurlockers Dipping Mustard, disponible nationalement aux États-Unis, a aussi des racines en Pennsylvanie, donc c'est pour ça qu'on fait ça. Moi, je mangerais ça n'importe quand, là. Surtout que je prends tout le temps un 12 pouces, là, ça me remplirait vraiment bien ce pain-là, bretzel, miam, miam, miam, miam. Un petit spotted maintenant, quelques trucs qu'on a vus aux États-Unis encore. On commence par des chips à saveur de saucisse italienne. C'est encore une fois chez 7-Eleven, les mêmes que le Slurpee de tout à l'heure. C'est marqué Certified Rockin' Flavor, donc une saveur qui rock. J'aurais jamais pensé voir des chips ou à la saucisse italienne piquante. Moi non plus. Ils ont aussi sorti celle au compte levé, mais ça, c'est un petit peu plus traditionnel pour nous. Est-ce que tu connais les chocolats carrés Ritter Sport? Ah, ça me dit quelque chose, ça. Il y en a dans les grandes chaînes, le genre Walmart, et on en voit dans les clubs Vidéotron aussi. Là. C'est tout le temps, ils ont tout le temps ça. Quoique maintenant qu'ils ont un restaurant de 10% de leur superficie, ils ont peut-être éliminé leur chocolat Ritter. Mais il y avait ça avant. Ils ont des nouvelles saveurs. Ah ouais? Ritter Sport, c'est vraiment comme des petits carrés de chocolat, c'est super bon. Ici, on voit chocolat au lait avec tortilla de maïs en croustille. Oh, OK. Il y a des Tostitos dans les carrés de chocolat. Ah, ouais. Ils ont aussi chocolat au lait avec amandes salées et miel et noix de macadamia, des trucs plus traditionnels. Mais c'est comme fou la mode, hein, ça, tout ce qui est salé et sucré en même temps en bouche, comme ça, ding-dang. Je souhaite que ça n'arrête jamais. Non. Parce que ce sont mes saveurs préférées. McDonald's essaie une nouvelle saveur, une nouvelle façon de faire leurs chaussons aux pommes avec de vraies tranches de pommes. Des vraies tranches, on les voit vraiment physiquement dans le chausson. Donc, ils testent cette nouvelle recette pour leur baked apple pie. Donc, eux autres, ils appellent ça une tarte aux pommes au four. Nous, on appelle ça un chausson aux pommes. C'est en Caroline, en Caroline du Nord au sud de la Californie. Les nouvelles tartes, nos chaussons sont remplis de tranches de pommes à la place d'être mises en dés. Et ça vient avec un dessus en fente pour qu'on puisse voir l'intérieur. Un peu comme un vrai... c'est quoi les pâtisseries qui ont ça? Pas un millefeuille. Les pâtisseries, c'est comme un genre de chausson, mais plus... Mais non, ça doit s'appeler un chausson pareil. Ben sûrement. Un turnover. Ah, en anglais, un turnover. Donc, avec ce test-là, on dit que les chaussons pommes ne sont plus disponibles, les traditionnels, dans le sud de la Californie. Ça les a remplacés. C'est disponible pour seulement 89 cents par chausson. J'imagine que, comme d'habitude, tu as un spécial 2 pour 1,50 ou quelque chose comme ça. Allez voir leur photo pour la version traditionnelle, qui est la photo du bas, et la nouvelle version, qui est la photo du haut. Et dites-moi lequel a l'air le plus appétissant. J'avoue que les deux ont l'air vraiment appétissants. Mm-hmm. J'en veux un de chaque, s'il te plaît. Ça a l'air vraiment très bon. Ah, wow. Tarte, pointe, oui. Tarte, pointe. Chausson. Chausson. Chez McDonald's, c'est sûrement ce qu'ils font de meilleur. Bon. C'est dit. Chausson au bleuet, chausson au. C'était quoi au caramel et à l'érable. Crème et érable. Érable et crème. Okay. C'est super bon. On retourne chez Starbucks qui ajoute une nouvelle option à leur frappuccino. Ça s'appelle l'affogato. Est-ce que tu connais ce que c'est un affogato? Non, aucune idée. C'est quand tu te fais un frappuccino normal, mais que tu demandes d'ajouter un coulis de café dessus. OK. C'est un dessert, en fait. OK. Starbucks donc s'inspire de l'affogato, qui est un dessert italien. C'est du gelato avec un shooter d'espresso versé sur le dessus. Donc, ils vont maintenant offrir des frappuccinos style affogato. C'est donc un frappuccino traditionnel avec un shooter d'espresso versé sur le dessus. C'est versé sur le dessus de la crème fouettée. Donc, ça rajoute un petit kick de café de plus et une belle apparence. L'affogato style chez Starbucks est disponible seulement sur n'importe quel frappuccino. Mais mise en vedette, oui, avec trois saveurs différentes, donc vanille, caramel et mocha. On peut le commander dans les Starbucks des États-Unis et du Canada tout l'été, donc c'est disponible ici. Il y a aussi la chaîne de Coffee Bean qui a introduit un produit similaire l'an dernier, mais c'était pour un temps limité. J'imagine que c'est limité chez Starbucks aussi. Mais l'idée est vraiment bonne. Pour vrai, je suis allé dans un restaurant de banana split hier. Mm-hmm. Et le petit sirop de chocolat versé, là, t'sais, ça faisait vraiment une grosse différence. Donc j'imagine qu'un... sur la crème fouettée, un petit coulis de café, c'est encore meilleur. C'est sûr que oui. Ensuite, on va chez Dunkin' Donuts en Corée qui nous sort un beignet en forme d'ananas. Dunkin' Donuts qui a donc un trio de beignets fruités pour l'été, dont le Pina Colada Donut qui est en forme d'ananas et c'est en Corée du Sud. En plus de la forme intéressante, le Fine Coconut Donut vient avec un double remplissage de noix de coco et d'ananas. Mm-hmm. La sélection donc saisonnière est complétée par le Lemon Tart Donut, donc tarte au citron, et Peach Tart Donut, une tarte aux pêches. Les deux sont sur une pâtisserie style danoise, avec un petit peu de remplissage de on dirait une confiture de fruits qui remplit le centre de chaque peigne. Ça a l'air délicieux. La forme est belle. Ouais. C'est le fun. Ça fait enfantin un peu. On retourne chez McDonald's qui donne maintenant au Michigan son propre chausson fait de cerises locales. Miam! Donc c'est les nouveaux Cherries and Cream. Dans le Michigan, c'est fait à partir de cerises cueillies au Michigan. Ça ressemble étrangement à leur Strawberry and Cream Pie qui a été offert dans certains endroits aux États-Unis avec mais à la place d'avoir de la fraise, c'est évidemment de la cerise. Le prix des chaussons est aligné avec le reste, donc 89 cents par chausson. Une majorité des cerises amères, donc 75% environ, celles qui sont utilisées pour les tartes, les jus et les comment t'appelles ça? Les pots, ceux que tu mets en pot, là. Pas marinade, c'est sûr que tu mets en pot, les fruits en pot. Confiture? Non. Des conserves. Conserves? Des conserves. Une conserve, c'est confiture, quasiment? Non, je pense pas, je pense qu'il y a une différence. Non? OK. C'est pas grave. Mais en anglais, on appelle ça un preserve. Confit, mettons? Non, je pense que c'est pas la même chose. Ah, d'accord. Bref. C'est pas n'importe quoi. Donc, apparemment, 75% de ces cerises-là, un petit peu plus amères aux États-Unis, poussent dans l'État du Michigan. Donc, c'est très probable que votre McDonald's sert des chaussons à la cerise, elles soient de toute façon faites avec des cerises du Michigan, parce que, comme je disais, 75% de ça est de toute façon du Michigan. Kenneth va nous ouvrir un beau petit café à céréales super fancy à New York pour servir des Frosted Flakes fancy. Wow! Donc, elle vient d'ouvrir son premier upscale cereal bar, ce qu'ils appellent en fait un café à céréales à New York City. On peut s'acheter un bol de votre céréale Kellogg préféré avec des ingrédients choisis par les chefs comme zeste de lime, poudre de thé vert et du thym. Du thym. Ah ouais. À la place d'être un pop-up, c'est pas un restaurant temporaire. Le Kellogg's New York City Café est en fait une boutique permanente qui est supposée amener donc de l'intérêt et de l'intrigue envers les céréales de Kellogg's. Les céréales, en général, le déjeuner sont en baisse de popularité, ce qui me surprend. J'en mange plus que jamais. J'adore les céréales. Je trouve que c'est le meilleur déjeuner et de loin. Peut-être en dessous des gaufres, par contre, maintenant que je pense. Ah, c'est difficile. Ouais, peut-être. Le sondage donne toast au bord de pinch, je pense. Le numéro 1. Donc, c'est ça, il y a plusieurs garnitures qu'on peut mettre, entre autres de la crème glacée, des jus, du lait, du café produit localement. Les bols de céréales, il y a des créations en fait de différents chefs connus par les gens qui connaissent les chefs, j'imagine. Christina Tossi de Momofuku Milk Bar. Il y a aussi des options qu'on peut créer soi-même. Les prix sont pour les touristes, donc ça commence cher, $6.50 pour un petit bol. Exemple de bol de céréales, t'as Pistachio Lemon, donc c'est des céréales spécial cup avec des Frosted Flakes de Kellogg's, des pistaches, un zeste de citron et du thym. T'as Berry Me in Green Tea, qui est composé de céréales Rice Krispies de Kellogg's, des fraises fraîches et de la poudre de thé vert. Miam. Miam. Et t'as finalement la Chai Lime, qui est des Crispix de Kellogg's, qu'on n'a pas vraiment ici, je pense, des pêches fraîches et de la poudre de thé chai. Vous pouvez voir le menu au complet, un menu qui va changer à chaque 3 mois. Ça s'appelle donc le restaurant Kellogg's NYC. Il n'y a pas le nom café, ben, il s'appelle eux-mêmes un café, mais c'est pas dans le nom officiel. Ouais. Donc Kellogg's NYC, allez voir ça, moi ça m'intéresse tellement, je veux voir ça, je vais y aller. Maintenant, petite recette, comment fabriquer vos propres balles de dragon au Jell-O? Alors, on a déjà parlé de balles Dragon Ball qui se mangeaient. Maintenant, il y a une version en Jell-O facile à faire. Il y a une petite vidéo de démonstration pour vous montrer comment faire. La recette est sur Aggressive Comics. Oh, quand il y a de la musique heavy metal là-dedans. Yeah. Hein? Oh! Donc, on prend... Le... C'est quoi? Ils nous ont même pas montré c'était quoi. C'est des cerises? Oui, c'est des cerises. Oui. On coupe les cerises en tranches. On prend un petit emporte-pièce en étoile. On fait des formes d'étoiles dans nos cerises. Ça donne des cerises en étoile. Jusque-là, ça va bien? Oui. Les oiseaux sur le métal, ça va très bien. On prend du Jell-O à l'orange, poudre de Jell-O, on verse ça dans un bol. Gélatine, on verse ça aussi dans un bol, la gélatine qu'on achète dans le commerce, là, sous le nom de gélatine. On c'est verse de l'eau chaude. C'est genre parce que c'est le DIY. Qu'est-ce qui est le plus métal du monde? Oh, les oiseaux. C'est vraiment genre le fais-le toi-même le plus métal que j'ai vraiment, entendu de ma vie. Vraiment, OK, donc on a mis de l'eau chaude jusqu'à maintenant, on était rendu à brasser ça. On brasse ça. On va prendre une balle, donc en plastique. On va qui est faite pour ça, d'après moi. Mais je pense en fait que c'est une balle... on dirait une balle qui est achetée dans un magasin de jouets. Ah, peut-être avec quelque chose dedans pour peut-être hocher, quelque chose comme ça. On dirait une grenade. Oui, c'est vrai. Donc, il a mis l'étoile au fond. Après ça, il a ouvert... il a fermé la balle qui est hermétiquement scellée. Mm-hmm. Là, il verse son mélange qui est fait avec l'eau chaude dedans. L'étoile va rester au fond. Mm-hmm. Et ça, ou j'imagine il va peut-être flotter au milieu. En tout cas, peu importe. Non, elle reste au fond. Elle reste au fond. Et ça va faire des boules de Jell-O avec une étoile dedans. Métal! Ça, c'est métal! On ferme. Étoile. Deux étoiles dans celle-là. Oh, là, c'est gâté. Il verse le mélange de Jell-O avec la gélatine. Là, il a fait 4, 5 grenades, 6 grenades, 7 grenades. Réfrigérateur pendant 4 heures. On les met dans un bol, on les sort de leur plastique et soudainement, on a des balles étoilées de Jell-O. C'est super Dragon Ball. C'est ça. C'était métal. On était rendu à parler d'une autre recette, en fait. Tu te souviens peut-être... Est-ce que c'était avec toi, avec Clinton? Je crois que c'était avec toi. On avait parlé de Mac and Cheetos. C'était... C'est avec moi? Avec toi, donc... Ben... Non, je pense que c'est avec Lintan, mais je l'ai entendu. Ah, d'accord. Donc, on avait parlé il y a quelques temps de cela de Burger King qui avait sorti des Mac and Cheetos. Ah, ben non, c'était avec moi. Je pense que c'était avec toi. Donc, à l'extérieur, c'est comme de la poudre de Cheetos. À l'intérieur, c'est du macaroni au fromage. Donc, t'achètes ça chez Burger King, c'est un à côté, mettons. Mm-hmm. Tu manges ça, tu peux même tremper ça dans une sauce au fromage. Ça a l'air super bon. Maintenant, healthy. Et là, c'est un jeu de mots healthy, mais comme hell, comme enfer. Mm. Healthy junk food offre son propre twist sur cette concoction en combinant du cheddar fort en copeaux, du Velveeta, du mascarpone et du macaroni avec deux saveurs de Cheetos qu'on fait ensuite tomber dans la friteuse. Le résultat s'appelle Deep Fried Mac and Cheddar Mascarpone Velveeta Extra Flaming Hot Cheetos. Ça goûte apparemment super bon. Allez voir la recette. Je me demande si c'est métal, cette recette-là, par contre. Parce que si c'est pas métal, je veux pas l'écouter au complet. Je pense que non. Et même pas métal, c'est plat. So we ended up adding Velveeta. Non, mais faut que tu sautes un peu, là. C'est tellement cheesy. Regular Cheeto Puffs. Oh, ils ont comme un petit beat oui. En plus. C'est vraiment comme genre bleu nuitos. Vraiment? Mais tu vois qu'ils font du Flaming Hot, donc ils ont vraiment pris des Cheetos et ils ont mis en poudre. Ouais. On les fait congeler. Oh mon dieu, ok, c'est comme un. Même pendant la vidéo, un petit peu plus loin, là, t'as des ralentis comme dans les films. Oh, ça a l'air tellement bon! 350 degrés ou quelque chose là, de plus bas que ça, c'est ce qu'ils disent. Et servir avec du fromage là, fondu. Oh, il est métal! Oh, yeah! Oh, yeah! C'est fou la mode, les You rock! Aren't you hey, 540 calories pour celle-là versus 310 chez BK. Healthy. Chez Burger King. Ouais, mais BK, c'est pour un ou pour plusieurs? La même quantité, je pense. Pour 5? Cheers to mac and Cheetos. Guys, you made like a plate full of turds. They're gonna be the tastiest ones I've ever had. Here in healthy junk food, we're thinking about, you know... Bon, on n'écoutera pas la vidéo complète sur les ondes FM, mais allez voir ça, c'est sur assemblagerequis.com, ou en tout cas... C'est le genre de choses que j'aimerais bien me faire si j'étais pas aussi paresseux. On parle souvent de Keurig. Oui. On a parlé de c'était quoi des tortillas qu'on pouvait faire dans une machine. On pouvait faire. Il y avait du weed, du pot dans une machine oui. Comme ça. Ouais. Il y en avait plein. Bref. Vraiment. Maintenant, on parle d'une machine pour faire des jus. Mais oui, évidemment, rien de moins. À la Keurig, ben oui. Donc, c'est comme un Keurig, c'est un système à chargement, mais c'est des pochettes de fruits. Donc, tu vois, la pochette de plastique qui est attachée après des pegs, des petits trucs pour accrocher. Là-dedans, il y a le jus et la machine va vider le sac dans le verre. Donc, ça permet de faire des mélanges nutritifs et délicieux avec des fruits naturels et des jus de légumes. Ça s'appelle le Juicero, J-U-I-C-E-R-O. Le site ne veut pas charger en ce moment. Attention, donc c'est pour faire du jus biologique pressé à froid à la maison chaque jour en appuyant sur un bouton. C'est le premier système de jus, de juicer, là, machine à jus, qu'on peut faire à la maison. Dans le fond, automatisé, j'imagine. Laissez faire le nettoyage, laissez faire couper vos fruits, laissez faire tous les stress et buvez du jus de fruits frais sur demande. Voilà. Les packs, donc ça dit que la presse en tant que telle, c'est, elle est faite pour être dans ce côté aspect nutritif. Ça dit que ça prend vos fruits frais et ça les envoie dans le sac, dans le verre en quelques minutes. C'est puissant, rapide, sans effort, zéro nettoyage. Alors que les packs, c'est les petites, les sacs dans le fond, c'est rempli de fruits et de légumes organiques, rien d'autre. Pas d'eau, pas d'agent de conservation, pas d'additifs. Nos fruits et légumes sont récoltés, lavés, coupés et livrés en quelques jours de leur récolte. Ah, oh, mon Dieu! Donc voilà, si ça vous intéresse, juicehero.com, J-U-I-C-E-R-O.com. On va aller voir le prix pour le fun. Ah! Il n'est pas encore sorti. Pas de prix. Pas de prix! C'est pas sorti. Ben, moi j'en ai un ici. Non, mais pour rien, où pour ça? Pour le Cold Press Juicer, hein? Qui est de 700$. Mais boy! Ah, ouais! Ouais! OK! C'est quelque chose? Oui, hein? oui. On s'entend, là, ça presse une petite pochette. C'est ça. Ça te presse le portefeuille. Et aussi. Le Japon va avoir son propre café à thématique Kirby. Tu connais Kirby, le petit fantôme rose de Nintendo, truc? Ouais. Il jouait pas dans Pokémon, là? Ben non, ah oui, Kirby était dans Pokémon. Kirby est pas dans Pokémon. OK, tu connais plus Pokémon que moi. Non, mais sérieusement, là, tu vas faire rire de toi par notre public. C'est sûr. Là. J'ai jamais aimé les Pokémon. Je suis même plus capable d'en voir partout sur mon Facebook, je te jure. C'est vrai que c'est vraiment agressant, le Pokémon Go en ce moment. Quand même TVA en parle, puis que ma mère m'écrit pour me dire « Hey, as-tu joué à Pokémon Go? » Pour vrai, anecdote, c'est que c'est rendu mainstream en tabarlouche. J'ai dit tabarlouche. C'est correct. Bon, donc, quand on passe à Nintendo, on passe à Mario, on passe à Donkey Kong, Zelda, tu sais, Link, bon. Kirby, des fois, certains y pensent. C'est toutes des franchises, bon, populaires un petit peu moins que les autres, mais quand même. Par contre, Kirby est plus populaire au Japon qu'ici. On a annoncé récemment sur Twitter que café à thématique Kirby allait ouvrir au mois d'août. Donc, il n'y a pas vraiment plus d'informations que ça. C'est un café thématique Kirby qui vont ouvrir au mois d'août. C'est pas mal tout ce qu'il y a à dire. Site web officiel sur kirbycafe.jp ou encore kirbycafe.jp sur Twitter. Il faut connaître le japonais. J'imagine qu'il va y avoir des plats avec des noms de Kirby, les couleurs peut-être. Ça va ressembler à une bulle rose peut-être. Ou peut-être, je sais pas, les sièges vont peut-être être des Kirby. Je sais pas. Il pourrait y avoir plein de choses. Ensuite, idée assez intéressante. Tu connais M. Pitat? Ben oui, il connaît M. Pitat, qui est de retour, mais avec une version un petit peu tordue. Hey, mon Dieu! Ouais, pour une bonne cause, en fait. Donc, M. Pitat, qui est bien connu par les enfants depuis 1952, a été présenté par Hasbro. C'est une façon de déguiser pour elle. Peut-être que tu ne savais pas, j'ai appris ça quand même récemment, qu'à l'origine, c'était un déguisement en punaise. C'était utilisé pour déguiser de vraies patates. Ah ouais? Donc, t'avais des yeux, une bouche, un nez, des oreilles, pour mettre sur tes patates en tant que telles. C'était pas, ça venait pas qu'une patate en plastique. Ok. Je te jure. C'est même pas une joke. Et boy. Donc, l'incarnation qu'on a en ce moment date de 1964. C'est devenu un des jouets les plus populaires de tous les temps. Maintenant, il y a encore un autre redesign selon Gizmodo en partenariat avec une chaîne d'épicerie qui s'appelle Asda au Royaume-Uni. Hasbro a sorti une version édition limitée qui ressemble un petit peu à une patate tout croche. Oui. Et le nouveau design est fait pour attirer l'attention au fait que les patates ou les légumes, en fait, n'importe quel légume, croche. Sont souvent oubliés et pas achetés par les gens. Il n'y avait pas une épicerie au Québec à un moment donné qui avait sorti des emballages de légumes croches. Oui, il me semble que oui. Je pense que c'était au Québec. Il me semble que c'était pas Super C, c'était quelque chose de Maxi, ou en tout cas quelque chose comme ça. Ben, c'est un peu le même principe. Bref, une patate croche pour vous montrer que la patate, même si elle est croche, elle reste bonne. Bon, hein? Ils ont mis aux enchères cette Monsieur Patate sur eBay Royaume-Uni. L'argent allait à Fair Share, une charité qui distribue des surplus de nourriture à ceux qui en ont besoin. Ça se termine l'enchère le 3 juillet. C'est terminé déjà. Et on ne sait pas si le jouet va être produit en plus grande quantité. Sa moustache est tout petite. Pourquoi? Il y a toute une petite moustache. On dirait que c'est quand même pas de la même grosseur qu'à l'habitude. Ensuite, On a parlé tantôt de Hostess et leur produit Twinkie. On avait dit que Hostess fabriquait quelques produits au Canada qui n'étaient pas et que ça n'avait pas rapport avec la compagnie qui fabriquait les Twinkies. Bref, il y a un Twinkie vieux de 40 ans qui vit encore et qui est encore en forme dans une école secondaire du Maine. Twinkie, pour ceux qui connaissent pas la référence, ça ressemble un petit peu, je dirais, à un, peut-être pas un May West, pas un Joey. C'est quoi celui avec la crème à vanille? Un May West. Un May West à la vanille. Demi-lune. Demi-lune. Une demi-lune. Mais sauf qu'à la place d'être en forme de demi-lune, c'est en forme de cylindre ouais. classique. C'est la même chose, le même genre de goût avec la même crème dedans. Bref, on dit que les Twinkies ont une vie tablette de 45 jours. Mais c'est rempli d'agents de conservation, donc on se demandait si ça allait durer plus longtemps que 45 jours. Et apparemment que c'est 40 ans et plus selon une étude d'une école secondaire de Blue Hill dans le Maine. Un Twinkie récolté par un professeur, un instructeur de chimie en 1976 en tant qu'expérience de science est toujours là aujourd'hui. ABC News a parlé à Roger Benatti, professeur maintenant à la retraite, qui a lancé son expérience en travaillant à la George Stevens Academy de Blue Hill. Il enseignait une leçon sur les agents de conservation et sur la vie de tablettes des produits. Et un étudiant lui a demandé combien de temps durait un Twinkie. Benatti ne connaissait pas la réponse, mais il voulait le savoir, donc il a donné à ses étudiants quelques dollars. Ils sont partis au magasin, littéralement, pour aller chercher un emballage de deux Twinkies. Benatti a ouvert l'emballage, en a mangé un des deux, et a placé le deuxième sur le dessus du tableau. Oh pas sous une cloche ou rien, là, en vitre. Non, non, sur le dessus du tableau. Les étudiants de chimie de M. Benatti ont commencé à finir leur cours. Finalement, ils ont fini par graduer. Ouais. Mais le Twinkie est resté là pendant des décennies. Benatti a pris sa retraite en 2005, a passé le bâton, le Twinkie, au doyen des étudiants, à la doyenne Libby Rosemeyer, qui elle-même était dans la classe de M. Benatti en 1976. Wow. C'est vraiment une histoire assez impressionnante. Aujourd'hui, le gâteau est dans une cloche de verre, là, comme il aurait dû faire depuis le début, dans le bureau de Rosemeyer. Et ça a mis George Stevens Academy sur la map. Wow. Benatti ne dit pas qu'on devrait tester le Twinkie pour y goûter. Il a parlé à NPR en 2005. Il dit que le gâteau était toujours très poussiéreux. C'est ça, il était sur le dessus du tableau. Mais tu sais, on s'entend. Tu sais, en tout cas, bref, il dit « Je dois admettre que depuis la dernière année, étant donné sa célébrité au Twinkie, il a été enlevé de la cloche et montré plus souvent depuis la dernière année que depuis les 30 dernières années. Donc, il commence à s'exfolier un petit peu. Il commence à faire des flocons. Il est un petit peu plus tellement jaune, un petit peu poussiéreux et le dessous a l'air d'être un petit peu peut-être moisi, mais juste un petit peu, juste en dessous, qui dit. Wow. Même si M. Benatti enseignait la science, il n'a pas réussi à expliquer à l'animatrice de NPR pourquoi le Twinkie n'était pas couvert de verre ou de mousse verte. Son hypothèse est que le gâteau est resté sans moisissure parce qu'il a séché et aussi parce qu'il a des agents de conservation ajoutés. Mais il ne l'a pas ouvert, il l'a laissé dans l'emballage. Non. Il a, je crois qu'il était tout seul. Ah. C'est directement le gâteau, pas d'emballage. Ew. Ouais. Donc, Rosemeyer, qui est la propriétaire donc, du Twinkie présentement, pense à le retirer dans les 5 prochaines années. Elle a fait une blague à ABC en disant qu'elle va essayer de trouver une maison au Twinkie dans le musée Smithsonian. On sait pas. Pour voir une photo du Twinkie dans son état en ce moment même, pour montrer qu'il n'est pas dans son emballage, j'espère que c'est vraiment le cas. Allez voir sur assemblagerequis.com. Ah ben tiens, on le voit sur le... Il est dans une cloche de verre, dans une petite maison de verre en ce moment. Donc, l'environnement le touche moins. Il a l'air un petit peu... Il a quasiment l'air de l'intérieur de la barre de chocolat qu'on a goûté tantôt. Quasiment. Il a l'air du brun, là, Ensuite, évidemment, Ghostbusters, la suite est sortie récemment au cinéma. Oui. Et il y a bien sûr des burgers à thématique Ghostbusters dans une chaîne japonaise. Donc, le nouveau film qui est sorti le 15 juillet... Non, en fait, qui sort le 15 juillet. Il n'est pas sorti encore, je ne savais pas. Il n'est pas sorti encore. Je ne savais pas. J'ai tellement vu d'extraits que j'étais sûr qu'il était sorti. Donc, Grub Street nous parle que la chaîne de hamburger, JS Burgers Café, va donc sortir des articles qui ressemblent, qui font rappel à Ghostbusters. Donc, le restaurant va sortir un smoothie vert, donc au kiwi, qui va ressembler à de l'ectoplasme dans le film. Ils ont aussi des croustilles de chili noir, qui j'imagine est inspiré par le seul et unique personnage noir du film, joué par Ernie, je me rappelle plus trop quoi. Peut-être pas aussi. Donc ils vont sortir aussi deux burgers. Ils vont sortir aussi deux burgers uniques, le GB Burger, qui a un pain noir, du chou mauve, une olive noire et de la pâte d'anchois. Et le Marshmallow Mad Burger, un burger pour dessert, fait une tour de guimauve avec un sandwich au chocolat, un morceau de biscuit au sandwich au chocolat. Wow. Genre, en tout cas, bref. Des morceaux d'Oreo dedans. La collaboration avec Ghostbusters va aussi inclure des t-shirts et d'autres marchandises qui va avoir la marque du restaurant et du film qui va être vendu exclusivement entre le 1er juillet et le 30 septembre. Ceux qui peuvent pas se rendre au Japon peuvent essayer le Marshmallow Burger. Attention, non. Ils vont pouvoir essayer... Hein? C'est quoi ça? Ok, ceux qui ne peuvent pas goûter au Marshmallow Burger vont pouvoir goûter au Hi-C Ecto Cooler. Ça n'a absolument rien à voir, par contre. C'est ça l'affaire. Le Ecto-C Cooler, c'est un jus d'orange. C'est un jus d'agrumes. Mais il est comme vert. Oui, mais... Mais Ghostbuster, il y a du vert là-dedans. Là, le machin, il était vert. Ouais, mais bon. Oui, c'est vrai. Ensuite, t'sais, une compagnie qui essaie de faire, en fait, des copies de vin, mais beaucoup moins chères. OK. Une compagnie qui s'appelle... Attends un peu. Est-ce que j'en ai déjà parlé de celui-là? J'ai parlé de quelque chose de similaire, mais c'était... Ah, je suis sûr. Je pense que j'en ai déjà parlé. J'ai vu que j'ai commencé, je vais en parler quand même. C'est une compagnie qui s'appelle Replica, qui donc pense que les gens se foutent un petit peu de l'étiquette sur le vin, mais ils aiment plus le goût. Donc, en utilisant une analyse chimique, Replica fait des copies de vin pour qu'ils goûtent similaires à des marques chères. Donc, c'est comme une marque maison, là. C'est comme irrésistible ou peu importe. Là. Donc, ils essaient de s'assurer d'avoir au moins 90% de similarité avec le vrai vin. Les mêmes notes d'acidité, de beurre, caramel, agrumes, terre, fleurs, fruits, herbes, tisane, noix, fumée, épicée, sucrée, etc. Donc, le président du laboratoire qui a créé ces copies-là dit que qu'ils essaient d'offrir des vins entre 25 et 50% moins chers que les vins qu'ils copient. Le vin est plus compliqué à copier que les médicaments génériques, considérant que le goût est influencé par les conditions où ils ont entreposé le vin, les conditions, j'imagine, des raisins utilisés, le climat, le sol, la terre, des différents endroits où on fait le vin. Donc, ça peut pas être si identique que ça, mais ils ont suivi les instructions pour un test à l'aveugle chez Mental Floss, et apparemment que c'est vrai, on a comparé les vins plus chers avec leur équivalent chimiquement de Replica, une des 8 variétés que la compagnie appelait Masterful Reproductions of Expensive Admired Wines, donc une reproduction... de main-d'œuvre de vin admiré et cher. Ils ont essayé le Pickpocket, un mélange de rouge qui se vend pour environ 25$, et son inspiration, une bouteille de Prisoner Wine Company 2014 Red Blend qui coûte 45$ chez wine.com. Donc ça, c'est l'original. 6 des meilleurs connaisseurs de vin de Mental Floss ont goûté à 3 verres qui n'étaient pas marqués. C'est des verres de plastique, hein? Mm-hmm. 2 étaient remplis de Replica et l'autre de Prisoner, qui était le cher. Lequel était le vin le plus cher? C'est ça. 5 des 6 testeurs croyaient qu'un des verres de Replica était en fait le vin le plus cher, mais c'était pas... c'est tellement plus compliqué que ça devrait être, ces paragraphes-là. Personne a particulièrement aimé le vin, même le mélange à 45$. Ils trouvaient même que le vin cher était pas super bon. Bref. Oh, ouais. Mais ils ont quand même prédit que le vin le moins cher était le meilleur. Ouais. On se comprend. C'était pas buvable, disait-il. Si on le mettait sur une table pendant une fête, bon, les invités ne penseraient pas que vous avez pris une bouteille super chère, contrairement à ce que la compagnie vous fait croire. Donc, en tant que tel, ils disent que ça vaut pas nécessairement la peine, mais si vous êtes pour acheter un vin cher, aussi bien prendre le moins cher. De toute façon, c'est pas bon. Non. C'est ce que j'en comprends, parce qu'il n'y avait pas ces sortes de vins-là. Ensuite, changer de nom pour le nom Burger pour gagner des hamburgers à vie. Le ferais-tu? Non. C'est ça. Non, je suis capable de me permettre mes propres burgers. J'ai juste à en manger moins souvent. Est-ce vraiment quelqu'un qui ferait ça? Je me le demande. Donc, c'est First We Feast qui nous dit qu'une chaîne en Australie à Melbourne qui s'appelle Mr. Burger offre à leurs clients des burgers à vie si monsieur change son nom pour Monsieur Burger. Donc, ça dit que ce n'est pas une blague. Le food truck de la compagnie a envoyé un message sur Twitter dirigeant leur suiveur au site web de Mr. Burger où ils pouvaient remplir des informations, en savoir plus d'informations sur le concours et un nom direct pour le formulaire de changement de nom. Wow. Ça dit ici que... Attends un petit peu. On trouvait que c'est une bonne façon d'améliorer les journées des gens. On trouvait que ce serait amusant, intéressant et pour célébrer les choses ridicules de la vie. Évidemment, avis ne veut pas dire la même chose que ce qu'on pense. On dit que dans ce cas-là, le gagnant va gagner une limite de 7 hamburgers par semaine. Mais pourquoi limiter? En tant que tel, si t'es capable de manger 70 burgers, c'est bien ton maudit problème, non? Ouais. Donc, pour être éligible, il fallait avoir 18 ans ou plus, avoir le consentement de votre parent ou gardien légal et être une des 10 premières personnes à changer votre nom. Donc, il peut y avoir jusqu'à 10 personnes. Et si tu sais pas qu'il y en a eu 10 déjà puis t'es rendu le 11e, ton processus est déjà fait, t'es payé. Exact. Là. Tu t'appelles Monsieur Burger. Aïe, aïe. C'est terrible, hein? Incroyable. Donc, la chaîne a dit que Monsieur Burger va payer les frais, oui, des personnes qui vont le faire d'ici le 31 juillet. Mais j'imagine que c'est juste pour les 10 premiers. Oui, sûrement. J'espère. Donc, jusqu'au 31 juillet, un suivi sur Twitter a dit que ça prenait 4 semaines pour confirmer un changement de nom en Australie, mais la compagnie a confirmé qu'en tant que tu as une preuve de l'application qui était soumise avant la date, t'es correct. OK. Les gens qui s'appellent déjà Burger ne sont pas éligibles. Mais peuvent contacter la chaîne par courriel pour recevoir quelques coupons pour des hamburgers gratuits. C'est quand même cool. C'est hot. Parce que ça arrive des gens qui s'appellent Monsieur Burger. Oui, c'est vrai. C'est drôle aussi. Ok, je pense qu'on va devoir arrêter là bientôt. Ouais. Pas le choix. Une dernière. Vous pouvez aller voir un gars sur YouTube qui mange des rations militaires de l'armée de 1863 sur YouTube. Hardtack, un biscuit fait de quelque, de pas grand-chose de plus que de la farine et de l'eau, utilisé pendant des siècles pour les expéditions militaires et les voyages en mer. C'est une des rations primaires données aux soldats pendant la guerre civile. C'est pas cher, à teneur élevée en calories, ça dure longtemps, c'est pas de la haute cuisine, on dit même que quand c'est frais, c'est pas très bon. Les soldats devaient croquer très très fort. On leur a donné des surnoms à ces trucs-là. Teeth Dollars, donc des ramollis dents, et Worm Castles, des châteaux à verre. Et le craquelin est tellement solide que les soldats devaient le frapper avec leur arme, leur fusil, pour wow. s'en casser un morceau. Mais malgré sa réputation, un YouTuber nommé Steve1989, MRE Info, okay, a décidé de l'essayer lui-même. Et dans la vidéo, monsieur MRE Info, Steve, on va l'appeler, mange un morceau de ce hardtack fabriqué pour les soldats il y a plus d'un siècle et demi, en 1863. Il est même pas capable de le piquer avec une fourchette tellement c'est dur dans un bol d'eau. Ah! Et donc, ça dit que c'est le plus vieux craquelin qui a jamais été mangé. Dans la vidéo, il a produit, en fait, sur sa chaîne YouTube, il a produit d'autres vidéos sur d'autres rations militaires, mais aucune aussi vieille que ça. Il est pas impressionné par la saveur. Il dit qu'il y a certainement un élément de dégueulasse de le regarder consommer ça. La vidéo, quand même, montre l'histoire du 19e siècle, donc ça reste le fun à voir. On dirait une vieille Pop-Tart, je trouve. Ouais. Ou non, des croustilles de pita. Oui, croustilles de pita, j'allais dire. Ça ressemble à ça. Wow. Alors, allez voir ça, les liens sont sur assemblagerequis.com. On va parler quelques secondes. Ah, t'as pas 17 ans, toi, si t'en as. Là, j'ai 17 ans. Parce que là, je pense que là, on peut là, couper. C'est là. Là, on peut faire la conclusion de l'émission. Je pense que oui. Donc, nous voilà arrivés à la fin d'Assemblage Requis pour une autre semaine, qu'on a donc eu du plaisir aujourd'hui. Tout à fait. Comme toujours, pas de plaisir tous les mardis. On se retrouve la semaine prochaine, mardi, entre 14h et 17h. Juste après nous, il n'y a pas de baseball ce soir. Non. Par contre, il va y avoir la sortie secouette à votre gauche à 20h. Oui. Et voilà. Donc soyez-y pour ça. On repasse ensuite les samedis entre midi et 15h. Après nous, c'est Sky Punk Up, suivi du voyage des Célites en rappel. Et après ça, le baseball va être là. Il y a du baseball en fin de semaine, vendredi, samedi, dimanche. Oui. Lundi, mardi, mais je pense que ça continue pendant un bout de temps. Je pense que oui. Bref. Donc baseball commence à 17h55 le samedi. Et on repasse de 10h à 13h le dimanche. Le baseball des Aigles s'en vient dans quelques instants, juste après la conclusion qu'on est en train de faire en ce moment même. Mm-hmm. Là, ça s'en vient après la fin de la chanson. Merci Tania Baudin. Merci à toi Mathieu Plante. Je suis content de te revoir. C'est ben le oui. Et on se retrouve la semaine prochaine, Kate. Ben oui, promis. Bye. Bye.